Cette émission est sponsorisée par HongKongStyle.fr, société de vente en ligne de produits dérivés, toys, goodies et accessoires mobiles dans le monde des comics, films, séries TV, jeux vidéo et mangas. HongKongStyle. Bonjour et bienvenue dans ce 20e numéro de Flashpoint consacré au mois de mars. Alors, émission exceptionnelle aujourd'hui, puisqu'on a deux invités pour débattre entre autres de Batman v Superman. Donc, on va les présenter en premier. Donc, d'abord, il y a Marien Allez, salut! et Vivien. Bonjour, bonjour! Et ensuite, l'équipe habituelle, donc Spectra, Bonjour! Vinch Salut à tous! et Cédric. Salut à tous! Comment allez-vous? Bah, Ça va. tranquillou, le retour du soleil, il commence à faire bon, tout ça, la fenêtre ouverte. Il manque plus qu'un petit rosé et des brochettes, c'est nickel. Donc, tu veux te présenter un peu, Marie, avant de commencer? Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, je m'appelle Marien. Vous pouvez peut-être me retrouver sur Facebook avec mon nom. Mon pseudo, c'est Gogoloum. Je lis beaucoup de DC depuis que je suis ado. J'ai commencé avec les Marvel. Puis après, je me suis rendu compte que finalement, chez DC, on était bien au chaud. Voilà, et depuis, je commence à faire toutes les sorties urbaines, j'ai rattrapé mon retard sur la continuité, puis les New 52, et puis voilà, puis je suis content d'être là. Ok, et donc Vivien, représente-toi pour les gens qui t'auraient pas entendu la première fois que tu étais venu. En effet, alors moi donc c'est Vivien, j'anime mon propre podcast et émission de radio qui s'appelle Comics Bazar, qui sort tous les mercredis soirs en podcast sur PodCloud et aussi sur iTunes, que j'anime donc en hebdomadaire, et aussi un grand grand fan de tout l'univers DC, et j'essaye de maintenir toutes les lectures de chez Urban, même si ça commence à faire un petit peu beaucoup au fil des mois. Tu m'étonnes. Je l'ai fait aussi. Hein. Je fais toutes les sorties urbaines tous les mois et plus ça vient. En fait, les mois creux, je me disais, je vais en profiter pour rattraper mon retard sur des vieux numéros et plus ça vient, moi, je peux rattraper le retard sur les vieux numéros quand je vais faire une croix dessus. Ouais, il commence à y en avoir de beaucoup, beaucoup quand même là. Ouais. Ah, puis ça va pas s'arranger. Ouais, il faut commencer vraiment à faire des choix là. Et encore, hein, chez Urban, ils font déjà le tri avant, hein, ils sortent pas tout. Ouais, c'est Ah. vrai. Ok, bon, on va commencer l'émission donc avec les news ciné. Donc, Spectra, on te laisse démarrer. Allez, bah c'est parti pour les news ciné. Donc, alors, on a vu un premier trailer pour le film Lego Batman, qui était, ma foi, assez marrant. Tout le monde l'a vu? Non. Non. Ok. Moi, Ça devait. je l'ai pas vu non plus, je m'en bats les couilles, mais non, il n'y a personne qui l'a vu en fait, d'accord. Si, si, si, si, moi je l'ai vu. Alors, Et Spectra aussi l'a vu. apparemment c'est marrant. Ça va, il y a pire, mais bon, c'est un Lego Batman, quoi. Ça va attirer un public jeune, donc c'est pas. Ça va être le film qui va se regarder sur un coin de l'écran sans plus, quoi. Est-ce que ça va réconcilier les fans de DC après Batman Superman avec Batman? Non, je pense qu'il y a une vision trop messianique peut-être de Batman là-dedans, donc ça. Il faudra peut-être faire une C'est pétition. parti, ça troll. Ouais, ça commence déjà, purée. Mais il y a même eu deux trailers pour le Lego Batman. Donc vous avez réussi à louper deux bandes annonces en fait. Moi, Lego, j'ai laissé tomber il y a un petit moment en fait. Donc voilà quoi, ça sans rancune. Et j'ai rien d'autre à dire là-dessus, mais j'ai mes amis. Bah, je vais enchaîner avec quelque chose de plus sexy. Donc Amber Heard, du coup, qui a confirmé qu'elle incarnera Meran dans le Mera dans le film Aquaman. Et ça fait pas 3 mois que tous les mois tu nous dis la même chose? l'as pas déjà dit ça? Je crois d'avoir déjà entendu ça. Ouais, ouais. Non, c'était un j'ai l'impression que tu restrictes tes news. Mais absolument pas, c'était un oui-dire il y a quelques temps, il y a 2 mois, ensuite le mois dernier c'était un peu plus confirmé, et là elle le dit officiellement. Et le mois prochain elle aura signé son contrat. Voilà, c'est ça, et il y aura une news là-dessus, vous inquiétez pas, je louperai pas l'info. Ok, alors peut-être juste pour dire qui est Amber Heard, c'est celle qui joue dans Rome Express et qui a pris le cœur de Johnny Depp à Vanessa Paradis. Petite news people, donc je pense qu'il a pris autre chose que le cœur. Il est calé, le Vivien. Non, je sais même pas quoi il ressemble, toujours pas en fait. Ouais, bon, j'ai fait une recherche Google, ça va. Les... Voilà. C'est pas on l'avait dit il y a un mois déjà tout ça. Ouais. Vivien ne nous écoute pas. Ça va, je renouvelle les news, nuance. Vas-y, continue, Spectra. Alors, ouais, mais elles sont pourries, hein, les news ciné. Ouais, alors, un truc hyper important, James Wan qui a voulu rassurer un peu les fans, très en colère devant le manque d'humour de BVS. Donc, il nous a dit que Aquaman aura une tonalité peut-être un peu plus fun. Par contre, choisis bien les mots. Hein. Moi, j'ai pas vu de fan qui a dit que c'était trop noir. Hein. Que le ton était trop sombre et que c'était pas assez marrant, quoi. J'ai eu peur pendant le film. Des critiques de mecs, enfin de critiques classiques qui disent qu'il n'y a pas d'humour, ça oui, mais après parmi les fans, j'en ai pas vu qui se plaignaient de ça en fait. Ah, ça revenait quand même quelques fois. Hein, sur... C'est pas des fans alors, c'est des baltringues. Et moi, j'ai pas vu de. Moi, je plus sois, je suis d'accord. Ceux qui se plaignent qu'il n'y a pas d'humour. Enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais. Ouais. Bon, bah des baltringues alors. Super Friends. Ben Affleck qui confirme une collaboration avec Geoff Jones. Ça, c'est inaugure que du bon. Perso, j'aime beaucoup Geoff Jones et Ben Affleck en tant que aussi réal, scénariste et tout. Donc, ça, je suis hypé. Ouais, de toute façon, Geoff Jones, il est toujours là, non? Parce que sur BVS, il écrivait pas un petit peu, comme sur Green Lantern. Sur BVS, je t'avoue que je sais pas. On m'a tellement parlé en fait de Miller, enfin des inspirations, etc. Que j'ai pas trop regardé en fait s'il avait collaboré pour le film. Je sais qu'il participe aux séries, hein, notamment Flash et tout, mais pour BVS, je t'avoue que je sais pas. Il me semble, hein, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il était dessus aussi. Sur BVS, ouais, il y a un producteur exécutif. Ah d'accord. Donc il a juste donné des sous et dit ouais, c'est plutôt pas mal. On continue toujours avec Ben Affleck qui aurait écrit un script pour un film Batman sous l'eau. Ouais. Jusque là tout va bien. C'est la prochaine news où tout part en couille normalement. Voilà. Ouais, alors je me suis tâté avec ça, mais bon, hein, bah, c'est histoire de remplir un peu. Donc une pétition pour virer Snyder. Hein, parce que ouais, il y a du monde déjà, je crois, un peu dessus, non? Pour virer Scott Snyder, moi je suis d'accord. Ah non, son frère, merde, Zach. Ok, pardon, j'avais pas compris. Ah, fais gaffe, il y a des fans de Scott Snyder ici. Hein. On en reparlera aussi, on a appris à relativiser avec le dernier Batman. Ah, le Batman oh là, 50. Oui. Ok, oui. Okay, oui. Ouais. Ah, on va s'énerver, je crois. Et pour un truc un peu plus léger, vous pouvez visiter la Batcave du film BVS sur Google Maps. Tu t'es pas fait chier pour les news 1 quand même. Hein. Ah, franchement, putain, on est de l'actu ici, on est au cœur de l'info, tu nous balances cette merde. Hey, alors, je suis au cœur de l'info, quand même des infos par Jean-Pierre Pernaut. Et sinon, aujourd'hui, dans un petit village de la Somme, nous allons retrouver une vendeuse de fleurs. Et la cathédrale d'Amiens, si vous... C'est ça. Attendez la gueule des news série TV. Hein. Ah putain, c'est clair. Vas-y, Vince, hein. Fais-toi plaisir. Allez, donc ici, c'est au cœur de l'actu, des infos dont personne ne se doutait. Toutes les séries CW sont renouvelées. Arrow, Flash et Legend of Tomorrow, même si c'est de la merde, est renouvelée pour une saison suivante, ainsi que Gotham et Supergirl. Au cœur de l'info, Flashpoint. Voilà, c'était tout pour les news séries TV pour ce mois-ci. Ouais, après, il n'y avait pas grand-chose, mais c'est vrai qu'on a quand même bien vidé, quoi, pour pouvoir parler après bien du film. Mais il n'y avait pas énormément de choses, quoi. Alors, est-ce qu'on pourrait juste revenir sur chaque série? Qui est pour le renouvellement de la série d'Arrow? Moi, je suis totalement contre. Mais moi, en fait, non, moi, c'est pas que je suis contre. S'il y a des gens qui aiment, je veux pas leur, comment dire, leur enlever ce plaisir. Mais moi, personnellement, j'ai arrêté et je pense pas reprendre en tous les cas. Je suis pour le renouvellement de la série Arrow parce que, comme ça, quand je rencontre des nouvelles personnes et qu'on parle un petit peu série, dès qu'elles me disent qu'elles suivent Arrow, je sais que je dois pas leur parler. Donc, retraite. Donc, je suis pour le renouvellement. Ça catalogue tous les gens à pas suivre au même endroit. Nickel. Ok, d'accord. Alors moi, je pense aussi que je vais m'arrêter sur cette saison. Enfin, je vais la terminer et je vais m'arrêter là parce que ça commence un petit peu trop à s'étirer selon moi. Après, je pense que pour Flash, on va tous être d'accord. Ouais. J'ai regardé j'avais quelques épisodes de retard. J'ai regardé ce que j'avais de retard là récemment. C'est pas ouf, n'empêche. Cette saison 2 de Flash, ça partait plutôt bien. Il y a un gros ventre mou. Bon, là, on commence enfin à en voir un petit peu le bout. Je serais pas contre que cette saison se termine un peu plus vite et qu'on reparte sur un truc un peu plus neuf après, parce que je sais pas, il y a un truc qui me gêne franchement dans cette saison. Ouais, je suis comme toi, ça commence vraiment à traîner en longueur. Et voilà, ça commence à ralentir et c'est con, hein, mais bon, pour une série Flash, ralentir, c'est jamais peut-être. Ouh là là, ouh là là. Patrick Sébastien sort de ce corps. Ensuite, il y a Legend of Tomorrow, je suis toujours à l'épisode 1, j'ai pas suivi, donc. Idem. Je sais pas si je vais la finir un jour en fait. Moi, j'ai arrêté pour 3 et. Personnellement, là aussi, je finis la saison et basta quoi. Je prendrai pas la deuxième. C'est juste histoire de finir ce que j'ai commencé quoi. Pour pas me dire au final, tiens, j'aurais dû quand même continuer, savoir comment ça se finit, même si je souffre à chaque épisode quoi. Mais en fait, j'ai pas, si tu veux, quand je regarde, j'ai regardé, non, peut-être 4 épisodes quand même. J'ai l'impression de voir une pièce de théâtre et pas une série. C'est-à-dire que les personnages sont désespérément là où tu t'y attends. C'est, ouais. Ils font systématiquement la même chose. Tout se passe plus ou moins au même endroit, donc comme au théâtre, hein, donc sur le champ, enfin, sur la passerelle du vaisseau, là où tout se décide plus ou moins. Et puis ils partent faire la mission du jour dans telle ou telle époque, et puis ils font tous systématiquement les mêmes erreurs. Ouais, ouais. Et puis ils se tapent dans le dos, et puis tout le monde rigole, et fin de l'histoire, épisode suivant. Il n'y a pas d'intérêt, quoi. Vraiment, il y avait au moins l'aspect de la surprise au début, mais bon, que ça soit renouvelé, je m'en bats un peu les reins. Ouais, ça, je suis d'accord, ouais, ça fait un petit effet pchit, cette série. Ça avait une bonne surprise, en effet. Puis ouais, c'est des actes, enfin plein d'épisodes actes qui se répètent et c'est littéralement chiant. Et après, concernant les deux dernières, moi Gotham j'ai arrêté l'année dernière et Supergirl, je suis toujours à l'épisode 2 ou 3. Juste là, j'ai maté l'épisode crossover avec Flash, j'ai trouvé ça sympa, divertissant. Mais c'est pareil, ces deux séries-là, je pense pas les re-suivre quoi. Alors bizarrement, j'ai arrêté Gotham aussi, mais Supergirl, que j'ai pas encore regardé, j'avais regardé que le pilote quand c'était sorti, je vais peut-être m'y mettre, parce qu'on m'a un peu raconté ce qui se passait, et je suis au moins curieux. Alors peut-être qu'après je vais trouver que c'est de la merde, mais je suis au moins curieux de voir la saison, peut-être que je vais faire ça, ou la regarder au moins en diagonale pendant que je peins, ou que je vais tester des trucs à côté, pour voir un peu ce que ça donne. Alors pour moi, je dirais plutôt que Supergirl, ça m'avait agréablement surpris sur son pilote et les 2-3 épisodes suivants. Mais là, c'est vrai que ça traîne aussi en longueur et je trouve que c'est le défaut qui est en train de prendre Flash lors de cette saison. C'est pareil, c'est que Flash et Supergirl font, entre guillemets, les scénaristes font un petit peu la même chose entre les deux séries et ça a exactement les mêmes défauts. Donc ça me fait assez peur pour Flash. Du coup, Supergirl, pareil, je pense que je vais peut-être m'arrêter sur cette saison aussi. Mais Gotham, par contre, je continue d'adorer. Enfin, d'adorer, c'est peut-être un grand mot, mais je continue de suivre et ça continue de me plaire d'épisode en épisode. Donc, ça, par contre, je suis plutôt content. Bon, après, c'est aussi parce que je suis un fan de Batman, donc ça aide. Et Vinci Spectra, vous avez le droit de parler aussi, hein? Non. Bah non, mais j'ai plus rien à dire là-dessus parce que Flash, ouais, c'est la seule que je vais continuer. Tout le reste, j'ai lâché quoi. Gotham, ça suffit. Quand ils ont teasé le retour de Fish Mooney, là, c'est bon. Je me suis roulé en boule, j'ai pleuré, j'ai décidé d'arrêter. Et Vinch? Non, à part Flash, que j'ai même du mal parce que c'est vrai que ça devient vraiment long et il y a des épisodes qui servent vraiment à rien. Les autres, j'ai laissé tomber. Arrow, j'ai voulu regarder, rattraper mon retard, j'ai tapé tous les moments chiants. Je pense que l'épisode il a duré 5 minutes 30 pour moi, donc je pense que c'est un peu vain. Legend of Tomorrow, jamais continué. Gotham, j'ai arrêté. Supergirl, jamais commencé. Bah, tu me rassures, Vinch, quand même, que je ne suis pas le seul à trouver que Flash, c'est pas que ça part en sucette, mais ça devient un peu mou, parce qu'on a toujours un petit peu de mal à en dire du mal au final de cette série, parce que c'est celle qui est la mieux actuellement. Et là, ouais, je sais pas, je suis un petit peu dégoûté, j'ai envie que ça se finisse vite et qu'on reparte sur un truc neuf, tu vois. Je pense que le problème Ouais, de ces non. séries, c'est qu'il y a trop d'épisodes. Ils devraient faire 112 épisodes, je pense que ça irait beaucoup mieux. Ah, ça c'est clair. Ouais, Ah, bah, les derniers épisodes, ça sentait vraiment le. On a pas d'idée, il faut combler. En fait, on a signé pour 23 épisodes dans la saison. Donc, il faut un peu des épisodes filling comme ça. Donc, là, on repart dans le passé pour apprendre à courir plus vite avec l'ancien Harrison Wells. Il y a un espèce de Freak of the Week à chaque fois. Enfin, je sais pas. Ça me c'est vraiment du paraît. remplissage cette saison de Flash, c'est dommage. Ouais, le concept Parce était bon, que mais elle c'est vrai partait que bien, mais ouais, c'est ça, le clair. principe du Freak of the Week, c'est bien pour une première saison, donc ça a été le cas pour Flash, ça a été le cas aussi pour Gotham. Mais là, c'est vrai que dans une saison 2, bah, on s'attend à vraiment pour les épisodes et pas juste tel épisode une péripétie, tel épisode une péripétie, et voilà quoi. Ah, puis c'est pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure sur Legends of Tomorrow. Le dernier épisode, ce que j'ai regardé, c'est le 17. Ouais, Je peux c'est spoil ça. ou pas? Enfin, Ouais, spoiler. moi, Vas-y, vas-y, ouais, spoil, spoil. c'est, bah, vite fait, comme ça, bon, il doit repartir dans le passé pour apprendre à aller un peu plus vite, etc. Et donc, forcément, vient des espèces de considérations comme ça, fait attention à pas changer le passé et tout. Et tu sais forcément que dès la première seconde où il a posé le pied dans le passé, il va tout foutre en l'air. Et systématiquement, c'est ce qui arrive. En fait, dès qu'il arrive, sa conscience, il la range dans sa poche et il fait tout de travers, quoi. C'est vraiment mais ultra frustrant parce que tu suis l'évolution du personnage pour au final te rendre compte que c'est un gamin. Enfin, c'est chiant. Ouais, le dernier je l'ai vu, j'ai trouvé mieux que ceux d'avant quand même. Parce que justement le fait de revenir en arrière c'était intéressant, l'histoire était solide on va dire, même s'il y a plein de défauts. Mais les épisodes d'avant, ou comme vous dites avec le Freak of the Week, c'est vrai que ça commençait à être un peu chiant quoi. T'as envie que ça avance avec Zoom et qu'il conclue l'histoire. Et c'est vrai que c'est pas le cas quoi. Donc ouais. Vous avez autre chose à rajouter les gars ou on passe aux news comics VF? J'ai rien à rajouter. Non, c'est bon. Non plus, Ce sera nos tout pour invités. votre honneur. Pour moi aussi. Tout a été dit, je pense. Regardez ces séries, donc pour une nouvelle saison. Bah vas-y, Vinch, hein, poursuivez donc. Donc, on commence avec le nouveau planning urbain annoncé, donc juillet, août et septembre. On commence avec juillet, donc avec qu'est-ce qui a été annoncé? Il y a Harley Quinn, tome 3 qui a été annoncé, Suicide Squad, tome 2, Green Lantern, le retour de Hal Jordan. Flash tome 4, Injustice tome 6 et Superman 1 tome 2, donc qui reprend le tome 3 sorti aux États-Unis assez récemment. Le retour d'Al Jordan, c'est quoi? Le retour d'Hal Alors. Jordan, c'est quand il revient à la vie, c'est Ah, Rebirth en fait. c'est Rebirth? Je crois, ouais, si je dis pas de conneries, c'est après son. Quand il revient après avoir été le Spectre. Mais D'accord. justement, mais ils ont pas pu. C'est ça qui me saoule un petit peu. J'aime beaucoup tout ce qui est Green Lantern dans l'univers DC et ça n'a pas encore été publié en fait chez Urban. Par contre, ils font les Rebirth. Non, ils ont en fait le retour d'Hal Jordan, ça se passe juste avant le tome 1 de Geoff Johns présente Green Lantern, si je dis pas de conneries. Et le Oui, tome c'est 0, là. c'était quoi alors? Ils avaient fait un tome 0. Ouais, le tome 0, Ah, c'était ça Secret reprend plus. Origin. C'était Ouais, ça Secret reprend Origin. Ah bah du ouais, début aux c'était origines l'origine. jusqu'à. Oui, Que non, dans le ça, tome oui, 1, c'est je un suis peu d'accord. après que. Ouais, Je suis dis. d'accord, là, ça se passe juste avant les Geoff Johns, mais je sais pas, ils ont pas fait en fait ce qu'il y avait avant. Il n'y a pas les Zero Hour, il n'y a pas tout l'arc avec justement Hal Jordan qui est à la fois qui fusionne avec Parallax, tout ça quoi. Enfin, je sais pas, pour moi je trouve ça important et ils préfèrent faire les Rebirths avant. C'était écrit par qui ça? Parallax. Oh, je sais plus. Bonne question. C'est le pote Ça a Jones, duré hein. Je sais longtemps. pas Hein. encore Non, qui c'est avant Jones. Jones a repris justement pour Rebirth. Voilà. Mais Ouais, ça me bah choque ils. pas qu'ils publient Rebirth après avoir publié tout le reste de Geoff Johns, parce que Rebirth, comme ça, c'était vraiment c'était hardcore quand même, hein, pour comprendre. Marien? Ouais, non, mais je suis d'accord. En même temps, bon, c'est vrai que la série a été un succès. Là, les Geoff Johns présentent Green Lantern sont très bien partis. Donc, bon, je comprends qu'ils veuillent en faire un petit peu écho et faire pas. Enfin, bon, ils ont déjà sorti un tome 0, donc on va dire un tome moins 1, quoi. Ouais. Mais j'aurais préféré qu'il y ait un petit peu la continuité avant. Tu vois, je sais que par exemple, là, Urban a annoncé dans les mois à venir les Crisis of Infinite Earths. Bah, Ouais. ça, c'est bien parce que ça fait une bonne base pour partir, tu vois. Ouais, mais ça, ils avaient expliqué dans une interview, ça, ils auraient pas pu le sortir directement, les gens, ils seraient perdus, quoi. Donc, ils font un peu dans tous les sens pour que les gens, ils puissent comprendre. Il faut voir aussi que le Green Lantern, avant l'arrivée de Geoff Johns, ça se vendait pas du tout chez DC. Le titre était complètement à l'abandon. Hein. J'en ai lu quelques-uns, c'est très très moyen. Hein. ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu après avec Geoff Jones. Un peu comme avec Venditti, quoi. Alors, petite information pour retrouver la fameuse Batcave et qu'on peut retrouver sur Google Earth. Important, vas-y. Ouais, important, ça se passe dans le Michigan, sur une route paumée, avec sûrement plein de rednecks, donc ça fait assez peur. Mais bon, je crois que je vais faire péter le PEL à la rentrée de septembre. Ça a l'air plutôt pas mal, puis ça n'est plus trop habité apparemment. Ouais. T'en as un reporter sur place et tout, carrément. Alors ensuite, vas-y, poursuis pour le mois d'août. Oui, donc le mois d'août, nous aurons Batman le culte de Jim Starlin. Ensuite, nous aurons Checkmate tome 1, la fameuse Justice League International tome 1, donc, qui est un peu dans la continuité de ce qui... Enfin, dans le même genre plutôt, parce que ça se passe avant, mais dans le même genre que le fameux HS qui était sorti Justice League HS2, je pense, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc avec l'équipe Booster Gold et compagnie. Ensuite, nous aurons Batman et Robin tome 5, donc c'est les fameux tomes avec Batman et 3 petits points. Ouais. Nous aurons enfin la fin de Batman le Chevalier Noir, qui est quand même sorti le tome 3 il y a 2 ans, je crois. Ouais, mais c'est de la merde, ça, non? Ouais, mais justement, c'est pour ça qu'ils ont sorti, ils ont attendu si longtemps pour le sortir. Ouais. Et ensuite, nous aurons Green Arrow, tome 4, à savoir qui, pour l'impasse sur le run très pourri de l'auteur dont j'ai déjà oublié le nom, qui était sorti dans les Urban... Ouais, ceux qui ont fait la série télé, en fait. Mm. Ouais, voilà, ceux qui ont fait la série télé. Mm. Ouais, ils sont pas restés longtemps, ils ont resté quoi, 10 numéros, même pas, non? Même pas, ouais. Ouais. Je dirais plutôt 6 numéros. Et il y a des nouvelles de... Ils avaient sorti un Justice League of America 0, là. Le 1, il est prévu un jour ou... Il y a des nouvelles sur cette série ou pas du tout? Ouais, non, il n'y a pas de nouvelles actuellement, mais ils ont déjà dit que ça allait sortir, que ce serait le run de Morrison qui prendrait la suite. Ouais, mais là, du coup, il lance une nouvelle collection, mais celle-là, il la poursuit pas pour l'instant? Bah si, mais c'est pas encore dans leur plan actuel. Ce sera peut-être pour après... Pour le mois d'octobre, novembre, décembre, sûrement. D'accord. Donc c'est prévu, mais ils n'ont pas encore de date précise, quoi. Ce qui est sorti à un moment, celui-là, non? Ouais, il y a 6-7 mois, je crois. Putain, ça passe vite, ouais. Ça doit être ça. Green Arrow tome 4, je crois, c'est ouais, donc c'est Ben Percy, non? C'est ça. Ouais, c'est DCU. C'est ça, DCU, ouais. Ouais. C'est nul, donc. Mais c'est qu'il y a mieux que ce qu'il y a juste avant. Ouais, c'était mieux que ce qu'il y avait avant, et c'était mieux que Innocenti, mais bon, enfin, c'est quand même pas terrible, hein. Le début est sympa. Ça motive. Ouais, mais en plus, je crois que c'est lui, on en reparlera après, mais je crois que c'est lui qui continue, non? Sur Green Arrow Rebirth, non? C'est sur la même équipe, non? Pourquoi changer Il y a des éditions Venditti sur Green Lantern aussi. Ouais, mais il récupère sa barbe. Ça, c'est important. C'est important. Bon, on en parlera après. Ouais. Donc, on continue le planning avec septembre, Cédric? Ouais, alors en septembre, on aura Deadshot et les Secret Six, les gardiens de Terre 4. Ça, c'est Superman. Quoi, Les gardiens de Terre 4, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est la question 4... Blue Beetle. Ouais, c'est question, t'as Blue Beetle. En fait, c'est du Silver Age. Ouais. Tout ça. T'as Atom aussi, il me semble. Ouais, Captain Atom. Voilà, c'est un peu dans la même branche que, tu sais, Flash, la légende, etc. Ça va être du vieux récit. D'accord. J'allais dire, c'est un peu la même genre d'équipe que dans la Justice League internationale, s'il y a Blue Beetle, Atom. Aussi, ouais. D'accord. Ouais, mais c'est un peu ça, c'est de l'actuel à la base, quoi. Façon old school, quoi. Mais oui, ok. Bon. Pourquoi pas. Donc, ensuite, on a Superman, l'homme de demain, tome 2. Donc c'est par Jin Lee Yang. Ouais, c'est l'arc Truff, hein, non, je crois. Ouais, faut pas l'acheter. Ouais, surtout que le premier tome était sorti en novembre 2015, il me semble. Donc ouais, un an après. Déjà, faudrait remanger le premier tome, en fait. Non, mais il est sorti quand, l'homme de demain, tome? Non, il est sorti le mois passé. Oui, il est sorti il y a pas longtemps, ça. Tu confonds, je crois, Vivien. Ouais. Ouais, je confonds peut-être deux titres, ouais. Ouais, là, en fait, ils ne sont pas à voir sur le site d'Urban pour vous confirmer la date de sortie du dernier tome. Voilà, en fait. De toute façon, c'est très mauvais. Ça, oui, c'est nul, ne l'achetez pas. Ensuite, un truc pareil ensuite, qui va faire débat. Wonder Woman, DS de guerre, tome 2. Alors, c'est encore plus nul. C'est Finch, le couple Finch. Le couple Finch. C'est génial, Wonder Woman est super bien dessiné. Non, mais moi, j'avais eu quelques épisodes, c'est pas non plus de la merde, quoi. C'était pas extraordinaire, mais le peu que j'ai lu, moi, c'était correct. Oh la vache. Oui, bah, disons que c'est nettement moins épique, en fait, c'est nettement moins mythologique que ce qu'on avait eu avant avec Ezzarello, mais franchement, ça se lit, hein. Ça se lit très bien. Hein. Oui, voilà, non, mais c'est en fait le titre, il a un peu le même traitement que BVS, quoi. Les gens, au lieu, enfin, c'est direct, c'est soit ils détestent tous les gens, tous ceux qui parlent de cette série là. Elle est mal caractérisée, machin, machin, mon cul, machin. En vrai, non, c'est pas génial, mais c'est pas non plus pourri. Il y a pire que DS de guerre, quand même, que Wonder Woman DS de guerre, je trouve. En lecture, Aquaman, ça devait être tout pourri à un moment Ah donné, oui, non, mais Cédric, c'est Aquaman, ça, quoi. Aquaman, t'as touché le fond, là, forcément. Si tu te compares à Aquaman, tout est bien. Hein. Oui, non, mais voilà, parce que moi j'ai lu partout, c'est catastrophique, c'est de la merde, machin, bidule, mais je pense pas que ce soit. En fait, ça pâtit surtout de la comparaison avec Laurent Dazzarello, c'est vrai. Voilà, je pense que c'est ça en fait. Mais voilà, parce que c'est vrai que bon, Laurent Dazzarello était, mais, il était mythique, c'était punchy, il y avait de l'intrigue. Tu voyageais énormément, il y avait plein de personnages différents, la caractérisation des dieux était super bien faite et tout. Et t'arrives dans quelque chose de pas de plus léger, mais on va dire de moins fourni. Alors forcément, t'as une impression de vide, mais c'est pas pour autant que c'est pourri. Voilà. Euh, Alors, en effet, le continue tome. alors. Pardon, pardon, vas-y, Vinch. Je dis en effet, le tome 1 de Superman l'homme de demain s'est sorti le 20 novembre 2015. Ah Je ouais. pensais qu'il était sorti il y a moins longtemps, moi. Bah pareil. En effet, tu Ah avais non, mais on raison. confond, tu sais avec quoi on confond Vince, on confond avec Action Comics. Parce qu'ils viennent pas de Ah ouais, sortir c'est Action vrai. Comics là récemment. Ah voilà, Si. en Mais je sais janvier, pas ce qu'ils février, font je chez crois. Urban avec les titres Superman à chaque fois là. Je sais plus comment les ranger dans ma bibliothèque, quoi. Oui, c'est Ouais, vrai. t'as. Bah maintenant, là, Juste. t'as l'homme de demain et l'autre série, je crois que c'est Superman Action Comics et ils appellent ça. Ouais, c'est ça. Il y avait Doom aussi qui était sorti le mois dernier. Aussi, ouais, juste. Très beau récit. Donc, on continue avec les sorties du mois de septembre. Earth 2, tome 6. C'est Convergence? Ouais. C'est déjà Convergence, le tome 6? Ok. Ouais, j'ai envie de dire ça enfin, quoi. Ouais, ok. Ouais, enfin. Ça fait 2 ans Et. maintenant, non? Ouais, enfin, Convergence, Convergence. il n'y a rien à sauver. Hein. Là, pour Non. le coup, je défie quiconque de me dire du bien de Convergence. Hein. Ah Ben. Spectra, il a réussi quand même hein, au début. DCA fait son déménagement dessus, c'est tout. J'avoue que j'avais bien aimé le zéro. Et Alors, vous avez bien aimé Batman, Superman, chacun son truc. Je vais te défoncer, toi, tu vas même pas voir d'où ça vient, quoi. Vas-y, on saute au duo là. On continue alors avec la dernière sortie de septembre, Batman DK3, le tome 2. Donc je pensais toujours hors de prix pour 2 issues. Ouais, non, non. Je suis vraiment hyper déçu d'avoir acheté le tome 1 parce que 15 balles pour un tome de 2 numéros, 2 ou 3 numéros, je crois. Il y a Non, c'est 3 issues. deux, hein. Deux numéros Il en y a fait. deux issues, mais il y a des backups. Mon Dieu, quoi. Mais mon Dieu, mon Dieu. J'ai vraiment eu l'impression qu'on m'avait, mais quand, enfin, qu'on m'avait racketté, quoi. On va en parler que dans la review. Nous avons le même avis. Mais en plus, j'ai eu la chance de pouvoir le choper à Cultura, donc il y avait, tu sais, la couverture alternative et tout. T'es trop content, je me suis dit, ouais, je vais rentrer avec. Mais j'ai été hyper déçu, quoi. Puis, du coup, en 2 numéros, t'as le temps de rien voir. T'as pas avancé dans l'histoire, t'as rien vu. C'est même pas un apéritif, quoi. En plus, le DK3, bon, c'est pas génial, c'est pas si mauvais que ça. J'ai lu beaucoup de mauvaises critiques, mais le fait que Urban le vende à ce prix-là, forcément, c'est indéfendable. Tu peux plus Mais défendre le c'est titre, quoi. en fait non mais c'est moi qui fais le con en fait c'est il fallait pas que je m'attende non plus le fait qu'il sorte DK3 en plusieurs tomes c'est mauvais il faut juste que j'attende en fait d'avoir un TP ou alors peut-être en fin d'année ils sortiront un coffret qui réunit tout et puis je me le prendrai à ce moment-là mais là en tomes séparés comme ça non ça vaut pas le coup quoi. C'est clair. Bon, on continue. Alors, les sorties à ne pas rater au mois d'avril. Selon Vinch, hein. Dis selon Vinch, au moins tu peux te désolidariser si jamais ça te plaît pas, quoi. Il y en a une ou deux là-dedans que je vais pas citer du coup. Non, Y a des Infinite Crisis. raisons à ne pas rater. Infinite Crisis tome 5. Donc ça, il a raison, c'est à ne pas rater. Il est sorti vendredi, là, il y a deux Enfin, jours. l'arrivée de Superman Prime, Superboy Prime, pardon. Enfin. Ouais, ah, oui. Suicide Squad tome 1. Alors là, par contre, il va falloir m'expliquer. C'est pour soutenir que Urban publie enfin quelque chose d'autre que du Batman du Superman. Mais c'est lequel de Suicide C'est de Squad? la merde, il faut savoir. C'est pas terrible, mais ça se laisse dire. C'est C'est New le tout 52 premier ou c'est Suicide le. Squad. C'est sorti il y a 4 ans aux C'était New States. 52 et le mec, il y a deux Ah minutes, ouais. il m'envoie le conducteur, les sorties à ne pas rater, et là, direct, c'est de la merde, mais achetez-le. Tu veux nous faire passer pour Non. qui en fait? Ça, c'est passable, mais c'est pas. Vous attendez pas au truc de fou, c'est la Suicide Squad, quoi. C'est un peu drôle. Donc Et c'est pas forcément à ne pas rater quoi. C'est juste que ça sort après, libre à chacun, mais Ouais, c'est mais pas. c'est à pas rater, quoi. Faites pas chier. Voilà. Achetez-le quand même. Un beau fail de Vince, ça faisait S'il longtemps. vous plaît, achetez-le. Donc ensuite, on a Action Comics tome 2. Alors là, c'est pareil, il va falloir que tu te justifies, Vince. Grave. C'est grave, pareil. C'est Superman, c'est C'est pour Kerry dire qu'il n'y a pas Frost, que du Batman qui sort, alors on l'a mis dans la section à ne pas rater. Vas-y. c'est pas terrible. C'est bon, franchement. Action Comics, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. C'est mieux que ce qui était caractérisé par Superman, par l'homme d'El, quand même. Faut avouer. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais tout est relatif dans la vie. C'est pas Ouais. pour autant qu'on va l'acheter, quoi, tu vois. Ça a pas raté. Ça reste quand même un truc pas mal. Deux fails. Ouais, Ensuite, il y a quoi dans le tome 2 d'Action Comics, d'ailleurs? bah, c'est Trouf, non? Non, Non. non, rien à voir. Non, Trouf, il le met. Je pense que Trouf, ils vont le mettre que dans Superman. Hein. Là, dans Action Comics, c'est vraiment, je crois, que le Action Comics de. Ouais, mais c'est les conséquences de Trouf, donc c'est-à-dire c'est Clark Non, sur c'est sa pas. moto qui fait le tour des États-Unis. Non, c'est avant, ça, je crois. Je vais regarder, continue la liste et puis je reviens là-dessus. Ok, donc ensuite on a l'anthologie Wonder Woman. Donc là, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Mais j'imagine les moments marquants de Wonder Woman. Je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a pris, ce numéro. Il n'est pas encore sorti. Il n'est pas sorti, ok. Ensuite, on a Batman Under the Hood. Donc ça, Ouais. c'est vraiment très bien. J'ai mis le titre anglais parce que le titre français, je ne pouvais pas. C'est quoi? Alors le titre français, c'est, je te Sous le la dis, capuche? L'énigme du Red Hood. Ah la D'accord. vache. Ouais. Batman, non, ba pardon, Batgirl tome 2 et Earth 2 tome 4. Ouais. Euh, C'est qu'est-ce qu'il y a dans Superman pas Action vraiment Comics? mes achats en fait. Tu vois, quand tu mets dans les tomes à ne pas rater, c'est. C'est Ah, super double en fait, Action Comics tome 2. Donc il y a, c'est du 36 au 40 et du Future Ends 1. Qui est, en fait, voilà. il réédite Future Ends quoi. Mais Action 36 et 40, c'est la suite de Super Doom en fait. Donc c'est dans la continuité de Doom Head. Bah vous avez Doom compris, Head, les sorties à ne pas rater, c'est les sorties à éviter en fait. Hein. ouais. Putain, Bah, c'était je te pas mal crois que quand les même titres sont l'après-Doom. Action Comics tome 2 et Batgirl tome 2 contre le nouveau Hellblazer et puis Batman décrit dans la nuit, tu vois. Ouais, l'écrit dans la nuit, j'arrive pas au dessin. C'est beau et tout, mais Ah, c'est j'avoue trop que c'est beau. moche par contre, ouais. Enfin, c'est une belle peinture, hein, mais voilà quoi. T'arraches les pages, tu t'en fais un mur complet. Et Wonder Woman Anthology, j'ai pas dit tout ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs, et sinon on n'aura pas le temps de finir le podcast en moins de 4 heures, donc ce sera Non, gênant. mais c'est très bien si c'est dans la même lignée que dans les autres anthologies qu'a sorti Urban avant, donc ce sera forcément c'est de qualité. Alors on continue avec les New Comics VO et J'avais dit on va 5 no... secondes, hein, mais c'est pas grave, Ah vas-y. C'est bon ou pas alors? Vas-y, c'est bon, tranquille. Okay. Donc on va parler principalement Rebirth ou même uniquement de Ouais, bah Rebirth, ouais, donc carrément. Il y a des avec priorités dans la vie. les nouvelles équipes créatives qui ont été annoncées sur les nouveaux titres. Donc on va commencer avec la première salve de titres, c'est sur la famille Batman. Alors tout d'abord, Batman sera écrit par Tom King et dessiné par David Finch et Michael Ranin. David Donc vous Chi, pouvez ouais. m'interrompre. J'ai dit Da Vinci? David Finch. T'as dit David Chi. Ouais, comme ça vous savez ce que j'en Davinci. pense du monsieur. Donc ça c'est du bimensuel, donc sûrement un comics par David Finch et l'autre du mois par Michael Hanin. Janine, ouais, qui était sur Grayson. Tout à fait. Par Janine. Ouais, pas Janine. Putain, heureusement que c'est pas Vince qui a annoncé la truc, hein. On se serait tapé la honte encore. On peut dire vite fait ce qu'on pense des gros titres, je pense. Moi, en tout cas, je suis bien hypé par celui-ci, donc je vais le prendre. Hein. Tom King, il a fait du bon boulot sur Grayson. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur Batman. Je Enfin, suis ça bien pareil, content ça. aussi, hein, franchement. Une équipe qui me fait bien plaisir. En plus, David Finch, après, bon, on n'aime pas, mais globalement, je trouve quand il est sur l'univers de Batman, en général, il s'en sort plutôt pas mal. Donc, pour moi, ça me va. Tant qu'il n'est pas au scénar, ouais, ça me va aussi. Ouais. Oui, voilà. J'ai un peu peur, par contre, j'aime beaucoup Tom King, mais j'ai un peu peur que si c'est en bimensuel, la qualité baisse. Je verrai, hein, je prendrai par curiosité, mais. Ah, ça, c'est vrai un peu pour tous les titres. Ouais, ça c'est Tom King ou pas, de toute manière, le bimensuel, c'est le gros risque. Hein. Ouais, mais si t'as deux dessinateurs sur deux numéros et un seul scénariste, normalement, ça devrait pas baisser la qualité. Pourquoi Oh, ça baisserait? si. Mais Bah, c'est dur de trouver de nouvelles idées à chaque fois quand tu dois en écrire deux fois plus, quoi. Le grand Ouais. risque, c'est que les arcs s'éternisent. Au lieu de faire un arc en 4, ils vont nous faire des arcs en 6 ou 7. Ouais. Parce que Sur ça, c'est plus confortable. oui, peut-être que le problème, c'est qu'ils vont s'éterniser, mais après, les scénaristes, généralement, ils font quoi? 5-6 séries par mois. Donc, s'ils font deux épisodes sur une seule série, après, je vois pas en quoi ça va aller. C'est pas comme si le dessinateur, il devait sortir deux numéros par mois, quoi. Non? Je sais pas. Moi, ça me fait. Moi, Ça ça. dépend des scénaristes. Il y a des scénaristes qui écrivent beaucoup sans perte de qualité et d'autres qui ont besoin de vraiment prendre leur temps. Donc, faut voir ce que ça donnera pour chaque titre. On continue avec All-Star Batman, écrit par Scott Snyder, décidé entre autres par John Romita Jr., Jock Sean Murphy, Paul Pope. Donc, c'est une série qui sera centrée sur les vilains de l'univers Batman. Ça, c'est le gros titre, hein. Le gros titre pour Scott Snyder, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Vu qu'il a en Moi, je plus suis. signé un contrat d'exclus, je crois, avec DC. J'ai lu dans une interview qu'il voulait en fait refaire pour chaque vilain ce qu'il avait fait sur le Joker dans son run avec Capullo. Ça me vend pas forcément du rêve. J'irai voir, hein, mais surtout que les dessinateurs, c'est vraiment que du All-Star. Hein. Mais Ouais, il je a suis dit pas. aussi que ce serait un dessinateur par vilain, je sais pas si tu as vu l'interview. Ouais, le premier arc sera dessiné par Romita. Vous êtes pas enthousiaste, les gars. Apparemment, Ah, mais non, pas du tout, là. Beaucoup C'est moins que que sur le quand tu. Batman de Bah, Tom si, King. Snyder, Romita, Sean Murphy, c'est du tout bon. C'est pour le moment, les équipes créatives, elles sont top, quoi. Soyez motivés. Ce que je Moi, trouve pas. je suis un peu déçu, moi, de revoir Snyder sur Batman. J'aurais bien aimé le voir ça, sur autre chose, là. Je pense qu'il a fait le tour sur J'aurais aimé pas le revoir, là, pour le moment. Tu vois, j'aurais aimé un petit break, une petite pause. Hein, parce que, comme un Batman. connard, l'acheter de façon de Star Batman. Mais franchement, là, il m'a tellement saoulé, là, sur le dernier numéro que. Ah ben, pas seulement sur le dernier, sur les deux, trois derniers, même, on peut dire. Hein, surtout toute la fin de La Batman. vidéo, cette dernière, on en reparlera, Ah, parce mais. qu'il faut dire quand même que tous les deux, vous étiez des fans, vous aimiez bien. Il y a beaucoup de gens qui Ouais. critiquent le Batman de Snyder. Et vous, à chaque fois, vous encensiez le truc. Et donc Jusque là, le. début 2016. Depuis 2016, ça c'est complètement parti Voilà. en vrille. La fin de Super Heavy était vraiment ratée. Vous n'êtes pas des basheurs depuis le commencement, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment Non, pas ce qu'il fait. Donc c'est quand même non. pour dire Ces aux gens n'ont gens pas de que. goût. Moi personnellement, Bon. je sais pas pour Scott Snyder là sur les méchants de Batman, parce que Batman se définit enfin par nature par ses méchants, et c'était cool par exemple ce qu'ils avaient sorti chez Urban, la collection Nemesis. Et ce qui était cool surtout, c'était que c'était des visions de plusieurs auteurs, c'est un auteur par vilain. Là, à chaque fois, ça va être Double Face par Snyder, le Ouais, Freezer par Snyder, etc. Et j'ai un peu peur qu'au final on perde beaucoup dans la caractérisation des personnages et le fait que ça soit un dessinateur par personnage, pourquoi pas, mais au final, ce sera toujours le même mec qui va les imaginer, ces histoires, donc je sais pas. surtout qu'il a été dit que donc ce que Snyder écrirait, ce serait ce qui serait dans la continuité. Donc, si Snyder écrit certaines choses sur les méchants, bah, ça devra se répercuter dans tous les autres titres. À Voilà, savoir quoi. Ça fait partie de son exclusivité. c'est ce que j'allais dire, c'est à double tranchant, soit on va sentir une continuité, soit on va vraiment s'ennuyer au fil des numéros, quoi. Moi, dans tous les cas, je le lirai pas, donc je m'en bats les couilles. Mais je peux Bon, comprendre vos craintes. le fait que ce soit dans la continuité, c'est pas mal que DC revienne à une forme de continuité qu'ils avaient lâchée avec le DCU. Au moins là, ils ont l'air de vouloir dire l'univers DC est un tout, ce qui est, pour moi, est une bonne chose. C'est vrai, c'est vrai. Vrai que ça, c'est mieux. On continue, Detective Comics, scénarisé par le sbire de Snyder, James Tynion IV, et Eddie Barrows et Alvaro Martinez au dessin. Bon, là, j'ai pas grand-chose à en dire. Batman fera équipe avec Batwoman. Et Tim Drake qui revient dans son costume de Robin, mais qui s'appellera toujours Red Robin. Ça, c'est le fameux titre qui reprend sa numérotation, non? Ouais, Ouais, oui, aussi. oui, Et qui commence dès le début bimensuel à partir de juin. Ok. Non, moi personnellement, j'aime bien le style d'Eddie Barrows, donc après, ouais. Donc au niveau dessin, ça m'ira, après voir la scénarisation, mais. James Tynion IV, pourquoi Ça pas? dépend. Oula. Des fois c'est très noir. Sur Talon, ça dépendait des numéros. Des fois il était bon, des fois moins bon. Sur les Talon, backups c'était de pas mal. Batman, je l'avais pas trop kiffé. Ça dépend vraiment ce qu'il écrit et je sais pas Batman. s'il a envie de se suicider ou pas. Ouais. Enfin, il était aussi le grand responsable de Batman Eternal, qui avait des hauts et des bas, quoi. Ouais, c'était mitigé aussi. Voilà, faudra tirer à pile ou face, quoi. Ouais, pareil, moi ça m'intéresse pas donc bon. Tu n'aimes pas Batman, je ne comprends pas. Non mais Voilà. ouais non je sais peut-être ouais non y a rien qui me non peut-être Nightwing, j'aime bien, on va en parler après, ouais. Mais Ah Batman, non, bah ça là, non. Non. Bah, on y vas-y. va. Nightwing, scénarisé par Tim Seeley et au dessin Javier Fernandez et Marcus Tau. Et retour à l'ancien costume, si je ne me trompe. Oui, c'est Ouais, ça, il sera en costume bleu, bleu. ouais. Ah, ça, c'est pas Bon, une... voilà. Tim Marcus. Seeley, je suis pas un gros fan, mais bon, j'irai jeter un œil. Marcus Tau, il a pas été annoncé l'invité à la Paris Comic Con? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Nightwing, alors j'aime bien Dick Grayson, mais j'aime pas Nightwing. J'aimais bien Dick Grayson quand il était Batman et là actuellement dans la série Grayson, mais sous le costume de Nightwing, ouais, ça, je suis pas hypé à fond. Mais Tim Seeley, en tout cas, j'apprécie ce qu'il écrit, donc j'étais Je peut-être suis un très petit déçu peu. que je suis très déçu que la série Grayson s'arrête. Et donc ça me gave un peu de revoir une série Nightwing. Mais bon, j'irai voir. Nightwing n'est pas super intéressant en fait en solo. Ce qui était bien justement côté Grayson, c'est que ça exploitait plus une image de pas de super-héros justement, de plus d'agents secrets à James Bond, donc ça lui collait parfaitement. Mais Nightwing, sinon, ça reste un bon personnage. Faut juste à chaque fois va falloir lui trouver quelqu'un pour le mettre avec, sinon il sera pas intéressant. Mais Ouais, et puis je vois déjà la première issue où on va revoir ses parents tomber du trapèze. Enfin, c'est. ah, ça, les Origin Story, ils vont refaire le coup systématiquement. Ouais. Puis ouais, comme alors j'ai pas vu qui dit ça, mais ouais, c'est vrai que Nightwing, son gros défaut et qui peut aussi être son gros avantage, c'est que c'est l'éternel sidekick. Donc là, ouais, sur les séries solo, pourtant j'ai lu la série Nightwing, mais il devait toujours être, enfin les moments intéressants c'était tout le temps quand il était accompagné des personnages féminins dont les noms m'échappent. Là, il était intéressant, mais c'est vrai que quand on voyait tout seul, enfin c'est mou quoi. Bah Nightwing, la série, moi j'aimais bien au début et après c'est vite parti en couille dès qu'il est parti à Chicago. Moi j'ai lâché l'affaire en fait. Et pour le coup, ça aurait été intéressant de confier ce personnage à Snyder qui l'écrit plutôt pas mal, Dick Ouais, c'est pas Grayson. faux. Ouais, C'est mais pas faux. Snyder il veut pas des personnages de second rang lui. Lui, il lui faut le top du top. Donc je pense qu'il l'écrira jamais quoi. On ne mélange pas les serviettes et les torchons ici, monsieur. C'est carrément ça. Bon, on continue avec les personnages de second rang. Batgirl, scénarisé par Hope Larson et Raphaël Albuquerque en dessin. Alors là, pour moi, je suis très déçu de voir Raphaël Albuquerque au dessin, parce que ça veut dire que on verra pas du American Vampire avant un petit moment. D'accord. Et vu que j'en ai rien à faire de Batgirl. Mais t'auras Batgirl en Asie. Eh ouais. Ça n'a pas de prix, Batgirl en Asie. Voilà. On continue. Bad Girls and the Birds of Prey. Alors là, j'en ai encore moins rien à faire. Encore plus rien à faire, pardon. Scénarisé par Jim Benson et Shona Benson, qu'un couple, j'imagine. Et Claire Rowe au dessin. Sais pas si c'est un couple ou si c'est une erreur de frappe, non? Il Ah, je ne sais s'appelle. pas. Mais je ne sais pas qui sont ces gens. C'est pas les Ils sont peut-être scénaristes. frères et sœurs. C'est Ils pas sont les. peut-être frères et sœurs en couple. Non, mais c'est Ah, pas. peut-être les deux ensemble. C'est pas les scénaristes de The End Red? Parce que j'avais vu qu'il y avait les scénaristes d'une série télé qui devaient reprendre un comics. Alors autant c'est ceux-là. Ah, peut-être. Eh bien, écoute, si Ah c'est ça, oui. je n'irai pas voir donc. Les nouveaux Faudrait frères. vérifier l'info. Les nouveaux frères. Comment c'était dans Matrix? Ah, Wachowski, les sœurs frères et sœurs Wachowski. Wayans. Non, pas Wayans, c'était. Wachowski. Les frères et sœurs Wachowski, c'est ça. Bah maintenant, les deux sont sœurs, hein. Ouais, c'est vrai. Quoi? Elles sont sœurs toutes les deux maintenant, ouais. Ah Ouais. bon? Putain. C'est bizarre parce que justement tu t'attends à ce qu'ils se reproduisent pas, mais ils arrivent à tous se faire. C'est un espèce de virus, je pense. Les deux là, les Et... Benson, ils veulent pas plutôt reprendre et refaire la Bird of Prey des années 90? C'est une très bonne série, ça. Ah oui, Putain. c'était bien ça. Alors là, aucune Mais idée. Jamais fait. ouais, n'en fais pas en fait, hein. C'est un troll. Hein. Ah ouais, d'accord. Non, non, non, la série Bird of Prey des années 90, ça se lit, c'est pas trop Ah, tu parles mal. de Moi, je te parlais la. de la série télé. Ah oui, la série Ah télé, non, je non, pensais. pardon, ok, non, je parle des séries comics. Et on finit avec les titres Batman, avec le titre que tout le monde attendait, Red Hood and the Outlaws, toujours scénarisé par Scott Lobdell, et avec Non! Dexter Pourquoi Fury au changer? dessin. Pourquoi il garde ce mec? C'est pas possible. Pourquoi il garde ce mec? C'est le mec à Ce qui côté est de la dingue, c'est que chauffeuse. ça se vend pas du tout, mais ça continue, je comprends Tout le pas. monde déteste Lobdell et il le garde sur deux titres du catalogue. Je comprends pas pourquoi il garde ce mec. Tout le monde dit Mais. c'est qu'il écrit comme de la merde, mais il le garde. Il est plus que sur un titre, là. Pourquoi tu dis deux? Bah, Teen Titan, il le fait encore. Ah ouais, Ah, Teen Titans aussi. Ouais. le gars, il a pourri Teen Titan pendant 4 ans, mais il le laisse dessus, je ne comprends pas. Je sais pas, moi, Ils ont un truc quoi? À mon avis, l'Obdel, il a des gros dossiers sur DC, ils sont obligés de le garder, il y a quelque chose, tu vois. Peut-être c'est la famille, hein, j'en sais rien, moi. Il y a que ça, c'est pas possible. Ils se sont débarrassés de Cullen Bunn, c'est déjà pas mal. Ouais. Prochaine étape, c'est Scott Lobdell. Non, les gars, ils se font chourer Sorrentino et tout par Marvel, mais ils gardent Lobdell. C'est quoi le truc? Ah ben Marvel, ils en veulent pas de Lobdell. C'est bon, ils l'ont assez eu. Hein. Puis ils l'ont eu pas trop mal en plus. Un niveau correct. Vas-y, bah finis la dernière série, puisqu'il en reste une, Cédric. Bon, bah c'est à toi, Wally. Non, Ah, Action Comics, non, je te l'avais pas mis à toi? Ah oui, ok. Ah, non, mais moi, ah, ok, bon, voilà. T'as la vieille version du conducteur. Ah ouais, bah, ça doit parce que j'ai mis toutes les séries Superman ensemble, en fait, pour toi. Ah ouais, bah, j'ai pas eu ce privilège-là, alors. Bon, alors je continue. Donc, Action Comics, donc pareil, ça, c'est le deuxième titre qui reprend sa numérotation. Donc, avec Dan Jurgens au scénario et au dessin, Patrick Zircher, Tyler Kirkham et Stéphane Segovia. Je vais pas la faire hein, non plus, mais moi j'aime bien Patrick Zircher. Je trouve qu'il a un bon style. Et puis Dan Jurgens, c'est du très bon. Hein. Il connaît Superman. Voilà. Ouais, en continuité aussi, il est calé. Ouais. Ensuite, il y a New Superman avec donc Jin Liu Yang et Victor Bogdanovich. Ça doit être un cousin éloigné des frères Menton, là. Bogdanov. Ouais, hein? Et donc ça, c'est, je crois que c'est avec un Superman chinois, là, un truc comme ça. Ouais, un petit chinois ouais, qui se découvre des pouvoirs. Donc ouais, pourquoi pas. après le Superman Red Sun, le Superman Yellow Star. Le Superman Jet Li. Bon, ça, je lui donne pas plus de 6 numéros. Hein. Ouais, ouais. C'est mal embarqué. Ouais, c'est mal embarqué. Remarquez quand même qu'ils ont pris un chinois ou coréen ou quoi pour écrire le titre, c'est un peu spécial. Là. Enfin, en même temps, c'est lui qui écrivait Superman, c'est lui qui a fait Trouf. Hein. Ouais, c'est lui qui a fait Trouf. Ouais. C'est lui. Ah, c'est le même. Ah ouais. Ouais, c'est sûr. Par contre, ouais, ça donne de l'espoir à fond pour le site, quoi, parce que Trouf, c'est de la merde. En plus, ils écrivent sur la Superman chinois. Ouais, ouais, le scénariste, moi, je le connais notamment pour ses travaux sur la série Avatar. Avatar, le dernier maître de l'air, et la série Avatar, The Legend of Korra. C'est lui le scénariste en fait de ces deux dessins animés là. Si vous ne les connaissez pas, je vous les conseille très grandement. C'est vraiment des chefs-d'œuvre. D'accord. Moi j'ai vu le film de, je sais plus comment il s'appelle. Non, non, non. The Night Shyamalan. Mais c'est vrai que le mec qu'on n'arrive pas à prononcer. Qui ça? Shyamalan. M. Night Shyamalan. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et il a fait quoi lui? C'est quoi le rapport avec Jin Liu Yang? Eh ben en fait, Jin Liu Yang, c'est le scénariste, c'est le co-créateur en fait de la série Avatar, le dernier maître de l'air. D'accord. Et un spin-off après The Legend of Korra. D'accord. Donc je le connais notamment pour ces travaux-là. Après, je sais pas ce qu'il vaut tant en tant que scénariste comics comme ça. Sur Trouf, c'était raté. Hein. Ouais. Ah ouais. Bien raté. Ouais. Ensuite, on a Supergirl par Steve Orlando qui s'occupait de Midnighter notamment et Brian Ching. Alors, je sais pas qui c'est lui non plus, ce brave homme là. Vous allez suivre parce que c'est je Cédric. Vais tester, je ouais. pense, ouais, Steve Orlando, ouais, ouais. du coup. Cédric aussi pareil, ouais, parce que j'ai adoré Midnighter, donc j'irai voir Supergirl. Je suis pas fan de Supergirl, mais j'irai voir pour Steve Orlando. Ensuite, on a Superman, donc grosse équipe, là, avec Peter Tomasi et Patrick Gleason au scénario. Et au dessin, on a Patrick Gleason et Doug Mankey, là. Lui, c'est Doug Mankey, il y a une chance sur deux, soit c'est propre, soit c'est dégueulasse. C'est toujours dégueulasse pour moi. À Doug Mankey, ça dépend. Quand il s'ancre pas, c'est pas mal. Quand il s'ancre, ouais, c'est catastrophique. Faut pas qu'il dessine Wonder Woman non plus. Ouais, c'est lui, il arrive à en faire une espèce de transe toute chelou, là. Exact. C'est ouais. ça. Ouais, exact. Ouais. C'était assez dégueulasse. Ouais, Tomasi et Gleason, bon, bah, c'était ceux qui étaient sur la série Batman et Robin. Ouais, c'est ça. Green Lantern Corps aussi. J'aime beaucoup Peter Tomasi. Pour moi, c'est un gage de qualité, donc je prendrais. Bah, ouais. Pas pour moi. Pour moi, il a fait du bon et du mauvais. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera des Detective Comics. Il fait pas que du bon. Hein. Voilà, ouais. Chacun ses. Voilà, de toutes les séries qu'on a citées, c'est la première que je ferai déjà. C'est celle-là, ça c'est sûr et certain. Ah, moi aussi. Ensuite, on a Superwoman donc, par Phil Jimenez au scénario et au dessin. Donc Phil Jimenez et Emanuela Lupacino. Donc ça, moi, ça me dit rien. Peut-être que... Un nouveau personnage. Ouais, nouveau personnage. Ouais. Ensuite, gros titre. Superwoman, bah, c'est pas celle de la. De la... Du syndicat non, de l'Infini. C'est pas celle de. Non, c'est pas elle. C'est pas celle d'Earth 3, non. C'est une nouvelle, ouais. Je crois que c'est un nouveau personnage. Ouais. Ah, autant pour moi. Alors. Il me semble, sur la photo que j'ai vue, ça avait rien à voir. Ouais. Non, je confirme, ce n'est pas elle. C'est le même nom, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais ouais, c'est totalement autre chose. Ensuite, autre série que je vais faire, Trinity, donc par Manapool au scénario. Quoique. Ah putain, c'est Manapool au Ouais, scénario? bah non, Ah moi je fais merde! pas ça. Hein. Ah merde! Non, mais moi, je vais les découper, ça me fera des posters dans la chambre. Et au Il dessin. dessine aussi. Et Des au fois, dessin, Manapool, il fait des Manapool bons et trucs. Clément. Ouais, mais quand il est qu'au scénario, généralement, ça casse pas trop patte à un canard, c'est. Ah, on a vu sur Flash, quoi. Non, Ah ouais. Au moins, ce sera beau. Ce sera beau. Et Clément, hein. Clément, c'est pas mal aussi, quand même. Non, c'est du lourd ce dessin. Hein. Voilà, après, pareil, autre série que je vais faire, donc Wonder Woman, donc grosse équipe, Greg Rucka et Liam Sharp et Nicolas Scott. Donc Greg Rucka, il avait déjà écrit sur Wonder Woman, il me semble, si je dis pas de la merde. Il y a une dizaine d'années, Voilà, Liam Sharp, jamais vu, mais j'ai vu la couverture, j'ai compris direct, le mec c'est un monstre. Et Nicolas Scott, donc a dessiné Earth 2 au début. ouais, elle a fait aussi Black Magic chez Image, qui est aussi scénarisée par Greg Rucka, qui était elle est excellente, hein, Nicolas Scott, Ouais, très elle est gros énorme. niveau. Ça, c'est une grosse équipe quand même pour Wonder Woman, vous ne trouvez pas? Ah Ah ouais, ouais, ça c'est déchire. Ouais. le titre que j'attends, c'est celui-là. Ouais, là je viens de voir la couve. Ah ouais, quand même là. Ouais, il La est énorme. couve est magnifique, mais par contre, je ne suis pas un fan incontesté de Greg Rucka, donc à voir. Ah, on vient de perdre quelqu'un. Ah bon? Qui a... Il faut le mettre dehors. Ah non, on a tout le monde? Ah non, mais il a dit du mal de Greg Rucka, mets-le dehors, s'il te plaît. Ah putain, pardon. J'allais voir qui c'est qui était la connexion et tout ça. Était déjà en transe. Ah ouais, Non. grave, j'étais en train de me dire putain, c'est qui l'enculé qui s'est barré, faut que je coupe ça au montage. Eh ben, il n'y aura pas de coupure au montage, ça va rester comme ça, je m'en bats les couilles. Ensuite, on a Justice League. Donc là, Brian Hitch au scénario, donc pour voir ce que ça donne. Et au dessin, Tony Daniel. Bon, lui, je le Oh kiffe. non, non, non, Moi, je le on sait ce kiffe, que Tony ça Daniel. donne, Brian Hitch au scénario, c'est bon. Bah, j'y ai là, moi, je suis en retard. Je me suis arrêté avant le numéro avec Manhunter. Ouais, Jusque-là, c'était cool, hein. bah voilà, bon, t'es en Ah, retard. ah ok. Ok, Je d'accord. pense pas que ce sera le titre phare, hein, parce qu'on a toujours pas d'équipe créative sur JSA. On sait pas où est Fabok et tout, donc je sais Sur pas trop pour JSA. JLA aussi. Il devait annoncer une JLA aussi, ouais. JLA et Ouais. JSA, ouais. Donc Tony Daniel au dessin, moi ça, comme je disais, je kiffe. Et Fernando Passarine, je sais pas qui c'est, mais je vais la faire de toute façon. Tout ce que Justice League, moi je fais, je m'en bats. C'est sûr et certain. Ensuite, pareil, autre série que je vais faire, The Flash. Donc au scénario, Joshua Williams. Williamson. Williamson? Ouais, tu t'es trompé, c'est Williamson. Williamson, alors ok, autant pour moi. Et au dessin, Carmine Di Giandomenico. Ils ont des putains de noms à coucher dehors, les Italiens quand même. Et Neil Gugge. Alors, Joshua, je vais l'appeler, tout simplement. C'est toi qui m'as vendu du rêve, non? Avec Birthright, tu m'as dit que c'était trop bien. Ouais, il a fait Birthright et Nailbiter chez Image, c'est deux très bonnes séries. Il a fait Ghosted aussi avant, qui était aussi très bien. Non, c'est un très bon scénariste indé, moi j'ai hâte de voir ce que ça donne sur Flash. Vous le connaissez les autres, celui-là ou pas? Non. Nailbiter, vite fait. Mais Il n'y a aucun nom effectivement, qui me dit rien, moi. je vais mettre un flash aussi. Et Neil Gugge, il avait fait un ou deux épisodes de Flash en fill-in, là, c'était pas mal au niveau graphique. Après, Carmine Di Giando, machin, non, je vois pas ce qu'il a fait. Assez beau, hein, franchement. Ah, c'est beau? Ouais. C'est cartoon un peu comme style ou c'est quoi le délire? J'ai plus en tête, j'étais allé voir, mais j'avais souvenir que c'était quand même assez joli. D'accord. Ça avait l'air assez dynamique. Donc tu vas enfin te lancer dans Flash à ce moment-là, Spectra? Ouais, bah je comptais profiter de Rebirth pour me lancer là-dedans. Donc du coup, ouais, puis le pitch de base m'intéresse bien aussi. J'ai vu quelques planches là, notamment du nouveau vilain, la Godspeed, que je trouvais assez stylé. Donc ouais. Ok, alors on poursuit donc Aquaman avec donc Dan Abnett qui reste au scénario et avec Brad Walker et au dessin Brad Walker, Jesus Merino et Phil Briones. C'est un français lui je crois. Il a fait un épisode récemment là que j'avais lu. Oui, ça me dit quelque chose aussi, oui. Ouais, j'ai lu un truc de lui récemment. C'était pas mal au niveau des dessins. Je sais plus ce que c'était. Bref. Ouais, Phil Brion, c'est bien français. Les dessins, ouais. Google est ton ami. Donc tu vas poursuivre toi Cédric et Aquaman? Ouais, j'aime bien ce que fait Adam Nett, là, on en reparlera tout à l'heure. C'est solide, c'est pas transcendant pour le moment, mais c'est solide, donc je suis content. Et Marien, ton Adam avis? Nett est un très bon Ouais. scénariste, donc Ah, toi t'es je suis pas fan. inquiet. D'accord. Ouais, Marie. bah, moi, Dan Abnett, ça me gêne pas du tout, bien au contraire. Après, les noms là, des dessinateurs me parlent pas trop, Ouais. donc à voir. Je suis friand de nouvelles bonnes histoires d'Aquaman, parce que là, les New 52, autant ça avait super bien commencé, autant ça avait fini en eau de boudin, donc j'attends que Rebirth soit vraiment une vraie renaissance du personnage, quoi, que ça reparte sur de bonnes bases. Ouais, bah si vraiment tu veux voir la renaissance d'Aquaman, je te conseille de lire les épisodes qu'a écrit Annette, là, c'est qui vont à mon avis servir d'introduction à Rebirth. Ouais, j'ai vraiment lâché les New 52. Enfin, je suis les lectures VF, tu vois. J'ai arrêté de lire la VO parce que ça me saoulait de devoir C'était lire catastrophique. 3000 trucs pour finalement lire de la merde. Donc j'attends en fait Rebirth vraiment pour lire. Je rattraperai pas en fait mon retard sur les New 52. J'ai pas la motivation. Ok, on poursuit par le titre Blacklisté que j'irai jamais lire, ça c'est clair et net. Donc, Bah, voilà pourquoi j'irai pas lire les New 52, tu vois. De quoi? Bah, on récupère, tu vois, Venditti, tu vois, c'était Voilà. un truc qui m'avait fait lâcher Flash, et maintenant ça va se retrouver sur un des titres que je préfère, mais lol, quoi. Mais il est déjà là depuis un petit moment, Venditti sur Green Lantern. Ça fait Ouais, quelques temps qu'il nique tout déjà. Hein. bah Ouais. c'est pour ça que je lâche un peu l'affaire, puis Ah ouais, c'est sûr. s'il va Bah. continuer après Rebirth, enfin, franchement, ça me saoule, quoi. Donc, Hal Jordan and the Green Lantern Corps, donc scénarisé par Venditti, dessiné par Ethan Van Sciver et Rafa Sandoval. Donc, moi, j'irai même pas tester le premier numéro, c'est même pas la peine. Ah non, c'est mort, ouais. Non, j'arrête Green Lantern, merci DC. Non, mais Venditti, des fois, il peut faire des trucs bien, hein, des fois. Bah, Rarement. sur X-O Manowar. Mais chez Ouais, DC. chez Valiant. Ouais, en plus, il est pas dégueu, hein. Ouais, bah là, il arrive pas. Hein. Il a des bonnes idées, mais il arrive pas à les écrire correctement, quoi. C'est toujours. Non, mais c'est Joe Jones qui va lancer le truc, donc les premiers numéros, à mon avis, ils seront bien. Au moins les premiers numéros, quoi. Bah, tu nous diras, parce que moi, je lui donne même pas le bénéfice du doute. Hein. Moi, c'est même pas la peine. Moi, Maniqué pour le trois moment, je fois, pars me refaire terminé. le Green Lantern normal. Je trouve que ça passe, quoi. Ça va, quoi. C'est mieux que Flash, quoi, perso. Le Green Lantern actuel, il est mieux que le Flash actuel? Ouais. Enfin, Attends, le Green Lantern 50, là? non, je parlais des numéros 42, 43, 44. Ah Je sais pas oui, si pareil, ça ah, l'actuel de il y a va. 2 ans en fait. Ouais, Ouais, effectivement, ouais. Ouais. Non, non, mais non. l'actuel que je lis maintenant. Ouais, non. Non, mais là, au jour d'aujourd'hui, ben, voilà. Bon, après, c'est pareil. Flash, c'est pas terrible parce qu'il a sa petite touche Venditti dedans. Il a son petit cousin Van Janzen qui est là pour niquer le truc aussi. Mais. Ah, c'est la Dream C'est Team. des Hein? taupes de chez Marvel, je crois. Hein? Ouais, c'est C'est des ça. taupes de chez Marvel. Putain, quoi que le Flash, le dernier, je l'ai lu, je sais même plus de quoi ça parle. Il était pas trop Et ils dégueulasse. attaquent. Ah, tu rigoles, c'est celui où ils attaquent à l'école. C'était celui-là le dernier, il n'y en a pas eu d'autres depuis? Ouais, non, non, il n'y en a pas eu d'autres. Celui où ils font que parler en fait. Ah, il est nul cet Ah oui, épisode. celui-là était Oh nul. là Non, là. mais je pensais qu'il y en avait eu d'autres entre-temps. Ah bah j'en ai peut-être raté un, hein, du coup, mais. Je sais plus. Parce que là, ils sont à la bourre, j'ai rien lu encore ce mois-ci. Il est sorti quand ce numéro? Ils sont pas un peu à la bourre sur Flash? Ouais, il n'y en a pas eu en mars. Ouais, voilà, ils doivent être à la bourre. Ok, ensuite on poursuit donc avec Titan. Donc au scénario Dan Abnett, votre poteau, et au dessin Brett Booth, qui était avant sur Flash. Brett Booth, moi je sais pas que c'est dégueulasse, c'est pas mal, mais le problème c'est son coloris, je trouve. Les dessins, c'est Oh, vraiment. Les couleurs, Brad c'est Booth, c'est vraiment. moyen. C'est C'est très moyen, Brad Booth. en mode Image 1990, quoi. C'est lui qui a dessiné le dernier numéro d'Aquaman, là, dont on parlera tout à l'heure. C'est Ouais. pas terrible, terrible. Par Et contre, Titans, je j'aime pense que beaucoup, ce moi. sera la suite de Titan Titans Hunt. Hunt qu'on a en ce moment. Ouais. Donc, moi, j'irai voir. Hein. Toujours scénarisé par Dan Abnett, d'ailleurs. Et qui c'est qui nous parlait tout à l'heure? C'était Vince qui nous disait qu'il y avait l'Obdel sur Titan? Ouais, mais en fait, c'est juste pour l'annual, pardon. Je me suis trompé, je me suis fourvoyé. D'accord. Il revient juste pour l'annual, qui est censé introduire ça en plus, enfin le Rebirth, mais je sais pas pourquoi. Mais heureusement, il ne poursuit pas. Je Ok. suis rassuré. Ensuite, donc Teen Titan, donc on en parlait donc. Ben là, Ben Percy au scénario, donc scénariste de Green Arrow. Et du coup, on l'a pas cité Green Arrow encore, ça doit être après. Et au dessin, John Boy Meyers. Alors je sais pas qui c'est, vous connaissez cet artiste? Non. Ok. Alors là, ouais. Bon, si c'est le mec de Green Arrow, j'irai pas voir. Et ensuite, pour finir, donc Green Lanterns avec un S, avec au scénario Sam Humphries et au dessin Robson. Oula, Robson Rocha, mais je pense que j'ai fait une couille sur le conducteur et Hardy Ansiaf. Et là, je crois que c'est Thierry où ils veulent se concentrer sur le pack-pack et la meuf là. Comment elle s'appelle? Le pack-pack. Qui c'est qui a cause? Jessica Cruz. Simone Baz là. C'est pas un pack-pack, c'est un muslim. Attends. Libanais, voilà, ouais. Sur le Libanais, donc Simone Baz Putain, le gars plein Et la le meuf. pack, le mousseline, non, c'est le Libanais. Oh putain. Les clichés, les clichés. Ouais, C'est ça les qu'on aime. clichés. C'est ça Je crois qu'il y a Lanny Croc qui est en train de sonner chez toi. Et donc, machin Cruise donc de Earth 3 là. Donc, ça peut être pas mal, faudra voir. Ça, je vais tester non, par non, contre. ça me freeze. Et j'ai vu un peu ce qu'il a fait chez Marvel. Tout était catastrophique. Ah, donc tu me donc, déconseilles? enfin, moi, j'irai pas voir. Pour D'accord. moi, Green Lantern, c'est terminé. Moi, j'ai déjà réservé mon numéro. Ah, ça me freeze. Je trouve pas que ce soit le pire chez Marvel quand même. Mais c'est vrai que ah, c'est quand même moyen. Vortex. Il a fait Black Vortex qui était quand même sacrément mauvais. Hein. Ah, j'ai pas lu Black Vortex. J'ai lu un peu ce qu'il avait fait sur Secret Wars. Et puis c'est tout en fait. Ça passait. Black Vortex, c'était pas si mauvais que ça. Le problème, c'était que c'était un crossover entre trois séries de nouveau. C'était surtout ça qui souffrait un peu dans le titre. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était pas non plus la pire catastrophe. Il y a eu Ah, beaucoup. Wally, Il y a eu on a bien pire perdu chez DC. Ditch. Hmm on a perdu Il y a eu Ditch. bien pire chez DC. Il y a eu bien pire chez DC. Ah, on l'a pas perdu, c'est moi qui l'ai muté. Il m'a saoulé, là, il parle de Marvel, je comprends pas. Ouais, c'était le crossover Guardians, X-Men et je sais pas quoi, non, Black Vortex. Ça s'appelait comment? Les Gardiens, C'était il y avait les Gardiens. Ouais, bah, Star-Lord Anne. Ouais, Star-Lord en fait. C'était pas écrit par Bendis, ça? Bah, il s'évissait dans un coin, mais. Je crois que c'était. Non, mais j'ai pas lu, hein, je dirais rien. Mais je crois que c'était écrit par Bendis, moi, Non. il me semblait. D'accord. Non, Ok, bah, vas-y, continue. Spectra poursuit sur les derniers castings. Ça, il a le voilà. droit à une bonne série. Ouais, bah, je vais présenter tous les titres que je vais pas lire. Voilà, comme ça, je donne mon avis d'emblée. Donc, bah, ah, peut-être pas. Cyborg, par John Semper, Will Conrad et Paul Pelletier. Deux fois par mois, hein. Ah ouais, Il putain, assiste, hein, ça dans la gueule. raciste. Ils aiment se flageoler. Vas-y. Harley Quinn par Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Chad Hardin et John Timm. Et ça, tu vas pas lire? Ah, ça, je vais pas lire. Je sais pas, perso, j'aime beaucoup leur série, j'aime beaucoup Conner et Palmiotti. Donc, Ah ouais, écoute, j'aime bien leur style, c'est décomplexé. J'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer au Paris Comic Con, taper un petit peu la discute avec eux, c'est des gens super sympas et tout, j'aime bien. Bien non, ce non, que mais je veux bien aller boire une bière avec eux, hein, mais. pas envie de dire ce qu'ils font. Pas un café, tu vois. Palmiotti, ça va, franchement, mais Palmiotti, il avait fait non, j'ai un peu bien, du mal. Ouais. Il avait fait All-Star Western, qui était très bien. Par contre, sur son boulot sur Harley Quinn, moi, j'aime pas du tout. De toute façon, Harley Quinn, je peux plus. Dès que je la vois, je ferme le comic. Et d'ailleurs, ils n'ont pas trop capitalisé sur Batman, je trouve, hein, cette fois-ci. Il n'y a, y a pas 15 titres Batman, je trouve. Ouais, si tu veux me dire, c'est beaucoup Superman. Hein. C'est beaucoup ouais, y a Superman. beaucoup de Superman. On va dire, ouais, c'est sûr, c'est des bimensuels, donc il y a beaucoup de Batman, mais c'est moins visible qu'avant, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas plus mal. Hein. Ouais, c'est clair. Ensuite, on a Suicide Squad, donc par Rob Williams et au dessin Jim Lee et Philippe Tan. Je jetterai un coup d'œil quand même. Moi non. Sachant que Jim Lee va faire les 6 premières pages et qu'on va plus jamais ouais, entendre c'est parler ça. de lui. Et puis la Suicide Squad, j'irai la voir au cinéma, mais moi après en série, personnellement, ça m'intéresse pas. J'ai bien l'impression qu'on va retrouver le Midnighter dans cette série, donc du coup, je serais peut-être obligé de checker. C'est un peu peu la seule série dans laquelle on pourrait le voir. Ouais. Peut-être dans Nightwing. Oh, quelle ouais. tristesse. Ça serait peut-être le sidekick ouais. de Nightwing. Ah ouais. Oh, putain, arrête. Blue Beetle par Kate Giffen et Scott Collins. Il est récidiviste. Enfin, moi j'irai voir. Je comprends pas l'intérêt, mais ah si, c'est quand même, c'est vrai qu'il y a, il ramène le premier Blue Beetle, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ce que je veux dire, c'est lequel en fait de Blue Beetle qui va être défini? Les deux en fait, là justement, il y a Jimmy Reyes et le premier Blue Beetle dont j'ai oublié le nom. Telcord, non, Telcord, Telcord. Ouais, en fait, ce sera une série humoristique. Ouais, bah, en fait, Telcord va prendre son aile, Jimmy Reyes, je crois, et il va l'aider. Voilà. Ouais. Ouais. Ça a pas l'air chiffre, hein, quand même. Ah, mais faut donner sa chance à la série. Faut lire au moins les premiers épisodes. Keith Giffen, c'est toujours solide. Moi, j'ai pas mal d'attentes sur ce titre. Batman Beyond par Dan Jurgens et Bernard Chang. Bon, ça vous semble que c'est la même équipe sur le 10. Deathstroke par Christopher Priest, Carlo Pagulayan. Ah, c'est bien, il est parti de Telos, Igor Vitorino et Felipe Watanabe. Watanabe. Watanabe. Excusez-moi, j'avais pas la page en entier. On t'entend pas très bien là, par contre, Spectra. C'est bon là? Ouais, là ça va, ouais. Ça a l'air d'aller Ouais, mieux. ouais. Vas-y. Et ensuite, on enchaîne donc avec Green Arrow, toujours écrit par Ben Percy, et avec au dessin Tom Schmitt et Juan Ferreira. Et on termine par Hellblazer, par Simon Oliver et Justin Morita. Justin, Justin, non? Bah, juste Justin, c'est dur quand même. Imagine ton fils il s'appelle Justin, c'est dur quoi. Justin, c'est pas beaucoup mieux. Ah, Tu vas Justin, par ça là. Ouais, c'est vrai. J'espère que ça changera un petit peu des Hellblazers qui sont sortis ces derniers mois. C'est vraiment une série de merde. Ah, c'est nul, Hellblazer, Même alors? Ah, c'est vraiment à ouais. chier, là, les sorties VO Hellblazer. C'est un des seuls trucs que je continue parce que je suis vraiment un amoureux de l'univers Hellblazer et oh mon Dieu, quoi. Je me fesse le cul avec une poêle chaude à chaque fois, quoi. Non, mais justement. On voit qu'ils sont amoureux des blazers jusqu'au bout. Ah ouais, mais c'est ça, en fait, c'est tout dans la douleur, quoi. Moi, j'adore le blazer, mais là, j'ai été obligé de lâcher tellement c'était mauvais. Ah, c'est pas bon. Puis alors, honnêtement, mais les dessins, mais ma petite sœur, elle peut faire mieux, quoi, honnêtement. Les dessins sont moches, le scénario est à chier. J'espère, je connais pas les deux, là, Simon Oliver et Justin Morita, mais j'espère que ça va changer un petit peu de ce qu'on a récemment, hein. Ouais, j'allais dire, moi, bah, c'est peut-être l'occasion, ouais, pour ma part, de reprendre vraiment Hellblazer, là, avec le duo Simon et Garfunkel. Ce sera peut-être. Ouais, pourquoi pas relancer ça, parce que j'aime bien le personnage, tout ça, et c'est vrai que c'était dégueulasse, en fait, ouais, sur les derniers titres. Là, ouais, pourquoi pas. Hein. Parallèlement à ces sorties-là, tu vois, je continue de faire les sorties VF, donc je prends les Garcenis présentés le Blazer, etc. Ouais. Tu lis Ah du oui, d'accord. Garcenis, tu lis du, enfin, du Hellblazer par Garcenis, tu te fais, oh mon Dieu, c'est monstrueux et tout, et tu lis les sorties récemment, mais enfin, c'est même, pour toi, c'est même plus Hellblazer, quoi. Enfin. Sinon, globalement, dans l'ensemble, les annonces créatives, ça vous convient? Vous êtes satisfait ou pas? Je suis Dites-nous. satisfaite. Ouais. Je kiffe. Moi, je suis pas mal hypé par rapport au DCU. Je vais suivre beaucoup plus de séries que je n'en suivais. Donc, C'est plus le après, DCU on là, c'est verra. les Rebirth maintenant. Ouais, mais justement, par rapport au Ah oui, DCU, d'accord. je Écoute suis. jusqu'au bout, Euh, Wally, sois attentif, attentif, attentif. vraiment, je Ok. suis plutôt satisfait des équipes. Après, bon, comme toujours, on jugera sur pièce. Hein, mais pour l'instant, à part quelques titres, je sais que je ne suivrai pas comme Green Lantern. Je suis. T'es ouvert sinon. Voilà, je suis plutôt content. Bah rien. Bah, de toute façon, par curiosité, je vais au moins lire les premiers numéros de chaque. Bah, sauf Green Lantern, parce que franchement, Venditti, mais si je pouvais lui carrer dans le fion tous ses numéros, je pourrais. Je le ferais. Non, mais honnêtement, je le vomis, ce personnage. Ce mec, Mais. il existe, hein, c'est pas un personnage, il existe. Merde! Il existe, Non! enculé. Je Ouais, me je te suis dit, jure. il est tellement parfait en fait dans sa nudité que c'est forcément un personnage de fiction. Ouais. Merde. Mais non, bah qui Reste à vivra lire. verra. Je vais lire un petit peu, je vais voir ce que donnent les titres parce qu'il y a beaucoup d'artistes que je connais pas, donc je peux pas les juger avant, quoi. D'accord. Vivien? Ouais, non, je prendrai pas tout pour des raisons évidentes. Mais non, il y a des. Bah, je vais peut-être tenter la Superwoman. Je vais sûrement reprendre la Hellblazer. Ouais, non, la Green Lantern, on oublie, je pense. Et non, de petites surprises comme ça à droite à gauche, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Après la All-Star Batman, je vais la commencer. On va voir ce que ça va donner. Idem pour la simple Batman. Parce que je me dis, tout ce qui est. Ouais, les bimensuels, c'est à double tranchant, quoi. Il y aura beaucoup de titres en bimensuel. Hein. Tous les gros titres seront en bimensuel. Voilà, c'est pour ça. De toute façon, ça va passer ou ça va casser, quoi. Parce que bon, si en plus t'as genre deux, pour peu que t'aies deux scénaristes ou autres, enfin, c'est le bordel. Non, il y a des surprises, il y a des choses, enfin, genre par exemple Harley Quinn, voilà, c'est sans surprise, ça, par contre. Mais voilà, de toute façon, je vais arriver dans mon comic shop et je vais feuilleter la première et deuxième page, je vais voir si ça me plaît, et sinon, je passerai à autre chose. Ok, et Spectra? Je suis comblé. Même t'avais l'air blasé parce qu'apparemment tu gagnes pas assez d'argent, il y avait trop de trucs qui t'intéressaient. Ouais, mais je changerai de boulot, tant pis. Ok. Bon, globalement, tout le monde est quand même satisfait, on va Et dire. toi, Wally? Moi, je suis content. Double dose de Flash. Je vais lire pas mal de trucs. Les trois quarts, je les télécharge, donc je les achète pas, donc tout va très bien. Non, moi, ça va. Hein. Ouh! non, Fais moi, gaffe mon. à Adopi. Ah, ils Tu peuvent risques de tous se faire venir, ruiner. la Lycra Adopi, il n'y a pas de problème. Celui-là, je vous attends, je suis blindé en plus. Non, non, Quand moi, Wally pourra plus faire le podcast, il n'aura plus Internet. On me dit que la DGSE vient de sonner chez toi aussi, là. Non, moi, il y a un tas de trucs, je vais pas tous les redire, mais ouais, Nightwing, je vais m'y remettre, Flash, je vais continuer, je sais pas, Trinity, je vais le faire, il y avait Superson, je crois, ils ont pas annoncé l'équipe créative, je crois, mais Superson, ça m'intéressait aussi, Wonder Woman, je vais le faire, Justice League, je vais le faire. J'essaye. JSA, JLA, Justice League Classic, je vais le faire. Titan, je pense, je vais le faire. Je vais tout faire au début et après, on verra petit à petit ce que je continue. Et après, voilà, et tout ce que j'aurais aimé quand ça ressortira en VF, je le reprendrai sur Urban, comme je fais à chaque fois, de toute façon. Moi, je suis assez content quand même des équipes créatives. Ils ont viré pas mal de boulets quand même, je trouve. Donc, c'est Ils ont cool. gardé le principal, c'est con. Ah, mais bon, ça Ils ont va, quand même il. gardé le tel, Ah quoi, bah, c'est on sait ça. jamais, hein. Peut-être que Venditti, c'est un mec qui détruit mon super-héros préféré, donc Flash, mais qu'il est bon sur Green Lantern, hein, ça va. Ben non, non, il est mauvais, on te l'a dit. Ah Hein. non, On on en parlera. t'a dit, c'est mort, mon pote. Hein, Oui, non, non, mais non, parce que je les ai pas lus, j'ai pas lu Et les derniers Green les lis Lantern. pas, on te le dit, nous. Ouais, non, il faut pas les Ça lire. va pas te plaire. Hein. Dis les trois premiers, ils sont pas mal quand même. Après, Spectra, il aime parce qu'il a jamais lu Green Lantern, il a commencé avec Venditti, en fait. Donc, quand il a vu un. Quand t'as jamais lu, oui, forcément, ça doit passer, ça doit être pas mal. Mais après, c'est vrai que si t'as lu tout le run de Jeff Jones, forcément, c'est. Ça fait un peu Non, mal au cul, quoi. C'est ça le truc. C'est comme tout à l'heure, on parlait de comparaison entre Wonder Woman par l'un et Wonder Woman par l'autre. Ben là, ça doit faire un peu pareil, un peu le même effet. Tout simplement. Mais moi, je te dis que tu vas pas aimer, hein. Ça va pas te trouer le cul, quoi. En plus, si t'as le cul chaud avec la peau à côté de cette écale à chaque fois, laisse tomber. hey, elle Change plaisait. de fesse. Ok. Bon, on va passer à la critique À de la baston. Batman vs Superman. On va Ça y est, là. commencer. À Allez, s'insulter là. on Ah, va. Spectra, comme tu vas prendre cher, putain. Bon. Donc, Batman vs Superman. Spectra, j'ai pas vu le film, mais je suis avec toi. Bon, je vais vous laisser, Wally, tu m'envoies un petit message quand je peux revenir? Ouais, vas-y, ça marche. On t'enverra un message au moment où on spoil la fin. Voilà, c'est Ça ça. marche. Ok, je te À tiens, tout à dès l'heure. qu'on a fini, je te tiens au jeu, ça marche. À tout à l'heure. Bon, alors, donc, Batman vs Superman, donc, qui veut commencer? Qui veut se lancer? On commence par ceux qui ont aimé ou ceux qui n'ont pas aimé? Tu veux se lancer par la fenêtre, tu veux dire, ou... Ah, ben voilà, tu vas commencer, Vivien. Non. Alors, donc là, on va Le coup qui spoiler. dépasse se fait toujours taper dessus. Là, on va spoiler à mort. Donc, si vous l'avez pas vu, ben, laissez tomber, revenez plus tard. Comme ça, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut se brider. Donc, on va pas se brider, pardon. Donc, on va spoiler. Donc, vas-y, Vivien, on t'écoute. Non, ouais, je suis d'accord, on va spoiler. De toute façon, allez pas le voir, c'est de la merde. Non, non, non, non. Plus sérieusement, je vais dire... Donc, ça fait maintenant 2 semaines qu'il est sorti. Il était sorti le 23 mars dernier, donc ça fait 2 semaines. Non, 1 semaine et demie. Ouais. Et ben voilà, il m'a fallu 1 semaine pour le digérer, pour trouver du bien dans ce film en fait. Parce que bon, c'est réalisé par Snyder, Zack de son prénom. Pourtant, quand on voit le générique, on se dit, eh ben purée, si ça nous annonce pas quelque chose de bien. Donc vous avez forcément, enfin je vais redonner rapidement, donc Affleck, Cavill, Adams, Eisenberg, Fishburne, Irons, Gadot. En producteur exécutif, vous avez Christopher Nolan, vous avez Geoff Johns, vous avez David S. Goyer. Bref, c'est que du beau monde selon moi. À part David, ouais. À part David. Surtout Snyder. Non mais voilà, Snyder, c'est pas un mauvais réalisateur, c'est juste qu'il fait des films qui ont des gros défauts, mais en même temps, moi, sa filmographie, genre 300, j'avais bien aimé. Man of Steel, j'avais bien aimé. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Watchmen aussi. Mais Watchmen, c'est ouais. quoi les défauts en fait? Parce que c'est quoi les défauts que tu Alors, cites? Vas-y, vas-y, pardon, excuse-moi, vas-y. justement, les défauts dans ces trois films, donc dans Watchmen 300 et Man of Steel, c'est que c'est des films qui sont un petit peu trop mis en longueur, selon moi. Et c'est exactement ça aussi qu'on retrouve dans Batman vs Superman. C'est un film, mais dont le rythme est tout le temps cassé. Tu peux pas rentrer dans le film. L'écriture audiovisuelle de ce film, elle est complètement ratée. C'est une très bonne adaptation, mais le film, c'est vraiment de la merde. C'est pas faux. Non, mais c'est vas-y, mais enfin, moi je vois pas les problèmes de rythme. Je note. Moi, les problèmes de rythme, je les vois pas en fait. Tous les trucs, il y a peut-être des facilités, des 2-3 petites facilités, mais après, tous les problèmes qui sont soulignés, moi je. Y a rien. Je suis d'accord parce que j'ai apprécié le film pour ma part, mais faut avouer que dans les points noirs du film, le montage est quand même. C'est pas. Il est exécrable. C'est-à-dire avec le cul, hein. Mais c'est-à-dire. Oui, oui. Mais à quel moment Man of Steel. En fait, ça, c'est les mêmes problèmes que dans Man of Steel, c'est-à-dire que tu alternes en fait dans Man of Steel, tu alternes en fait des périodes présentes et avec beaucoup d'action, très punchy, etc. Avec des périodes passées de flashback, mais hyper lentes et hyper contemplatives, presque photographiques. Et c'est pareil là dans Batman vs Superman, c'est que t'as des choses parfois graves qui se passent ou importantes et tu aimerais que l'ambiance soit un peu plus punchy, mais en fait elle est toujours à contre-pied de ce qu'elle veut montrer. Donc t'as toujours l'impression, c'est comme si t'essayais d'aller super vite avec une 2 chevaux ou de rouler à 30 avec une Ferrari, quoi. Mais moi le rythme je l'ai pas trouvé cassé, moi y a rien qui m'a choqué en fait. Tu n'as pas le bagage cinématographique pour comprendre l'ensemble. Ouais, mais en plus de ça, moi je leur pisse au cul aux élitistes qui viennent me parler de trucs de contre-plongée, ma bite, machin bidule. Moi je m'assois, je regarde le film et puis voilà, j'analyse pas toutes les séquences. C'est pas dans mon intérêt. Et justement, un peu dans la première heure de film, t'as pas été sorti du film. Quand je vais voir le film, je suis pas là pour chercher à la trace du défaut, à la recherche du moindre défaut. Ah putain, ça je l'aurais pas monté comme ça. Moi je me pose, je regarde le film et à la fin je me dis voilà, j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Mais le film Man of Steel, c'était pareil. Man of Steel, c'est calme. C'est, il te raconte l'histoire pendant. Il dure combien de temps, Man of Steel ? 2 heures, 2 heures et demie. Il fait alors 2 heures et demie, Man of Steel. Ouais, je cherche 32-3. Moi, Man of Steel, par exemple, j'ai adoré la première moitié, voire les 3/4 du film où il racontait une histoire, et la fin, je l'ai trouvée longue dans le sens où ça sapait beaucoup trop longtemps en fait. Et là, oui, le d'accord. Film. Et... Même, du moment que c'est continu d'un bout à l'autre du film, mais Wally, toi, tu lis des comics. Est-ce que ça te ferait pas bizarre, par exemple, que tu lis une série que t'aimes bien comme Flash, t'as 2-3 splash pages qui suivent des doubles pages magnifiques, etc. Et puis d'un coup, tu tournes la page, t'as une page avec 20 bulles, mais des toutes petites bulles, et puis après, deux splash pages. Et puis tu repars après sur des toutes petites bulles. Mais moi j'étais pas. Tu dis, mais c'est quoi en fait ? Il y a pas de continuité dans le rythme. Et ben imagine que dans le film c'est pareil. Mais moi, et même ouais. Si tu te poses en tant que spectateur, faut avouer que techniquement t'as toujours l'impression d'être dans dans un grand 8. C'est-à-dire que un coup tu vas très vite, un coup tu vas hyper lentement et il y a des fois ça brusque. Mais moi je l'ai pas perçu comme ça. Il y a 2-3 fois par exemple quand il t'amène le cauchemar là, c'est bizarre. Tu te dis tu comprends pas trop où ils veulent aller en fait. Parce qu'en fait, concrètement, le cauchemar, il apporte rien, en fin de compte, hormis du fanservice. Donc là, quand tu sors de là, tu te dis, putain, mais en gros, à quoi ça sert de nous amener là ou sur 2-3 autres trucs ? Mais non. Sinon... Pardon, vas-y. Non, vas-y, je reviendrai sur le cauchemar après. Mais sinon, après, globalement, sur le film, non, il y a rien qui m'a choqué. Voilà, l'histoire, elle progresse. Il y a des gens qui se sont plaints que l'affrontement, il dure que 5 minutes. Mais en même temps, l'affrontement, il dure bien plus longtemps que ça, en vrai. Le temps que les pièces du puzzle s'ajoutent pour faire monter la sauce... Et pour que ça rende le truc crédible. Et après, en même temps, quand t'as deux mecs, un c'est un dieu et l'autre c'est un mec normal, tu peux pas les faire se battre pendant 1h30. C'est le combat à la base d'entrée de jeu. Il est pas, les deux ils sont pas. Je parle pas de la durée du combat. Je te parle de la façon dont le film est rythmé en fait, dont la sauce justement prend tout au long du film. Ouais ouais. Et des fois, non, c'est trop mal amené. C'est vraiment trop mal amené. Il y a des choses qui auraient dû être exploitées beaucoup plus longtemps. Alors après, le film, là, c'est la version telle qu'on a vue, la version ciné. Hein, il va y avoir une version Blu-ray, je suppose, avec des scènes coupées qui seront rajoutées. Ouais, qui, une demi-heure en plus, je crois. Davantage, voilà. Ouais, ouais. Mais il y a des fois, tu as des aliens cinématographiques, comme ça, tu as des scènes qui sortent de nulle part. Et tu te demandes, mais Zack Snyder, en fait, il est parti aux chiottes et c'est son gamin de 12 ans qui est venu à la place qui a dit « Bon, alors les gars !» Il y a des moments, c'est ça, t'as des espèces d'erreurs, de coquilles cinématographiques comme ça qui viennent s'insérer dans le film, ça n'a rien à foutre là. Ou alors, fallait le faire au début du film ou à la fin du film. Moi, allez-y les gars, si vous voulez intervenir. J'allais dire, le film en lui-même, il est très beau. Hein. C'est vraiment, Snyder a cette patte, grâce à son frère Scott, hein, bien entendu, où il arrive un film en comics. C'est dingue. Enfin, l'imagerie du film est bonne. L'iconographie, par contre, je l'ai trouvée moins intéressante que. Enfin, trop clivée comparée à Man of Steel, où dans le sens, on a vraiment le côté Batman, méchant humain, Superman, Boy Scout, Alien. Je l'ai pas trouvé ça comme ça non plus, je trouve que c'est moins manichéen quand même. C'est pas C'est. aussi manichéen qu'un. Je trouvais, moi, hyper manichéen, tu vois. Justement, entre Batman et Superman, je trouvais que c'était hyper manichéen. Par contre, Moi à justement, l'inverse, enfin, je trouvais que Affleck jouait bien Batman, mais jouait mal Bruce Wayne, et Cavill jouait mal Superman et bien Clark Kent. Enfin, pour moi, il y a eu plein de défauts un petit peu partout. Dans l'interprétation des acteurs, il y a eu des défauts. Il y a eu des énormes défauts pour moi dans le montage, où, comme je disais, les rythmes sont souvent cassés. Et tu disais, toi, tout à l'heure, Wally, le cauchemar, donc Batman dans le désert avec Superman qui le tue, grosso modo, avec l'arrivée Ah, démon. Parademons, merci. Voilà, c'est un truc tout bête. C'est par exemple, faut se dire que c'est un film, donc c'est pour le grand public, c'est pas pour les fans. Et Snyder a eu ce défaut de se dire, j'ai pris plein de références comics, j'ai tout mis dans un shaker, je l'ai éparpillé dans mon film, et je pars du principe que c'est connu des gens. Je pars du principe que les gens vont connaître les parademons, je l'explique pas. Ouais, mais là, on parle pas de la vie des gens. Moi, la vie des gens, je m'en fous en fait. On parle de nos avis à nous en fait, Ouais, à nous non, bien cinq. sûr. Après que le mec grand public, quand il allait le voir, il s'attendait à voir un film Marvel classique. Ça, à la rigueur, tant pis pour lui, tu sais, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment notre avis à nous en fait qui D'accord, je suis m'intéresse. d'accord. Ouais, mais même le côté fan service, je vois pas ce que ça t'apporte, le rêve, quoi, tu vois. C'est Oui, voilà, je le demande rêve. fan service, mais même moi, ça m'a pas fait vibrer. Je me suis dit, putain, quoi. En fait, ils l'ont amené vraiment comme un cheveu sur la soupe. Ça, c'est. Ah J'ai bah bien voilà. aimé le film, mais là, tu te dis, putain, pourquoi ils te mettent ça là, quoi. Je suis d'accord, là je me suis Alors, dit que. apparemment, il y a quand même Ouais. des scènes qui s'enchaînent juste avant où elles vont pas jusqu'au bout. Donc, je pense que ça, on va avoir droit quand même à des scènes coupées dans la version Blu-ray. Mais tu vois, je pense qu'il y a vraiment un projet que Zack Snyder, il s'y prend pas comme un pied non plus quand il fait un film. Non, non, Hein. non, non. Mais je pense que il y avait trop de choses, il y avait trop de choses à faire. En fait, il a eu les yeux plus grands que le ventre dans ce film. Il a voulu mettre voilà beaucoup de choses et que du coup, pour travailler toutes ces choses-là, va falloir attendre la version Blu-ray avec toutes les scènes coupées pour avoir vraiment quelque chose de plus complet. Parce que là, on reste plein. J'ai l'impression d'avoir été à un buffet froid et en fait, et d'avoir pas avoir le temps de goûter à tout. En fait, c'est le problème. Moi, il y a deux trois trucs de montage, donc comme le rêve, comme vous dites. Donc c'est vrai que concrètement, il amène rien. Même si en le regardant, moi j'ai kiffé de voir les parademons. Après j'ai capté plus tard qu'il y avait le signe d'Oméga par terre, les mecs, le croc à Superman en mode injustice avec le truc Superman sur l'épaule. Moi j'ai kiffé. C'est clairement ça, hein. C'est clairement Voilà. la justice. Hein. Voilà. Et c'est Bah. pour ça, et à mon avis, ça, dû l'intervention de Flash, donc Ça, je l'ai même pas capté, tu sais quoi. Je Ah l'ai ouais, même pas capté, ça, non. ça je... enfin, moi j'ai été le voir en VO, et en fait, j'ai eu du mal à analyser les premières secondes, j'ai eu du mal à voir Flash. J'ai reconnu la voix d'Ezra Miller, et c'est ça qui m'a dit, ah mais purée, mais en fait, c'est le Flash, ça. Quand j'y suis allé la deuxième fois avec ma copine, elle m'a dit, t'as vu, il y a Cyborg. Je lui ai dit, mais non, arrête, c'est Flash. Elle me dit, non, c'est pas possible, celui-ci, si, c'est Flash. Elle dit, putain, on dirait vraiment Cyborg. J'ai dit, bah, c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même, peut-être dans le fait qu'il ait une armure ou dans le fait que, je sais pas, leur Flash à eux, c'est un putain de portoricain, tu vois. C'est vrai. Il a l'air Normalement, c'est un mec, c'est un blond aux yeux bleus, quoi. C'est pas un espèce de portoricain hippie avec des cheveux. Après, moi, honnêtement, hormis, bah, moi, j'ai pas perçu tous les soucis que vous avez perçus, mais moi, hormis les deux, trois problèmes de montage et les quelques facilités qu'il y a à quelques moments donnés, globalement, moi, j'ai pas vu de gros défauts au film. Comme je disais, la confrontation, comme elle est amenée naturellement, je trouve. Je trouve Ouais. pas que les deux soient. Je trouve pas, moi. Enfin, moi, je trouve que Bah, c'est. vas-y, Wally, excuse-moi, je J'y dirai reviendrai après. plus tard quand c'est pareil, quand je ferai ma propre critique du film, mais il y a des plus et des moins. Mais après, allez-y, des bâtons. Enfin, moi, que Batman il se met à son égal avec Superman, je trouve ça normal. Bon, après, le fait qu'il y ait le complot de Luthor derrière, c'est pareil. Il y a Superman qui, du coup, décide d'aller tuer Batman parce qu'il n'a pas le choix, machin. Ça, c'est pareil, c'est des petites facilités. Mais globalement, je trouve que le combat, il est quand même bien amené, du début jusqu'à la fin. Après, j'ai vu des défauts, des petits trucs qui sont cités en permanence, comme au début, quand il y a. Tout pète donc à Metropolis et donc Bruce Wayne il appelle le gars de sa boîte pour lui dire d'évacuer genre comme si oui il aurait pu évacuer avant qu'on l'appelle. Vous vous rappelez Ouais. cette scène? Bon Ouais. voilà, Ah bah oui, ils peuvent pas. Hein. voilà, il y a un tas de trucs comme ça, mais bon ça c'est enfin je veux dire ça c'est hormis d'aller voir le film, comme je dis, en se mettant, en se disant, bon voilà, il faut que je détruise le film, qu'est-ce que je vais trouver? Des défauts comme ça, il y en a dans tous les films. Donc c'est pas ça qui nique le film. Un autre détail, j'ai vu qu'on reprochait à Batman de tuer. Ah non, ça non, non, non, c'est Enfin, pas. Enfin, c'est pas. dans le film, il tue jamais personne de sang-froid face à la caméra. Je veux dire, dans Avengers, quand il dégomme des Si, il mecs. explose quelqu'un avec son. Il explose un camion avec des gens dedans. Voilà, non, mais ça c'est pas montré. Je veux dire, dans Avengers, quand les mecs ils défoncent des mecs, j'ai jamais vu personne aller taper, voir si le mec il avait encore le pouls, tu sais, une fois qu'il l'avait défoncé, quoi. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est supposé, quoi. Ça se tape, ça pète de partout. Après. C'est pareil, j'en reparlerai tout à l'heure, mais ouais, Voilà. en fait, je pense que plus que le film, c'est les critiques qu'il va falloir critiquer ou les fans remettre à leur place, parce que le film, il mérite Oui, carrément bah pas, en oui, fait, voilà, qu'il non, se mais ça prend c'est la clair. gueule, quoi. Parce qu'après, voilà, le gars il est en Batwing, il va pas envoyer des cailloux de son Batwing. Donc forcément, le mec il Bon, tire sur voilà, en des fait, mecs, quand il met des bah, mandales, il met des si faut qu'on en mandales. parle maintenant, on va en parler maintenant, mais le coup de Batman qui tue, je suis allé voir le film deux fois. Je suis allé voir le film une première fois avec un pote le jour de la sortie, Day One, j'étais comme un fou. Et j'y suis allé la deuxième fois avec ma copine hier pour prendre un peu plus des notes en préparation de ce podcast, en fait. Putain, ça c'est beau. Faut Et les bien prendre la graine, les consensué à gars. mort, quoi. T'as vu? Je suis consensueux. Et là, j'ai fait des notes, mon gars. Le seul gars qui Bon. notait dans la salle. C'est ça. Mais j'ai pris des notes, c'est sûr, comme un vrai reporter et tout, on s'était nous. Le Batman qui tue, ça m'a choqué au premier visionnage. En fait, notamment la scène de la course-poursuite en voiture, je suppose que vous voyez laquelle je veux dire, hein, quand il va récupérer Petit pour peu du la bling bloqué. kryptonite. Ouais, c'est ça. Mais j'ai regardé mon pote plusieurs fois, choqué, mais je lui ai dit, mais il vient pas de tuer des gens, là? Et là, et là, et là. Et il m'a regardé, genre ahuri, genre, bah, je sais pas, je crois. Et au deuxième visionnage, par contre, ça, j'ai nettement plus fait attention et il y a des mecs comme ça qui meurent, mais on n'en sait pas plus que ça. En fait, c'est Ah ouais, voilà. un accident de voiture. Mais sinon, la plupart du temps, dans le film, ils se contentent de retourner les armes contre ceux qui les utilisent. Il y a deux, trois mecs qui meurent, mais genre, par exemple, c'est le mec qui saute sur sa propre grenade parce que l'autre, il l'a repoussé avec sa grenade dans les mains, quoi. Oui, même c'est pas C'est exactement ça. visuel, c'est pas montré, il bute pas un mec de sang-froid, donc ça c'est des critiques, c'est juste de la merde quoi. Comme je dis dans tous les films dans les Nie dans... l'évidence, Batman tue. Ils n'y pas les Mais enfin c'est je pas veux dire... grave. Quand je vois dans les films Marvel, toujours pareil, quand ils dégomment des mecs, ils vont pas taper un Mais bouche à ouais, mais bouche, c'est pas voir si grave le s'il mec il est tue. pas mort, tu sais. Mais Batman a toujours tué, je veux dire, à chaque fois qu'il se débarrasse d'un super vilain. Genre, je sais pas, regarde dans les New 52, pardon, la façon dont il se débarrasse du Joker. Le Joker, il tombe d'une falaise, il le considère comme mort. Est-ce qu'il pleure parce que le Joker, il est mort? Non. Voilà, mais Le en Joker, plus. il est mort parce qu'il est tombé comme un con d'une falaise. Si l'autre, il est assez con pour vouloir lancer une grenade à la gueule de Batman et que Batman retourne la grenade contre lui, bah c'est bien fait pour sa gueule. Mais en plus de ça, je veux dire, tu. Merde, c'est plus ce que je voulais dire. Le personnage, en plus de ça, il est en train d'évoluer. Donc, quand tu regardes au début et à la fin, au début, il marque les mecs avec son espèce de chauve-souris, là. Il les marque au cou, là. Fer À la rouge? fin. Pardon? Au fer rouge, Ouais, au ouais. fer rouge. À la fin, quand il chope Luthor, et il lui fait rien, il le laisse comme ça. Donc, ça, c'est pareil, t'as le personnage qui évolue. Le problème de ce film, je pense, c'est qu'il y a une trop grosse attente. Et t'as des gens dans leur tête, c'est borné. Il y a eu 75 ans d'histoire de Batman. Les gens, ils ont une image propre qu'ils aiment et ils veulent rien entendre parler d'autre. Et donc, du coup, quand le personnage, il agit pas tel qu'il voudrait qu'il agisse, forcément, le film, faut le brûler. Snyder, faut le C'est tout à pendre, fait. C'est machin quand et même tout ça. kiffant que dans Batman, Tom King, il fasse prendre. Il donne un flag à Batman qui bute quelqu'un. Les fans, je pense qu'ils seraient très traumatisés à vie, là. Alors par contre, je vais pondérer un petit peu quand même. Le fait que Batman tue des mecs dans ce film, ça m'a pas choqué après le deuxième visionnage, parce que je me suis dit que finalement, les mecs qui sont morts l'avaient mérité, et puis que finalement, c'était leurs armes qui s'étaient retournées contre eux. Par contre, l'imagerie, en fait, de l'iconographie de Batman, tout le film qui tient des flingues, et à un moment, un sniper, longue visée et tout. Faut arrêter. Je sais que Snyder, il aime beaucoup les flingues, il aime beaucoup montrer des gros calibres parce que le mec, il a un truc à compenser. Mais il va falloir arrêter de mettre des flingues dans les mains de Batman Mais parce qu'il y a un moment, c'est trop. moi ça me choque pas, c'est sa vision du personnage. Encore une fois, comme je te dis, il évolue, tu verras, je suis sûr et certain que dans le prochain, il sera plus comme ça. Voilà. Superman, c'est J'irai dans la pareil. Je croquette préfère après. Man of Steel, ils l'ont défoncé parce qu'en disant qu'il n'est pas comme ça, Superman à la base, nanana, il est lumineux, machin. Là, ils te montrent la création du personnage, ils te montrent son évolution sur plusieurs films. Donc le statut que tout le monde veut qu'il ait, il va l'avoir, mais petit à petit, quoi. Faut laisser le truc se construire. Non, parce qu'en fait, justement, parce que là, Justement, en fait, le Batman, là, il n'est pas en construction. Ça fait déjà 20 ans. On te répète plusieurs fois dans le film que ça fait déjà 20 ans en fait, qu'il combat le crime, etc. Et Superman, là, c'est une période. je parle de Superman. Superman, il vient Ah, d'arriver. pardon. Non, Superman, bah, parce que. ouais. Oui. Oui, on Ouais, parlait si. de Superman. Mais le fait de. Moi, je suis toujours sur le fait que Batman tue, etc., et que ça choque. Et le fait que tu disais que les gens, en fait, ils allaient en salle et qu'ils avaient des attentes et qu'ils étaient forcément déçus. Ouais, mais là, ils Et partent tous. au premier visionnage, quand je suis sorti du film, j'avoue que j'avais pas passé. Enfin, je savais pas quoi dire du film. J'avais énormément de points noirs. Mais parce que ça faisait 3 ans que j'attendais le film et j'étais hypé comme un gamin à l'ouverture de ses cadeaux de Noël. Et c'est comme si tu ouvrais tes cadeaux de Noël et que tu n'avais pas exactement ce que tu avais demandé. C'est chiant. Ouais, mais Donc après, j'avoue que en sortant du c'est premier ballot, quoi. visionnage, j'étais pas ouf. Mais Ouais, mais par contre, au deuxième après, visionnage, je ouais. savais à quoi je m'attendais, je savais ce que j'allais avoir, je savais à quoi m'attendre. Et ben la deuxième fois, c'est nettement mieux passé. En fait, j'ai passé un excellent moment au cinéma. Après, c'est sa version, il n'a pas pris la version la plus consensuelle, il a fait son truc en parlant de là. Là, il te parle d'un mec qui est au bout du rouleau, il y a Robin qui s'est fait buter, à Metropolis, il y a tout qui a sauté, il a perdu des amis à lui, donc voilà, le mec, il est en mode mercenaire. Et après, moi, j'ai vu son évolution tout au long du film. Mais après, moi, c'est pareil, ça fait 3 ans que j'attends le film, mais moi, je sais pas, je suis ouvert. Batman qui a un flingue, je vais m'en remettre, quoi. C'est pas. Même si dans les comics récemment, du peu que j'ai lu, il avait pas de flingue, enfin, pour moi, c'est pas un problème, en fait. Ah bah, je sais Bah, c'est pas, pas ce qui m'a récemment dans les New passionné, moi, 52, ça. il a perdu Damian, Batman, il n'en est pas venu à péter des plombs, à picoler et à tirer partout avec des flingues, quoi. Et pourtant, c'était son propre fils. Ah, il en est quand Ouais, même venu à démembrer Frankenstein. Enfin, il était quand même assez radical aussi, hein. mais enfin, je sais ça l'ancre dans une. Enfin, ça l'ancre entre guillemets dans une réalité. Là, par exemple, le Batman v Superman, enfin, au-delà de l'exemple, puisque c'est le cas en ligne du sujet. Moi, le Batman qui était montré là, enfin, c'est le Batman comme je l'imaginais, quoi. Déjà, un truc dans le cinéma, c'est on voit pas un corps, enfin, comme tu le disais, Wally, enfin, voilà, tu casses la gueule à quelqu'un, il te balance une grenade, tu lui renvoies, tu sais que ça explose, mais tu vois pas le corps. Du coup, tu sais pas si la personne elle est morte ou Exactement, pas. exactement. Tu peux pas, enfin, un truc tout bête, c'est si vous avez vu le Star Wars, encore un spoil qui va arriver, la, entre guillemets, mort d'Han Solo, on sait pas s'il est mort, on n'a pas vu le corps, on le voit tomber, on le voit se Putain, faire. je l'avais pas vu Star Wars 7, mais c'est du spoil, quoi. Je viens de le commencer tout à l'heure, mais c'est pas grave, je m'en bats les couilles. Vas-y. Et voilà, du coup, mais voilà, c'est ça, c'est dans un film, tu vois pas un corps inanimé, il est pas mort. Tu sais pas. Et du coup, le Batman tel qu'il est montré là, pour moi, c'est le Batman tel qu'il doit être. C'est un Batman impitoyable qui n'hésite pas à péter des jambes, à péter des bras et à te casser la gueule, à te rendre totalement tétraplégique sans souci. Il est dans une morale qui lui est propre. Il sait que c'est un criminel. Il sait qu'il fait pas que l'autorité locale n'approuve pas ses méthodes, mais pourtant, il s'en bat les couilles, quoi. Il sait que c'est comme ça qu'il peut régler la criminalité. C'est un parfait mélange entre le Batman comment dirais-je, très juste, je l'emmène, enfin, je lui passe les bat-menottes et je l'emmène à Arkham, et le Redwood, enfin, le Redwood de Jason Todd. Enfin, c'est le parfait mélange entre les deux, quoi. Alors, un Batman qui a des fins. Certes, ça peut pas décourager certains, mais ça peut en surprendre. Mais pourtant, enfin, c'est un mec qui utilise un arsenal entre guillemets militaire pour combattre. C'est pas le Punisher de Marvel, mais pourtant, il est obligé de. C'est vrai qu'il fait. Bah, je suis désolé, il fait carrément quand même plus Punisher dans le film, parce que l'iconographie, voilà, de Batman qui tient une mitraillette ou un lance-grenade sans arrêt, ça fait quand même ultra Punisher. Ouais, mais c'est pareil, comme le disait Wally, il va pas utiliser une fronde et des cailloux. Non, mais je veux dire, tu renies pas le personnage. C'est comme si t'inventais un nouveau pouvoir à Superman pour justifier qu'il batte tel ou tel méchant. Non mais Batman. là non concrètement attends on lui reproche quoi? Il a une Batmobile, il est dans sa Batmobile, il tire sur les mecs avec sa Batmobile, il tire sur les mecs avec sa Batwing, il se bat contre Superman avec une kryptonite, avec la kryptonite. Quoi, il a pas un flingue tout le temps en permanence non plus, faut pas. Non, ce que les gens reprochent, c'est qu'il utilise des armes létales pour tirer avec sa Oui, Batmobile et c'est. son. Ouais, Alors d'accord, que dans mais les comics, ouais, ben, d'accord. c'est pas des armes létales. C'est pas forcément des armes létales. C'est peut-être genre des balles de flashball, tu vois. C'est une Gatling, je pense, donc c'est quand même un peu létal. Ouais, il y a Ouais, une Gatling à un moment donné, ouais, mais après, je bon. conçois que dans l'état psychologique dans lequel se trouve Batman dans le film, il soit un peu moins tatillon quant à ses codes habituels. Ça, je le conçois parfaitement. Et à un moment. Après, c'est vrai que j'ai trouvé que le Batman qu'il y avait dans le film là était quand même ultra. Pas fasciste, mais ultra extrémiste. Ouais, moi, il est quand même très extrémiste. Alors après, c'est un excellent Batman. Moi, j'ai trouvé que Ben Affleck, il avait fait pour moi le meilleur Batman qui était sorti jusqu'à maintenant. Mmh. Alors que moi, ça n'empêche pas que j'ai vraiment adoré le personnage. Hein. Quand j'avais vu le casting, je me suis dit, oh putain, Affleck en Batman, avec ce qu'il nous avait fait en Daredevil, ça va être un match. Ah non, faut arrêter avec ça. Parce que... Non, justement, j'ai été agréablement surpris. Et du ouais, coup... mais à chaque fois qu'on me disait, ouais, Ben Affleck en Batman, il a quand même fait Daredevil. Et c'est bon, chaque acteur a fait son film de merde. Hein. Mais Ben Affleck, à côté de ça, c'est un super acteur, c'est un super réalisateur, un super scénariste. Ah oui, oui. Moi, j'avais vraiment foi, et le fait est que là, même tous les cons qui vont critiquer le film parce que ceci, parce que cela, ils disent au final, Ben Affleck, c'est un bon Batman. Non, mais les gens, ils retiennent pas la leçon de toute façon. Dès qu'il y a un nouvel acteur qui est annoncé, à chaque fois, t'as des gens qui ont rien à foutre qui vont s'exprimer sur les réseaux sociaux pour dire ah là là, il a pas la tête. Et c'est tout le temps comme ça, voilà, en fait. C'est à l'annonce d'un nom. C'est comme les gens que j'entends chialer là en disant BVS, c'était de la merde, c'était vraiment du pur Zack Snyder, comme dans 300, etc. Mec, c'est marqué Zack Snyder sur Batman v Superman sur l'affiche depuis plus de 3 ans. Donc, à partir du moment où tu vois que sur ta boîte de camembert, c'est marqué camembert et t'en bouffes quand même et tu te dis oh putain, il pue du bec un petit peu, Claco. Eh ben, c'est pas grave, c'était marqué sur la boîte, tu le savais avant. C'est pas en sortant du cinéma que tu dis putain, c'était quand même de la merde ce Zack Snyder. Non, mais t'as plein de gens en plus t'as plein de gens qui veulent jouer les experts, comme je te dis, en cinéma, qui viennent te parler de montage alors qu'ils comprennent rien. T'as des mecs qui te citent des références, des comics sur les commentaires alors qu'ils ont jamais lu de comics de leur vie ou qu'ils en ont lu 3. Ouais, c'est comme dans les comics. Il y a plein de gens en fait qui, du jour au lendemain, ça devient des professionnels du truc, alors qu'en fin de compte, c'est ils captent que dalle en fait. Ils captent que dalle. Voilà, ils captent que dalle. Pour moi, défaut, j'aime bien Zack Snyder et ça me fait quand même légèrement sourire d'entendre des gens à chaque fois dire bah ouais, c'était vraiment du pur Snyder, c'était de la merde. Mec, tu savais où tu mettais les pieds avant. C'est marqué Zack Snyder en gros sur la fiche depuis plus de 3 ans. T'as acheté. Bah, va pas te plaindre. Non, mais surtout, si t'aimes pas un truc, tu l'achètes pas. Non, mais surtout qu'on vient me parler de montage, comme je dis, donc de pareil, comment dire, il y en a qui parlent de cinéma de façon élaborée, en parlant vraiment technique cinéma, tout ça. Moi, je veux bien qu'il y ait des mecs, c'est leur passion. Mais tu peux pas me dire concrètement le film de Snyder techniquement, nanana, nanana, et après venir tailler des pipes au miel au film de Marvel. Parce que si le film de Snyder il est mauvais, les films de Marvel ils sont 100 fois en dessous, quoi. Donc à un moment donné, t'es pas compatible. Viens me dire, ouais, ok, tu sors moi un film d'auteur de merde que personne n'a jamais vu, qui est un film qui vient d'Azerbaïdjan ou quoi. Viens me faire genre, t'es un expert, ok. Mais après, nique pas ton truc en me disant, ah ouais, comment c'était quoi? Iron Man 3 ou Thor 2, c'était génial. À un moment donné, faut être cohérent dans le développement, quoi. Et il y en a plein des mecs qui font ça, quoi. Pardon? Le bashing qui a eu lieu là récemment, c'était limite de la commande. Je veux dire, tous les critiques se sont mis au diapason, tous ensemble, ils ont dit mais exactement les mêmes trucs en plus. Limite, j'ai l'impression que c'était Marvel, c'était Disney qui avait acheté tous les critiques pour dire bon, cette fois-ci, vous me défoncez le film de la Warner cette semaine. C'était trop ça. Et à chaque fois, les mecs, ils reprenaient les mêmes excuses les uns les autres. Ouais, c'est pas assez drôle. C'est pas marrant, ouais. C'était moins drôle que les Gardiens de la Galaxie, mec. Enfin, je sais pas. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui tiennent pas la route. C'est critiquer le film pour le critiquer. C'est le genre de critique que tu peux faire même sans avoir lu le film. Bah ouais, c'était pourri parce que c'était Snyder et c'était pourri parce que c'était pas du Marvel. Bah ouais, ça s'appelle Batman v Superman et c'est réalisé par Snyder. À quoi tu t'attendais? Je sais pas. Non, mais comme tu l'as dit, hein, toi, tu as fait deux lectures. En fait. Enfin, t'as fait une première lecture dans laquelle t'as été, je vais pas dire très déçu, mais t'as quand même été déçu globalement. On est d'accord. Je savais vraiment pas en quoi penser. Ouais, à la fin de la première séance, il y avait des trucs qui m'avaient hypé, mais ça, du coup, je m'y attendais parce que je m'attendais à ce que le film colle parfaitement à mes attentes. Et du coup, forcément, tous les points qui collaient pas à mes attentes, pour moi, j'étais déçu. Voilà, c'est ça. Après, c'est sûr, tu vas voir un film, t'as vu la bande-annonce, pour peu que tu sois fan de cet univers, ça fait 3 ans que tu vois ça, tu fais allez, vivement que ce soit demain, et puis voilà, c'est le jour J, tu vas le voir. Tu vas voir ce film, tu vas trouver des points noirs parce que t'étais trop hypé. Mais après, c'est sûr, c'est un film qui a forcément des points noirs. Un film ne peut pas être parfait non plus. Comme on le disait, il y a des défauts de montage qui sont clairs. C'est pas tout le monde peut les voir. Mais après, c'est sûr que ça, c'est comme Man of Steel. La première fois que je l'ai vu, j'ai adoré, j'ai kiffé. Je l'ai vu 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et après, voilà, j'ai pris le DVD de Blu-ray. Et forcément, à chaque fois que je le revois, bah, je vois des défauts, je vois des scènes qui ne m'avaient pas plu, et au final, ça me plaît. Voilà, comme je disais, moi, il m'a fallu carrément une semaine pour digérer Batman des Superman, et essayer d'avoir une critique qui soit à la fois pas totalement négative et pas totalement positive. Donc une critique qui soit construite. Lui trouver des points noirs, mais aussi lui trouver des points positifs, en fait. Non, mais je pense que c'est la com de la Warner qui était pas bonne. Parce que pourquoi aussi j'ai été quand même déçu. Enfin, je sais pas trop quoi penser du film en sortant la première fois. Parce qu'il y avait quand même 13 minutes de film au total, si tu additionnais tous les trailers, 13 minutes de film qui avaient été leakés, quoi, qui avaient été diffusés. Donc, en fait, tous les trucs qui te hypaient à mort, tu les retrouves dans le film. Je dis, bah oui, bon, bah ça, je l'ai vu dans la bande-annonce. Donc, sers-moi autre chose. Et j'ai dit, ah ouais, il n'y a pas autre chose. Alors, du coup, à ce moment-là, commence que la liste des choses que tu apprécies le moins. Donc, la deuxième fois, c'est sûr que quand j'y suis retourné, j'ai vu le film pour ce qu'il était et j'ai passé un super bon moment. Et là, le film m'a paru vraiment bien. Et après, la première fois, c'est sûr que bon, tu étais un petit peu dégoûté de ne pas en voir plus que ce que tu avais vu dans les bandes annonces. Après, le film était très, très, très attendu. Donc, ça peut être normal qu'après, il y ait des... Ben, meilleur démarrage, là, le film est déjà remboursé deux fois, donc là, chez Warner, c'est le champagne à péter, quoi. Il est remboursé deux fois, j'ai vu qu'il était à 500 millions, là. Ouais, ben c'est ça, 250 millions de budget, donc là, en fait, il est déjà remboursé, et puis une deuxième fois. Non, je crois pas, parce qu'avec la com et tout, je crois, il disait que ça montait à 400 ou 500 millions, et à partir... La com, elle est pas prise dans le budget box-office. Réalisation, ouais, puis c'est pareil, on sait que le film est un des blockbusters de l'année, c'est incontestable, il va être rentable. Enfin, pour moi, je vais suivre les chiffres après, parce qu'apparemment, à partir d'un milliard, c'est un succès, mais en dessous, c'est pas encore... Non, c'est un succès quand même. Ouais. C'est le problème, c'est que Man of Steel a passé un milliard et que les films Marvel font un milliard. Les Gardiens de la Galaxie, je sais même plus combien ils ont fait au total. C'est vraiment limite indécent. Et du coup, ils se basent trop sur les films Marvel pour savoir si c'est un succès ou pas. Les critiques ou les mecs qui bossent comme ça pour les box-office. Il fera un milliard, c'est pas le souci. Mais c'est pas parce qu'il fait un milliard que c'est un bon film. Ouais, non, ça c'est clair. C'était plutôt un bon film et il a pas fait le milliard en salle. Vince, ton avis un peu? Ouais. Ouais, non, moi j'ai fait la review donc c'est bon, je vais pas étoffer plus que ça. Tu peux aller lire la review sur Flashpoint, le blog. Le bâtard. Voilà. Spectra, non, toi t'as rien branlé, vas-y. Alors globalement quand je vais voir ce genre de film en général je débranche mon cerveau et voilà, c'est pour ça que souvent j'apprécie les films de super-héros et tout, je repère pas les défauts tout de suite. Là t'as dû le brancher donc t'étais pas préparé, c'est ça? Non, je l'ai pas branché, disons que ça m'a, il y a certains trucs qui m'ont un peu sauté à la gueule quoi. J'ai pas détesté le film hein, objectivement je l'ai trouvé plutôt correct. Par contre, il y a des trucs qui m'ont vraiment gêné quoi. Alors Batman, la caractérisation, tout ça, pour moi il n'y avait pas de souci. C'est une version ciné, ça n'a rien à voir avec les comics, donc qui bute ou qui bute pas, ça me dérange pas. Par contre, j'ai trouvé que le combat entre Superman et Batman était quand même mal amené, les raisons étaient un peu poussives, je trouvais ça pas hyper réfléchi. Ensuite, il y a des trucs que j'ai vraiment trouvé, mais alors vraiment con quoi. Je vais spoiler là pour le coup, mais la mort de Superman, j'ai vraiment trouvé ça débile quoi. Ça m'a, C'est le comics. Ça. Oui, mais. Ouais, mais ça n'avait rien à faire dans le film Batman Superman. Mais et alors? Bah ouais, si. Si, ça t'amène Doomsday, tu tues Superman, tu Dan Jurgens dans ton générique de fin. Pour moi, tout se tient. Hein. Voilà, et puis il faut aussi se dire que là c'est un, enfin tout comme l'a été Man of Steel, c'est un film qui est censé quand même ancrer un personnage de comics dans la réalité. Et pour moi là, enfin dans la réalité même fantastique hein. Et là pour moi donc un Batman entre guillemets qui tue, un Superman qui meurt après avoir affronté Doomsday, enfin c'est logique quoi, c'est... Bah, après Spectra, je suppose que t'as remarqué quand même tout le long du film, c'était overmontré, tu vois, c'est, même des fois c'était peut-être un petit peu lourd, mais Superman c'est un personnage ultra biblique, on te le décrit comme le nouveau messie, etc. Donc à la fin il faut qu'il meure pour ressusciter trois jours plus tard, tu vois. Oui. Il faut qu'il meure pour nos péchés, tu vois. Bah, il faut qu'il sacrifie pour les péchés des hommes. Mais... Repends-toi, mais... mon fils. Vas-y Thomas, qu'est-ce que tu... Spectra, vas-y. Mais... Il aurait pu tout bêtement. Après, c'est un truc pratico-pratique, hein, mais sa lance de kryptonite, pourquoi ne pas la passer à Wonder Woman, par exemple, qui n'est peut-être Parce pas que la sensible lance, au parce que truc c'est, ou... parce qu'en fait, Quelqu'un t'as un peut tuer. parallélisme entre la lance de kryptonite et la lance de Longinus qui a percé le corps du Christ. Oh Ah, putain, ah, cherche pas, moi, t'es parti tout loin le long là. du film. Ah, Mais c'est mec, chaud quand ouais, mais même. y a totalement. Je Je te lirai mes notes si tu veux tout à l'heure. Mais Superman, pour moi, c'est une image biblique, c'est une figure christique. Tout le long du film, on te le montre avec des positions en croix, etc. À un moment, t'as un mec qui écrit faux Dieu sur son plastron. Il a quand même, il a exactement la même posture que Atlas quand il porte la navette spatiale. Tu sais, en portant un genou à terre, etc. Il a la même pose que Atlas portant la terre. Quand il sauve les personnes sur leur toit avec le halo de lumière derrière lui, enfin voilà. Alors, mais ça c'était limite du Watchmen, tu vois. Quand ils sauvent les personnes sur le toit, ils tendent la main vers eux. M'attendais. En fait, j'ai tendu la bouche vers mon pote et je lui ai susurré, tu sais, ce que dit Rorschach dans Watchmen, quoi. Et toutes les putes et les politiciens lèveront leur tête et crieront "Sauvez-nous." Et dans un murmure, je répondrai "Non." Oh putain, on l'a perdu là, mec. Maria. Et oui, mais c'est trop ça. Je veux dire, le mec, il regarde en dessous et il sait pas s'il doit agir ou pas. Et la lance de Kryptonite, pour moi, c'est la lance de Longinus dans la Bible. À la fin, la position qu'ils ont tous avec Lois Lane qui tient le corps de Clark dans les bras et d'un côté Batman, de l'autre Wonder Woman, pour moi, c'est la Pietà de Michel-Ange, tu vois. C'est la Vierge Marie qui tient le corps du Christ. Oui, non, mais La après, mort, la résurrection de Superman, je veux dire, pour moi, tout ça se tient. Après, Zack Snyder, il est connu pour être ultra catho au dernier degré, peut-être même un petit peu trop des fois. Non, mais oui, enfin, c'était pas mal d'onanisme intellectuel pour pas grand-chose, j'ai trouvé, quoi. Je trouvais que finalement, ça servait peu le propos du film, mais c'était assez con. En plus d'être lourd, de faire des références bibliques, mythologiques, je trouvais ça. Le J'ai problème. surtout trouvé ça complètement crétin, quoi. Après, oui, peu importe les références, c'est très référencé, mais il n'empêche que moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça putain super con, quoi. Qui crève comme ça. Surtout que dans le fond, le fan de base, il s'en bat les couilles des références bibliques. Moi, Jésus et tout, je les encule, je m'en fous total, tu vois. Dire, moi, Ouais, toutes les références mais historiques, oh le non, mec. non, c'est important. Mets-toi à leur place. Mets-toi dans un monde où Superman vient vraiment d'arriver. Je pense que ça change un petit peu Je suis d'accord avec le Maria centre quand de ton même. Ouais. univers. Ça change Bah, carrément le centre de tu peux le l'univers. faire de manière moins relou et un poil plus pertinente, quoi. Mais si toi, par exemple, moi, je suis purement athée. Demain, il y a un mec genre Superman qui arrive. Tu vois, je vais peut-être me remettre un petit peu en question et peut-être me mettre à prier, puisque je sais qu'il y a un mec à l'autre côté de la planète qui peut m'entendre et exaucer mon souhait, Ah tu là, vois. franchement, je pense comme Marie, hein, moi. Je suis totalement athée, mais je suis comme lui, quoi. Mais écoute, je vais te dire, le débat télévisuel que tu vois là avec Superman, enfin où il parle de Superman en disant est-ce que c'est un messie, est-ce que ça ne l'est pas, où tu vois faire des trucs de ouf, ça t'a pas carrément fait penser à Watchmen avec le docteur Manhattan, tout le débat télévisuel, et puis où il disait Dieu existe et il est américain. Alors, moi, Ouais, personnellement, étant anti-théiste, je serais du côté de Batman, donc je trouve je vous laisse ça parler. vachement mieux foutu dans Watchmen, quoi, mais. Voilà, ben en fait, c'est le truc qui me déçoit un petit peu dans ce film-là, c'est que il y a des très bons trucs, mais il les a tellement mieux exploités dans Watchmen, Zack Snyder, que là, ça fait un petit peu réchauffer, du coup, ça atteint moins facilement le public. Mais sinon, l'imagerie est là, tout est là. Et j'ai trouvé ça. Alors, c'est peut-être un petit peu lourd, vraiment, à force, parce que Zack Snyder, bah, il est connu pour être voilà, ultra catho, ultra droite, aux limites du fascisme, tu vois. Mais après, c'est son style. Alors après, on aime, on n'aime pas, mais on peut pas critiquer ça. Tu vois, c'est comme Bah, quand. si, si, si, si, quand ça dessert le propos du film, je suis désolé, bah, sinon on peut rien critiquer, quoi. Là, pour moi, à ce moment-là, moi, ça m'a pourri le film, quoi. Parce que finalement, même si les références sont très bien trouvées et compagnie, je trouve qu'elles sont très mal exécutées. En fait, je résumerai, enfin, le film, pour moi, c'était vraiment plein de bonnes idées, mais un ensemble qui était très mal exécuté et très mal monté, quoi. Bah, c'est vrai que, comme je te dis, le côté christique, c'est trop lourd, mais peut-être parce que Lex Luthor en fait beaucoup trop aussi là-dessus. C'est avec tout le côté du tableau et tout qui retourne et tout à la fin, c'est peut-être pas assez subtil en fait. C'est beaucoup montré, mais c'est peut-être pas assez subtil. Oui, clairement, ça, voilà, c'est un des reproches que j'ai à faire au film, c'est que c'était absolument pas subtil. Alors, quand tu veux utiliser, excusez-moi, quand tu veux utiliser des références comme ça, historiques, bibliques et compagnie, j'ai rien contre ça. Au contraire, je trouve que ça, c'est plutôt bien foutu et c'était pas trop mal exécuté dans Man of Steel. Mais là, non, là, j'ai trouvé que c'était mal utilisé en fait. Spectra, Bah, tu vois. il a aimé Convergence, hein. Juste pour prévenir les auditeurs. Si vous n'êtes pas Attends. d'accord avec lui, c'est normal, hein. Non, non, mais J'ai pas été tout convergence quand même. tu vois, par exemple, le coup de la lance de Longinus ou de la Pietà, je suis sûr que je suis quasiment le seul de la salle à l'avoir repéré, mais parce que justement, c'était amené de façon subtile, et après, le décrypte ceux qui ont le pouvoir de le décrypter. Mais Mais bon. quand c'est un petit peu trop lourd ou que Luthor, il te répète plusieurs fois, les démons viennent du ciel, etc., Dieu ceci, Dieu cela, c'est vrai qu'il en fait peut-être un petit peu trop. Mais moi, j'ai pas trouvé ça lourd, hein. Moi, j'ai trouvé ça nickel. Oui, si un jour Superman il arrivait, qu'il parle autant de Dieu, qu'il le traite comme un dieu et tout, ouais, moi, pour moi, ça m'a semblé Après, ce qui m'a carrément logique en fait. ce qui m'a cassé les couilles vraiment, c'est le côté Zack Snyder qui nous ressort encore une fois le World Trade Center, tu vois. Parce que Zack Snyder, il est connu pour être ultra antiterroriste, machin, l'Amérique est grande, l'Amérique est la meilleure nation du monde, ceci, cela. Et dès le début du film, en fait, toute la période où tu as Ben Affleck qui se balade dans les rues de Metropolis pour aller au bâtiment de Wayne Enterprise, tout ça, bah, c'est carrément, mais c'est. C'est carrément l'imagerie du World Trade Center, tu vois. Il faut qu'il te rebalance ça encore dans son film. C'est vraiment le. Mais c'était bien, limite, dans un sens, parce que ça arrivait dès le début du film et après on n'en parlait plus. Mais encore une fois, il faut que ça s'impose, le spectre comme ça du terrorisme et des bâtiments qui s'effondrent. C'est Après, ouais, chiant. ils sont. Après, moi, le coup de la lance, ouais, ils se sacrifient, ça m'a pas choqué plus que ça. Après, ils disaient que pour la suite, ils veulent que ce soit Batman qui monte lui-même la Justice League. Donc, en ayant Superman dans le coin, ça l'aurait un peu desservi. Donc, moi, ça m'a pas choqué qu'ils se sacrifient avec la lance, hein. Après, bon, je suis pas compliqué aussi, hein, pour. Ça, c'était bien Ouais, amené je sais parce que. pas. Vas-y, Moi, non, j'ai vas-y, trouvé que fais-toi. c'était dommage que Superman n'était pas encore assez. Justement, il n'y a eu que Man of Steel et qui trépasse comme ça dans ce film-là. Enfin, voilà, je trouve ça un peu moyen, mais. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au final, on te le décrit comme un espèce de Christ tout le film, alors que le Christ, en fait, il est irréprochable, il est immaculé. Jamais il est remis en question, le Christ. En vrai. Alors que Superman, tout le film, tu le vois trébucher, boiter, t'as quand même sa mère qui lui dit soit tout ce qu'il demande ou ne soit rien du tout, tu leur dois rien, tu vois. Enfin, il est pas remis en question, mais s'il réapparaît maintenant avec les réseaux sociaux, il risque de prendre cher quand même, hein. Il dit ouais, ce symbole, ouais, il était important dans mon monde, mais mon monde n'existe plus. Tu vois que finalement, tu sais, tout le film, tu sais pas s'il penche plus du côté du docteur Manhattan ou finalement il va péter un plomb dans sa grandeur et puis il va se barrer ou si au final il va assumer son côté messiahique, son côté christique comme ça. Donc c'est aussi intéressant de voir ce qu'aurait pu faire le Christ s'il avait refusé l'héritage de son père, tu vois, ou des choses comme ça. Intéressant. Fug life, quoi. Ah, vous êtes parti C'est ça. loin quand même, hein. Mais franchement, c'était intéressant. Ouais, bah je sais pas, et puis le Lex Luthor aussi est quand même vachement bien tout le film. Ouais, moi j'ai kiffé Alors, aussi Lex Luthor. Ouais. Après, il a des cheveux, il y en a, ça les a choqués à vie, mais bon, en vrai, on s'en bat les couilles. Ouais, sinon, ouais, c'est un Lex un peu plus jeune, en mode ouais, un peu schizo sur les côtés, sur les bords, mais moi j'ai trouvé bien aussi. Hein. Il y a est aucun. injouable. Le seul que j'ai pas trop aimé, c'est Alfred, je l'ai pas trouvé. Jeremy Irons, oh putain, il est trop bon dans le film. Moi, j'ai préféré le Alfred de la trilogie d'avant. Je l'ai pas trouvé extraordinaire. Il m'a pas fait sourire ni rien. Je l'ai pas, je sais pas. Michael Caine dans la trilogie de Nolan, il fait trop papa. Il fait trop papa Il fait pour trop nounours, alors que Jeremy Irons, il fait vraiment le mec qui s'en est mangé, tu vois. moi. Il Ouais, fait mais vraiment le mec qui s'en est pris dans la gueule. je préférais les répliques de l'ancien, moi, tu vois. Je crois qu'il avait des répliques plus mordantes. L'autre, Là, il est lui, vraiment là, en c'est. Ben. Forever! Pardon? Celui dans Batman Forever, tu préférais lui? Non, non, dans Dark Non, dans la Knight Rises, trilogie de la Nolan. trilogie de Nolan. J'aimais bien, il avait des bonnes répliques. Mais là, Non, le. il faisait vraiment trop gentil, il faisait vraiment Oncle Ben, genre grand pouvoir explique de grandes responsabilités, ceci, cela, t'en as à te foutre. Ouais, je sais pas. Lui, c'est J'ai vraiment préféré. le Alfred aigri, celui qui croit plus au fait que Batman trouvera un jour le bonheur, qu'il n'aura pas de descendance, qu'il va se noyer dans l'alcool. Et entre guillemets, l'un des avantages avec. Bon, après, je sais pas, on verra aussi dans la version longue, mais. pas une, enfin, dites-moi si je me trompe, mais pas une fois on le voit en tant que majordome. On le voit à chaque fois en tant qu'assistant de Batman. Il est le mécanicien, il est l'informaticien, enfin, pas l'informaticien, mais celui qui va reprendre la Batwing en drone. Enfin, pas une fois on le voit en tant que majordome. Il apporte du thé quand même à un moment donné. Ah oui, il vient boire un thé et il se fait servir. Alors là, les gars, je ne me rappelle plus. Bon, bref, tout ça pour revenir à Lex Luthor. Alfred, j'avais bien aimé. Lex Luthor, j'ai pas aimé, mais c'était pas tellement le personnage. C'est plus Jesse Eisenberg, plus je vois de films avec lui et plus je vois le même personnage à chaque fois. Donc. Bah, en même temps, il était là pour ça. Jesse Eisenberg était là pour faire son Eisenberg. Mais j'ai trouvé que c'était. Alors autant, tu vois, par exemple, le tome Luthor qui est sorti ce mois-ci là par Bermero, il était génial, où tu vois le Lex Luthor tel qu'on connaît habituellement. Mais là, le fait de justement d'avoir un Lex Luthor plutôt instable et fou, vraiment vraiment fou, pas juste machiavélique qui est intelligent, le mec qui a vraiment pété un plomb. J'ai trouvé ça intéressant. Et bon, je pense, après, c'est peut-être moi qui fais des suppositions comme ça, mais je pense qu'il y aura des scènes coupées où on verra un peu plus Lex Luthor, par exemple, peut-être en contact avec Darkseid ou avec un de ses messagers, parce que je pense que c'est Darkseid en fait qui a rendu Lex Luthor fou. Il y a une scène coupée déjà qui est sortie, là, qu'on a vue. Là. C'est la scène coupée avec Steppenwolf, hein, à mon avis. Ouais. C'est... Enfin, je sais pas à quel moment elle va se montrer dans le film. Je l'ai pas vu cette scène coupée. Hein. D'accord. Ben voilà, bah, tu es spoilé, tu peux aller voir comme le. Tu n'as pas vu cette scène le trailer de Lego Batman en début d'émission, tu peux aller. J'ai pas vu. Ouais, tu tapes. Ça dure quoi, 30 secondes, une minute? Ouais, non, c'est. Ouais, 40 secondes, un truc comme ça. Ouais. Bah, va voir, tu vas la trouver, mais rien sur internet. Une scène coupée, ben. C'est cool, hein? Hein? Vas-y, spoil-moi, c'est pas grave. C'est bah, il y a des mecs qui arrivent armés, je crois, et t'as Steppenwolf ou ce qui ressemble, et avec Luthor au milieu. Et du coup, ça renvoie à la scène à la fin où il dit ding ding ding, il arrive, je sais pas quoi. Ouais, voilà, bah, tu vois, je pense que c'était le Luthor qu'on connaissait avant le film, et que le fait que Darkseid lui impose de tuer Superman et Batman pour arriver à se débarrasser des deux pour qu'ils puissent envahir la Terre, ça explique tout le film. Mais encore une fois, tu vois, si on n'est pas fan de comics, si on lit pas tout ça, si on n'a pas toute la connaissance de l'univers DC, c'est vrai qu'il faut comprendre aussi que le grand public n'aime pas forcément le film. Ben voilà, c'est peut-être un petit peu trop crypto en fait pour. Après moi je peux comprendre, mais faut qu'on me donne les bons arguments quoi. Voilà, si les arguments comme on disait tout à l'heure, c'est il y a pas assez de baston ou c'est pas assez marrant, ça c'est des non, arguments. Non, de merde. C'est pas des voilà. arguments. Voilà. Mais c'est pareil. Regarde, moi ma chérie, quand on est allé voir le film hier, il a fallu que je lui explique tout le côté, tout le. Elle a dit mais c'est quoi ces espèces d'insectes avec des ailes là, qui volent et tout. Il a fallu que je lui explique ce que c'était des paradémons, pourquoi l'oméga dans le désert. Pourquoi Superman il en vient à tuer Batman dans ce truc là, pourquoi Flash il apparaît dans un espèce de boom tube, enfin, ou de tunnel spatio-temporel pour essayer de prévenir Batman, tu vois, tout ça c'est des trucs, mais il faut limite la version Director's Cut pour pouvoir comprendre. Ouais, c'est sûr. C'est dommage. Et on va parler de Wonder Woman avant de clore le débat parce que ça fait un moment qu'on en parle là du film. Ouais, Wonder Woman, comment vous l'avez trouvé? Plutôt pas mal. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Wonder qui? Ah, un qui a pas aimé. Bah, le problème, c'est que Wonder Woman, en fait, tout le film, elle est présente et elle fait rien. Et à la fin, à la seule fois où elle est utile, tu la vois pas. Parce que quand même, mine de rien, pendant que Batman est en train de planquer ses miches parce qu'il comprend que c'est qu'un simple humain, et Superman qui va sauver son autre gueuse parce qu'elle se fout tout le temps dans la merde, bah, qui est-ce qui se tape Doomsday, en fait? C'est Wonder Woman, voilà. On la voit. On la voit quand même pas mal, quand même. Tu la vois tout le temps, alors qu'elle est en robe de soirée avec des décolletés jusqu'au nombril. Mais justement, moi, je trouvais ça intéressant. Alors, on la voit sous l'identité de Diana Prince. Donc, on voit qu'elle a une société, qu'elle est quand même bien, comment dirais-je, qu'elle fait partie de la haute société. Et ça montre justement qu'elle est là depuis un moment, qu'elle a su s'installer sans trop se montrer. Et le fait qu'elle arrive juste à la fin pour foutre sur la gueule à Doomsday, montrer que c'est l'Amazon combattante, enfin, que c'est juste son rôle, quoi. C'est juste celle qui va aller combattre Doomsday. Je trouvais ça super bien. Je vais pas épiloguer sur le personnage parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Honnêtement, elle est passée presque inaperçue pour moi dans le film. Quoi. Tu viens de m'ôter les mots de la bouche. C'est le défaut qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas assez présente. Alors, on la voit justement discrète, tranquille, juste arrivée à la soirée de Luthor, aller dans le musée, je ne sais plus quoi, avec Batman. C'est tout. On voit juste ça. On sait qu'elle est là. et on la voit à la fin sous l'identité de Wonder Woman pour se fighter. C'est tout. Et moi, je trouve que ça suffit en fait. Ça pas permet qu'elle a le thème musical le plus pourri de la planète quand même. Comment? Tu trouves pas qu'elle a le thème musical le plus pourri de la planète? Ouais, le truc guitare un peu métal quand elle oh, apparaît. Ouais. De la merde. Je l'ai plus en tête, mais ouais, il y avait mieux à faire. Enfin, il y avait plus, je vais pas dire plus exotique à faire. Plus épique, ouais. Plus épique, ouais. Voilà. Mais après, moi, sinon, honnêtement, je suis le genre de mec à écouter beaucoup de musique de film. Tu vois, le thème de Lex Luthor, tu sens toute la grandeur et la décadence du personnage dans le thème. Le thème de Superman quand il se sacrifie pour aller buter Doomsday, c'est pareil. Tu sens le putain de truc épique. Tu vois, ils ont quasiment tous des super thèmes. Et t'as Wonder Woman. Tu comprends que c'est carrément pas le perso du film parce que même jusque dans la BO, même jusque dans les musiques du film, elle est pourrie, tu vois. Mais après, elle est pas souvent là, mais bon, en même temps, c'est pas son film. Ils installent tout le reste à la place. Elle arrive au dernier moment pour la grosse baston, ça suffit, quoi. Ça donne envie de voir son film quand il sortira l'année prochaine. Ouais, mais moi, je trouve que justement, c'est il aurait bien fallu dosé. qu'on la montre un peu plus dans le combat à la fin Ouais, mais et un justement, petit peu moins tout au long du film. comme il dit Vivien, tu sais qu'elle est là depuis un moment, mais voilà, ils t'en disent pas plus, quoi. Après, t'en sauras plus quand. Moi, je trouve que sa présence, elle est bien. Comment dire? Bien amené. Bien amenée, bien équilibrée. On la voit pas trop, juste pour la dernière bataille. Et même lors de la dernière bataille, tu vois, alors Bruce Wayne connaît Diana Prince, sait que c'est elle Wonder Woman, mais putain, il sait pas si le personnage de Wonder Woman est avec, connaissait déjà Superman, ou alors si elle vient aussi comme ça juste parce qu'elle a vu, tiens, je peux casser la gueule à un monstre, quoi. C'est ça, donc. Il sait qu'elle est là, mais il sait pas pourquoi. Et justement, ça amène le film de l'année prochaine. C'est prometteur. Honnêtement, ouais, je suis désolé, hein, mais j'ai rien à dire sur Wonder Woman parce que peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Tu vois. Bon. C'est vraiment autant Lex Luthor, je trouve qu'il a vraiment des. Alors que ça soit Batman, Superman ou Lex Luthor, les trois personnages masculins principaux du film. Ils ont tous leur grand moment, tous des putains de répliques ou de punchlines. Wonder Woman, elle a quasiment pas de dialogue. Le peu qu'elle sort, c'est pas des punchlines, il n'y a rien de marquant, il n'y a rien de transcendant. Je sais pas, Ouais, mais elle est pas là. c'est alors certes, elle a été maintes fois montrée dans. Bah, regarde par exemple juste la bande-annonce. Enfin, je sais plus si c'était la première, deuxième, enfin dans les 13 minutes. Tu regardes la bande-annonce, t'as le combat Batman-Superman, et puis à un moment, tu vois Doomsday arriver, et puis là, tu vois Wonder Woman. Et c'est tout, tu la vois juste avec son bouclier résister au rayon de Doomsday. Tu vois juste ça. Et c'est exactement comme dans le film. Donc, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise quant au fait que Wonder Woman ne soit pas aussi présente. C'est pas son film. Même à la fin, elle est là, elle voit le corps de Superman. Elle regarde. Limite, elle regarde même pas son corps. Elle est à côté, elle sait qu'il est mort. Et c'est tout. Et puis limite, elle se barre comme ça. Non, mais je sais, mais c'est sans surprise pour moi. Je m'attendais à rien de la part de Wonder Woman et là-dessus, je suis pas déçu. Je suis même servi. Elle n'est pas là. Donc, alors, je suis pas surpris, hein. On va. Après, Ouais. je sais pas pour vous, je sais pas, vous avez pas une citation ou deux trois punchlines que vous avez retenu du film quand même, qui était bien badass, que vous avez bien aimé, des moments en particulier ou... Non. Moi, ouais, à un moment donné, quand le Batman il dit à Luthor par talkie-walkie, ce que tu vas prendre ou ce que je vais te mettre, un truc comme ça m'a fait rire. Ouais, tu vas connaître la douleur. Un truc comme ça c'était cool. Ouais, Après, non, je. Sinon, des punchlines, non. Non, j'en ai Ah, pas. le second this de Lex Luthor, quand même, quand t'as le secrétaire d'État là qui vient et qui dit, bon, vous avez besoin de quoi? Et il fait monter la pression comme ça, et à la fin, il lui tend le bonbon comme s'il avait ouvert sa braguette, et il dit ça Ah. comme. Ah, putain, je m'en rappelle plus. Ah, tu t'en souviens? Mais si, il dit, vous C'est avez quand besoin tu. de quoi? Bon, l'accès au vaisseau extraterrestre, ok? Ouais. Bon, le corps de l'extraterrestre, Ah, les Zod, c'est ça? Et il dit à la et en fait l'autre il comprend que l'autre il est en train de lui mettre la pression psychologique et à la fin il tend le bonbon et il suck on this. ouais, mais justement, tu vois, là, par exemple, juste pour analyser la scène, enfin, c'est exactement ça, quoi. Là, Luthor est vraiment en train de lui tapoter ce que je pense sur la joue, quoi. Mais c'est pareil pour Superman à la fin, hein, quand il lui balance les photos de Martha là, en haut Ah oui. du building de LexCorp, j'ai l'impression qu'il balançait des billets à sa pute, quoi. Ah, C'était trop ça, les quoi. deux scènes sont hyper sexualisées, quoi. Enfin, C'était vraiment ça, c'était vas-y, allez, tiens, prends. Il balance les billets comme ça, tu vois. Ah mais oui, c'est exactement ça. C'est, oui, c'est les billets à sa... À sa dame de joie. Ah, c'est pour ça que pour moi, ça restera quand même un grand Lex Luthor, même si c'était pas du tout le côté... stratège. Le côté froid et stratège de Gene Hackman, tu vois. Mais il a quand même des grands moments, et même jusque dans sa folie, quand même, il y a quand même des trucs intéressants. Ouais, et c'est pour ça, moi, j'avais pas aimé justement le côté fou de Luthor, enfin que Heisenberg avait mis, mais justement c'est après quand j'ai vu la scène, j'allais dire la scène post générique, mais non, la scène, l'extra scène donc qui a été diffusée dernièrement, c'est là que je me suis dit mais ouais c'est logique qu'il soit fou en fait, enfin aussi bien le personnage déjà en lui-même c'est logique qu'il soit fou, enfin qui pète un petit peu les plombs, mais de voir l'arrivée enfin de Darkseid, de Steppenwolf, etc. Je me suis dit, bah ouais, en fait, il s'est entre guillemets fait un petit peu laver le cerveau, et c'est tout, quoi. On va conclure les questions. Désolé d'avoir pris un petit peu de temps, hein, Wally. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Ouais, il n'y a pas de souci. Moi, franchement, ouais. C'est un plaisir. Hein. Franchement, c'est cool. On va conclure ça. Donc, on va recommencer par Thomas. Donc, vas-y, globalement, Thomas, qu'est-ce que t'en as pensé en faisant court? Un film coréen, comme je l'avais dit sur Facebook, qui méritait un patch Day One à la sortie. Okay. Vivien. Ah non, plus sérieusement, un film moyen, mais qui me désespère pas pour la suite. Vivien. Ouais, ben un petit peu pareil, un film qui m'a, enfin ou comme je l'ai pu le dire plus d'une fois, un film que j'ai eu où j'ai eu besoin de le digérer en fait. Je vais sûrement aller le voir une deuxième, voire une troisième fois, et je pense c'est un film qui a ses qualités. Mais qui a aussi ses défauts. Et c'est des défauts qu'on retrouve dans tous les films de Snyder, donc il n'y a pas de surprise. Enfin, pas de surprise. J'y suis allé le voir avec beaucoup d'attente. J'ai été déçu, c'est normal. Et en même temps, voilà, comme le disait Marien tout à l'heure, c'est comme un camembert, quoi. Tu sais ce que tu vas prendre à la fin, quoi. Donc voilà. Donc ça reste un film à aller voir, à aller faire son propre avis dessus. Et puis voilà, quoi. Faut pas le bâcher et faut pas non plus le porter au liqueur, quoi. Enfin, faut pas, c'est pas un bon film, c'est pas un mauvais film, et pourtant c'est un régal quand même. Vinch, c'est un bon film mais qui souffre d'un mauvais montage pour moi, donc quelques défauts, mais ça reste un bon film. Ok, Marien. Bah, c'est pareil, hein. Je trouve que c'est un bon film qui mérite quand même plusieurs visionnages pour prendre en compte en fait toutes les petites subtilités, tous les petits trucs cachés, cryptés, qui se dissimulent un petit peu partout. Comme je disais, par exemple, tu vois, le coup de la lance de Longinus tout à l'heure, tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui donnent en fait un petit peu de cachet, un petit peu de poésie au film. Et bien prendre en compte aussi hein, que ce film n'est là que pour lancer en fait un univers partagé. Donc ça peut paraître un petit peu brouillon, un petit peu mal amené, mais comme toute nouvelle série qui se lance, par exemple, si on lisait l'issue numéro 1 de telle nouvelle série, bah, y a des trucs qui n'auraient pas forcément de fin ou beaucoup de choses qui s'ouvrent en même temps, beaucoup d'arcs qui s'ouvrent aussi en même temps. Mais ça appelle à une suite, en fait. Et je pense que quand on aura beaucoup plus de films dans cet univers partagé et qu'on regardera à nouveau Batman et Superman, on lui trouvera plus de sens, d'intérêt et sûrement une meilleure note aussi. Bah, moi, je vais être plus court que vous. Ouais. Dans l'ensemble, j'ai bien kiffé. Il n'y a rien qui m'a fait vraiment sortir du film. Ouais, j'ai rien à dire de particulier. S'il y a un personnage que j'ai pas aimé, tout à l'heure j'avais dit Alfred, mais en fait le seul personnage qui m'a vraiment cassé les couilles, c'est Lois Lane, toujours à se foutre dans la merde au bon moment. Sinon à part ça, non, voilà, j'ai trouvé que c'était un bon film. Pareil, je vais retourner le voir une deuxième fois. Je l'ai vu une première fois en 3D, c'est vraiment dégueulasse la 3D, j'avais jamais fait avant. Donc je vais essayer de le retaper en VF si je le trouve, ou encore mieux en VO, parce que je l'avais vu en VF. Donc voilà, moi pareil, je vous conseille à tous de le voir, n'écoutez pas toutes les critiques de merde, voilà. Pissez-leur à la gueule et faites-vous votre propre avis. Voilà, bon ben on va passer donc à la suite du programme sur ce très long podcast. Donc on va passer donc au Review Comics VF avec Batman The Dark Knight 3, avec toi Vinch. Ouais. Donc c'est sorti chez Urban donc le mois passé, début du mois, c'est donc la suite de The Dark Knight Strike Again, qui était à chier et donc du très connu que tu n'as pas aimé. Non, personne n'a aimé. Et du très Moi, bon j'ai aimé, bah, moi. Dark Knight Returns. Donc, c'est toujours par Frank Miller. Cette fois-ci, il est aidé de Azzarello. Et nous avons dessin Kubert, Miller et Johnson. Donc, dans l'ensemble, malgré. On va parler de l'histoire. L'histoire, c'est pas mal. Ce Miller et Azzarello, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot sur ces deux premiers arcs. Les dessins, Kubert, il travaille bien, je trouve. C'est assez joli. Ça reste quand même dans la. Il a gardé la patte graphique de Miller qu'il avait fait sur Returns, mais c'est pas mal. Même Miller, je trouve qu'il travaille beaucoup mieux que ce qu'il avait fait à l'époque sur Strike Again. Maintenant, le défaut, c'est que c'est vraiment très très court. Donc là, Urban, ils nous ont pondu un volume avec deux issues. Et bah, c'est vite, quoi. Ça va très vite. C'est vraiment, ça débute l'histoire, mais tu commences à peine à rentrer dedans, tu te dis, putain, c'est tout. Tu te dis, il y a une suite, c'est quoi? Tu te dis, où sont passés mes 15 euros? Et en fait, ben, voilà, tu te dis, tu t'es un peu fait baiser. Ouais, c'est vraiment ça. Tu te dis, putain, ils t'ont enculé de 15 balles Oh pour là jouer tout à là, fait des d'accord histoires avec tes backups. fleuries. Tout à l'heure, j'ai vraiment eu l'impression d'être fait racketter, moi. Quel langage fleuri, malheur. Non, c'est vraiment ça. Tu vois, j'étais content. Je me dis, c'est beau l'histoire. Hein, je prenais quand même bien dedans les personnages. Ouais, c'est du Miller, ça, c'est sûr. Hein. Mais bon, Azzarello, il rajoute quand même quelque chose de pas mal dans l'histoire. J'étais content et tout. Et je me dis, ça part bien, puis, ah merde, il n'y a plus de page. Ah merde, j'ai commencé la lecture il y a 10 minutes. Ah, ça c'est con, ça. Donc C'est ouais, ça, c'est c'est vraiment ça. J'ai été franchement, vraiment déçu. Ah, c'est bien et tout, mais ceux qui ne l'ont pas encore acheté, n'achetez surtout pas et attendez le TPB qui va regrouper toute l'histoire, parce que c'est extrêmement cher et vous allez vraiment être mis sur votre faim, quoi, parce que ça passe très vite. Ça, c'est quand même assez décompressé comme histoire. Tout se met en place, etc. C'est normal pour le début, mais ça... Ça passe tellement vite que on se dit waouh, tout ça pour ça quoi. Donc je vous le conseille, mais attendez vraiment d'avoir la version finale avec tout. Parce que je suppose qu'Urban va sortir une version finale avec les. Il y a combien de numéros total de prévu? Je sais même pas. Combien? 8. 8. Voilà, avec les 8 numéros, je pense que ce sera peut-être sûrement plus abordable niveau prix. Et au moins, vous prendrez peut-être plus de plaisir à la lecture. Parce que là, en plus, à chaque fois, il faut attendre. Je pense que le prochain sort dans 3 mois. Donc, il y a quand même 5 mois entre chaque. Entre deux issues qui sortent, c'est un peu long quand même. Et en plus, il y a du retard en VO là, donc il y aura encore plus de Ah, en retard plus. après. Ouais, donc franchement, pour moi, ça rentre dans la veine de Returns, mais faut vraiment attendre une sortie TPB finale, quoi. Enfin, c'est un C'est TPB, même mais dur d'en de. dire quelque chose tellement il se passe rien. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il C'est se même passe dur d'en tellement dire pas quelque chose, hein. grand-chose. C'est ouais, c'est dommage. C'est dur d'expliquer parce que sinon ça spoile même directement l'histoire, mais ouais, pour dire vraiment en gros rapidement, bah, t'as la fille de Superman et Wonder Woman qui cherche un peu son identité. Il y a Batman qui est présumé mort. On sait pas très bien, il y a un Batman, on sait pas très bien qui c'est. Enfin, on le sait, mais je vais pas spoiler quand même. Il y a tellement peu de pages, je vais pas spoiler le peu de pages qu'il y a. Il y a Atom qui décide d'aider Kandor et de faire quelque chose pour eux. Et d'essayer Ça de par les contre, aider, voilà. j'ai trouvé ça bien trouvé et je me suis demandé pourquoi ils n'y avaient jamais pensé avant dans les séries classiques, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'était pas mal. C'est vrai que quand ça tombait sous le sens, un peu vu comment ça a amené, c'est. Que l'expert en miniaturisation aide la cité miniaturisée, tu vois. Je sais pas, c'est pour moi ça tombait ça, je me suis dit bah ouais, pourquoi ils n'y ont pas pensé avant? La seule explication, c'est que Superman c'est un bâtard et qu'il veut pas ramener son peuple à l'état grand. Hey mais Vinch, on n'est pas dans un podcast de cité là. Faut arrêter avec couille, bâtard, salope, ça pue la merde et compagnie. Si j'ai appris ton langage fleuri. Oh le bâtard. Je me mets au niveau. Vous voulez continuer ou on passe au suivant ou vous avez encore des choses à dire sur ce titre? Non, j'ai plus rien à dire là-dessus. Ok. Alors Marien, c'est à toi. Superman Batman tome 2. C'est la fin du run, non? De. Merde, comment il s'appelle? De Ed McGuinness et C'est de. ça, ouais. C'est la fin du run, non? Je vais reprendre le. Hop. Ah, c'est ça, c'est Jeff Lobb. Je retrouve plus son nom. C'est Lobe et Donc, McGuinness? bah, tout à fait. Ouais, je sais C'est plus. ça. Ok. Vas-y, on t'écoute. Donc ce tome, donc Superman Batman, tome 2. Donc, comme je disais au scénario de Jeff Lobb, j'ai toujours un peu de mal à retrouver son nom. Au dessin, il y a quand même pas mal d'artistes, mais les deux qu'on retiendra, ce sera surtout Barry de McGuinness et puis Carlos Pasencho. Donc, sorti chez Urban récemment, 336 pages, 28 euros. Donc, dans ce tome, en fait, on aura bah, directement la continuité hein, du premier tome. C'est-à-dire on retrouve Superman et Batman, mais on a la bonne surprise de découvrir qu'ils sont devenus des espèces de dictateurs, comme s'ils avaient un espèce de côté evil, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins tous les deux maîtres du monde et ils utilisent leur pouvoir pas forcément à bon escient et ils s'en servent notamment pour, on va dire, pour combattre les personnes qui pourraient les déstabiliser un petit peu. Et on se rend compte que le passé a été changé et qu'ils ont été ils ont été élevés enfants par trois super-vilains de la Légion des super-vilains, donc du futur, que sont Cosmic King, Lightning Lord, pardon, et Saturn Queen, qui sont venus donc de l'an 3000, hein, pour changer le passé des deux plus grands héros de notre histoire, donc Superman et Batman, et les prendre sous leur aile et les élever comme leurs propres enfants, mais avec leurs valeurs à eux. Donc du coup, c'est assez intéressant de voir pour une fois Superman et Batman se comporter comme des connards. De voir un petit peu, bah ouais, enfin je veux dire, ce qu'on ferait tous naturellement, je pense, si on avait des super pouvoirs, c'est-à-dire bah, un petit peu taper dans les caisses, se servir aussi. Hein. T'imagines même pas ce que je ferais. Bah, je veux dire, bah, non, mais des personnes normales, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà. Et du coup, ils vont se rendre, ils vont avoir des espèces d'échos en fait de ce qu'aurait dû être la réalité. Ils vont se rendre compte peu à peu que ce qu'ils vivent en fait c'est pas normal. Ils vont partir à la recherche en fait de la vérité. Et ils vont essayer donc du coup de voyager de réalité en réalité et d'aller un petit peu dans le passé, dans le futur, pour rétablir l'ordre normal. Donc on va rencontrer quand même pas mal de personnages intéressants dans ce tome-ci. Il y a pas mal de petits clins d'œil parce que du coup, comme Superman et Batman passent de réalité alternative en réalité alternative, on croise, je sais pas, des personnages comme Kamandi. Il y a un moment, il y a une période Far West avec Jonah Hex et tout ça. Et ils sont plus ou moins aidés dans leur quête pour rétablir l'ordre par Darkseid, quand même. Mobius et le vieux Superman en fait qui est à la fin des âges. Voilà. Je veux pas en raconter plus sans spoiler, mais il y a quand même c'est un bon tome dans l'ensemble. Le début, bah, la première moitié du tome parle en fait de toute cette croisade, de toute cette quête en fait pour essayer de rétablir l'ordre. C'est peut-être un petit peu long pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude ou alors qui sont un peu gavées par le côté réalité alternative, etc. Mais il y a quand même des très bons passages, on rigole bien, notamment sur la deuxième moitié du tome, il y a Bizarro qui veut aider son grand copain Superman, enfin son idole Superman, qui veut l'aider un peu dans sa quête. Et donc il va chercher Bat-Zaro, et donc Bizarro et Bat-Zaro partent sur les traces de Batman et Superman, donc à travers le temps et les réalités. Donc ça donne un petit peu des moments what the fuck, complètement tordus et bien drôles. C'est un bon tome dans l'ensemble. Tu le conseilles? Je le conseille, mais pour fans en fait. Vraiment pas à faire découvrir comme le tome 1. Le tome 1, tu peux le faire lire à n'importe qui, ça passe. Moi, le tome 1, je me suis fait chier, hein, j'ai coupé entre-temps le coup du robot, moitié Batman, moitié Superman, ça m'a fini, quoi. Ça Mais voilà, parce que t'es connaisseur, tu montres ça à du grand public, ça parle à tout le monde. Le deuxième tome ne parlera pas du tout à tout le monde. Ça sera vraiment pour des gens qui connaissent déjà les codes des comics, quoi. Et quand tu vois Darkseid, Mobius et le Superman de la fin des âges, qui aident tous les trois, Superman et Batman, tu vois, ça ne peut pas parler à quelqu'un qui ne connaît pas. Pareil, quand tu vois Cosmic King, Lightning Lord et Saturn Queen, si tu n'as pas un petit peu lu la Légion des super-héros dans le futur ou quoi que ce soit, tu comprends pas, quoi. C'est pas à portée de tout le monde. Mais D'accord. pour les connaisseurs comme nous, moi, je pense que c'est vraiment un tome à avoir lu, quoi. D'accord, ok. Ok. Vince, c'est à toi. Ouais, donc on continue sur Luthor, qui est paru aussi au mois d'avril, forcément. Donc là, c'est encore écrit par Brian Azzarello et c'est mis en dessin par Lee Dessiné, quoi. Permejo. Ouais. Mis en Tu dessin. veux des thèmes, tu veux des thèmes plus Mis fleuris, en donc dessin. je mets des thèmes fleuris, gros bâtard. Donc là, on se retrouve avec un super récit donc sur Luthor, Lex, comme c'est marqué sur la couverture. Donc c'est vraiment pas une histoire super-héroïque de base. On n'est pas dans le thème du super-vilain, etc. Ici, c'est vraiment ben, un peu comme Joker. C'est plus un long récit des questionnements sur Lex Luthor, sur comment est-ce qu'il perçoit le monde, comment est-ce qu'il perçoit Superman. Franchement, j'ai vraiment bien aimé la lecture. Je suis juste un petit peu resté sur ma faim à la fin, forcément. Mais sinon, franchement, c'était un très beau récit. Les dessins sont magnifiques. On suit vraiment toute une évolution du personnage. On voit comment Luthor traite avec les autres, sa relation qu'il a avec, entre guillemets, avec Superman, à quel point il peut le détester. Il y a un rapide passage avec Batman et Superman aussi, que j'ai pas trouvé vraiment utile. Enfin, ça sert au scénario, même si j'ai pas vraiment trouvé leur baston cohérente, je vais dire. Enfin, intéressante plutôt. Mais sinon, franchement, c'est une revue que je vous conseille fortement, rien que pour en apprendre plus sur Lex Luthor et sur comment est-ce qu'il peut penser, comment est-ce qu'il peut être machiavélique et comment est-ce qu'il peut évoluer. Parce que peut, dans toute une partie du livre, on se dit, ah ben, Lex Luthor, c'est quand même pas un connard. Et puis au final, je dirais, on voit plusieurs parties de son visage. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment une très belle caractérisation du personnage. J'ai vraiment bien aimé ce numéro. En plus, Bermejo fait un super travail dessus. Et Azzarello, toujours à l'écriture, il est toujours au top, lui. Voilà. Ouais, c'est un tome qui est pas sans rappeler le tome du Joker qui était vraiment déjà super bien. J'ai trouvé que la caractérisation aussi de Luthor dans ce tome-là était super. Enfin, perso, là, la Paris Comics Expo arrive. Libermero est invité par Urban Comics. Je sais que déjà, le tome là, Luthor va rejoindre le tome Joker pour se faire dédicacer, c'est obligé, quoi. C'est vraiment un bail, quoi. Faut vraiment avoir acheté ce tome-là, ce mois-ci. Ok, bah poursuis Marien, c'est à toi avec Preacher. Ouais, alors Preacher, tome 3, je sais pas s'il y en a qui lisent du Vertigo aussi ou qui sont déjà initiés à l'univers de Preacher. Moi j'ai lu tout Non. Preacher. Ah bah c'est Moi cool, au pas du tout. moins. Alors je vais essayer de pas trop spoiler pour ceux qui connaissent pas. Donc Preacher, je vais faire une rapide présentation de l'univers de Preacher quand même, histoire d'expliquer. Donc Preacher, c'est une histoire qui se centre sur Jesse, donc un jeune curé. D'où le terme de Preacher, qui se retrouve plus ou moins possédé par un esprit hyper puissant qui lui procure un pouvoir, celui d'avoir la voix de Dieu, donc il peut se faire obéir de tout et n'importe quoi. Il suffit de le dire en fait, et sa volonté est. C'est plus ou moins un personnage désabusé en fait, qui ne croit plus en Dieu, etc., et qui retrouve sur son chemin donc deux camarades. Donc son ex, Tulip, et un mec qu'il va rencontrer qui s'appelle Cassidy et qui s'avère être un vampire. Et voilà, ces trois galurons-là vont partir sur les routes des États-Unis pour essayer de retrouver un petit peu Dieu et de s'expliquer avec lui. Ça, c'est une rapide présentation. Là, je vais essayer de m'attarder un peu plus sur le tome 3. Donc dans ce tome 3-là, on a une super belle intro. Sur le sein des tueurs qu'ont rencontré en fait les lecteurs dans les tomes précédents, donc qui est un petit peu l'envoyé de Dieu et de l'ange de la mort, c'est l'exécuteur ultime du paradis. Donc là, on a le droit à quatre numéros dès le début d'entrée du tome sur la genèse en fait, du sein des tueurs qui explique un petit peu son histoire. C'est franchement génial, on sent que Garth Ennis maîtrise totalement le style western, ça sent que lui aussi. Il en a bouffé plein, il y a plein de petits clins d'œil au film de Sergio Leone, c'est vraiment génial. L'ambiance est là, graphiquement, c'est magnifique. Sinon, pour le reste du tome, donc après ça, on reprend l'histoire classique. Le tome va beaucoup tourner autour de Cassidy, hein, sur le tome 3, ça parle beaucoup du vampire. Il y a une petite intro avec un flashback qui nous explique un petit peu ce qu'il faisait avant le début vraiment de la série Preacher. C'est une parodie de Entretien avec un vampire de Anne Rice. Donc en fait, c'est comment Cassidy, qui est un vampire qui n'a rien à battre de rien, qui rencontre une espèce de tapette sortie tout droit de la littérature de Anne Rice et qui lui apprend à vivre, quoi. C'est vraiment génial, ça se pissait dessus. Je le conseille très fortement. D'accord. Et sinon pour l'histoire de ce tome-ci, l'équipe va être quand même un petit peu en mal parce que la cohésion du groupe est remise en cause. Étant donné qu'il commence à y avoir un petit peu des dissensions, notamment entre Tulip et Cassidy, quoi. Voilà, Preacher, c'est mon coup de cœur, c'est devenu ma BD préférée, je le recommanderai jamais assez. C'est devenu l'enfer de ma copine parce que je me lis ça le soir dans le lit avant d'aller me coucher, et du coup je la réveille tellement je suis pété de rire à côté d'elle, quoi. Je conseillerais jamais assez Preacher, quoi. Achetez-le, lisez-le, dormez avec. Toi, t'es fan aussi. Ouais. Ouais. Ça fait quand même 392 pages pour 28 euros, il y a de quoi lire. Ouais, ça coûte, ouais. L'édition de Urban Comics est vraiment géniale parce que entre deux numéros, il y a à chaque fois les petites notes de Garth Ennis qui expliquent pourquoi il a mis ça dans le tome, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie à ce moment-là. Il y a le courrier des lecteurs, donc c'est vraiment un gros truc, ça étoffe bien l'univers de la chose. Et à la fin, il y a encore le catalogue des couvertures de Glenn Fabry qui, enfin, c'est un monstre de dessin, ce mec. C'est toujours excellent de voir ce qu'il fait. C'est vraiment un virtuose, quoi. Cédric, t'es fan aussi? Oh ouais, Preacher, c'est génial. Alors, je me souvenais plus ce qu'il y avait dans le tome 3, et quand j'entends le passage avec l'ange exterminateur, c'est mon passage préféré dans tout Preacher. Ah oui, génial. Fabuleux. En plus, si je me souviens bien, c'est pas Steve Dillon qui dessine cette partie-là. Non, c'est pas Dillon. Alors attends, je l'ai là. Attends. Parce que c'est vrai que un peu le point faible de Preacher sur l'ensemble de la série, c'est le dessin de Dillon. C'est Carlos Esquira qui dessine à ce niveau-là. Et là, c'est vraiment excellent. Hein. Le dessin est superbe sur cette partie-là. Le reste du dessin, Dillon, faut aimer son style. Hein. C'est pas le point fort de Preacher. Ah, moi, j'aime beaucoup. Hein. Moi, je suis du style, tu vois. Quand Dillon il dessine du Hellblazer, c'est pareil. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, même si c'est un côté un petit peu crade, moi j'aime beaucoup. Puis je trouve que ça colle avec la série, tu vois, ça me gêne pas du tout. Je l'associe vachement à la série, mais moi ça me dérange pas. Mais je connais beaucoup de gens qui ont du mal avec Preacher à cause des dessins. Ouais, il a un style particulier. Enfin, à côté de ça, c'est tellement, mais tellement drôle. Mais vraiment, enfin. Des fois, j'ai du mal à pas faire de bruit, à pas réveiller ma femme qui dort à côté de moi dans le lit, parce que, mais vraiment, je suis à deux doigts, mais d'exploser de rire, quoi. C'est vraiment, c'est bien tourné, c'est drôle. En plus, là, dans ce tome-ci, il y a le retour de Tête de Fion. Ouais. Et c'est très, très, très sombre. Hein. C'est très drôle, mais c'est très sombre. C'est du monde noir, quoi. Ouais. Bah, c'est beaucoup. Bah, c'est comme quand tu lis du Hellblazer, quoi. C'est du Garth Ennis aussi. C'est-à-dire que. C'est une histoire crade, crue, qui remet en cause toutes tes convictions, mais avec des mecs qui n'ont jamais rien à branler de rien, et du coup, à chaque fois, t'as un clivage et des situations qui sont grotesques et absurdes, quoi. Je vais m'y mettre à ça. J'avais lu le tome 1 à l'époque, je sais plus qui avait édité ça en français avant Urban. Ça fait un moment, hein. Ça doit faire une dizaine d'années. Ou je sais pas. Je vais m'y remettre à ça, je pense. Ah, mais vraiment, je te le conseillerais jamais assez. C'était Semik ? Bah. Ouais, ça doit être ça, ouais. Peut-être, ouais, il me semble. Et au moins que ce soit Semik, ouais. Mais c'était des tomes plus fins, il n'y avait pas autant d'épisodes. Et là, c'est en combien de tomes en tout chez Urban? Pour l'instant, il y a 3 tomes, le quatrième est annoncé, je crois qu'il va sortir cet été. En VO, ils l'ont sorti en 5 tomes. Ouais, bah ça va être ça, alors, vu que c'est des gros tomes de 400 pages. Chez Urban, ça sera en 6. Par contre, mais l'avantage d'Urban, d'après ce que tu dis, moi j'ai les tomes en VO, c'est que moi j'avais pas les courriers des lecteurs et les anecdotes de Garfélix. Il y a vraiment un très très gros travail d'édition quand tu lis chez Urban. Chaque fin de tome, t'as le petit message de Garth Ennis. Bon, ça fait une page complète quand même. Il y a un dessin, hein. C'est juste du blabla. En fait, c'est Garth Ennis qui te raconte un petit peu sa vie, ce qu'il fait en ce moment, pourquoi il a pété un plomb sur ce numéro-là, pourquoi il a fait faire cette connerie-là au perso. Et puis la page d'après, c'est le courrier des lecteurs où t'as un petit peu la réaction des fans et qui peuvent aussi soulever des questions que toi tu te poses. Et Garth Ennis qui leur répond directement après. Des fois, t'as même Glenn Fabry, donc qui fait aussi les couvertures, qui répond, Steve Dillon qui met un petit peu sa patte aussi. Enfin bref, tu sens en fait que c'est des copains qui font c'est une bande de potes qui fait cette BD là, et ça se sent vraiment quand tu le lis, parce que tout est en pleine cohérence, quoi. Tout est en pleine cohésion quand tu lis le tome, quoi. Ok, vous avez autre chose à rajouter ou on passe au comics VO? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y en a qui veulent nous quitter pour pas se faire spoiler sur les comics VO ou tout le monde reste? Ouais, moi je me casse parce que j'ai recommencé certains comics VO, donc je ne veux pas me faire spoiler. Ok. Salut Vinch. Salut à tous. Vinch. À la bientôt. Prochaine. Ça marche. Salut. Ciao à tous. Bye. Ciao. Bon. Alors, donc on poursuit donc avec le fameux numéro que vous avez pas aimé, les gars, donc Batman 50. Donc vas-y, Spectra, on t'écoute. Attends une seconde, Vivien et Maria, vous lisez de la VO aussi? Vous pouvez intervenir? Non, mais je lis très peu de VO, mais sauf les American Alien et Loïs et Clark, tu vois, des petits trucs comme d'accord. Ça. Mais ça me gêne pas du tout d'être spoil, au contraire. Okay. Vivien, pareil. Ça peut m'éviter. Je lis un peu de VO, mais attends, là, que je regarde. Oh, il y a peut-être à la rigueur le Midnighter, mais si tu peux y aller vraiment, il n'y a pas de souci. Midnighter, t'inquiète pas, je vais rien spoiler du tout. Attends, Vinch vient de se barrer? Ouais, Vinch, il est parti, ouais. C'est pas lui qui devait faire les reviews univers? Ouais, mais en fait, il a dit qu'il n'était pas fait les apparitions encore. Ah. Il avait bah, sinon, alors, je peux le dire vite fait, Batman, c'était de la merde, Superman, c'était de la merde, Justice League, c'était bien, parce que c'est le début de la Dark Side War. Voilà, merci d'avoir écouté. Okay, ça, c'est Jean-Pierre Coff, sort de ce corps. non, mais vraiment, c'est... Bah, en plus, c'est là, en ce moment, en VF, ça commence à arriver sur le Bat-Robot, là. Ah ouais. Donc, c'est pour ça, tout le Batman Universe, c'était pas terrible. Bah, le Bat-Robot, au début, c'est pas mal. Ça devient pire après. Ouais, vous aimez bien, vous, au début, Bat Bunny, là. Ah, le début, ça va, je trouve. Et Justice League Universe, par contre, je l'ai sous les mains. Juste monstrueux au niveau des dessins, au niveau de l'histoire. C'est enfin le début de la Dark Side War. J'avais hâte de lire ça. Jusqu'à maintenant, je les avais lus un petit peu en... J'ai pas voulu trop me spoil, en fait. J'ai préféré attendre qu'ils arrivent en papier. Donc, j'en avais lu un petit peu en dématérialisé, mais pas plus que ça. C'est vraiment un plaisir de découvrir les dessins, là. Il y a des splash-pass, par exemple, sur Mister Miracle, là. Elles envoient trop du pâté, quoi. Ok. Bah alors, vas-y, Spectra, on t'écoute sur le Batman 50. Si vous voulez réagir, les gars, moi, j'ai rien lu, de toute façon, sur tout ce qui est marqué là. Donc, après, si vous voulez réagir, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, bah alors, du coup, ça y est, c'est officiel. Bruce Wayne est à nouveau le Batman et donc va libérer la ville du joug tyrannique de Mr. Bloom, hein, qui, comme dans tous les récits de Snyder, est en train d'exploser tout Gotham. Voilà, j'ai rien de plus à en dire en fait, parce que finalement c'est de la baston tout le long. Si vous avez aimé Power Rangers, ça pourrait vous plaire, c'est susceptible de vous intéresser en tout cas. Au rang des nouveautés, on a juste le nouveau costume de Batman et un statu quo qui revient plus ou moins à la normale. Excusez-moi, je te coupe deux minutes là, je regarde le box-office là. Là aujourd'hui, Superman, Batman, machin, il est à 681 millions au box-office mondial. Ouais, bah c'est une tuerie. Ouais, voilà. En une semaine de temps, il n'y a pas beaucoup de films qui font ça. Hein. Voilà. Une semaine et demie, ouais, 10 jours. 10 ouais. jours là, c'est monstrueux. Ils font... Là, j'ai vu des gifs tournés avec. Ben Affleck, Henry Cavill et puis Zack Snyder qui étaient en mode What is love dans une voiture sans train de bouger la tête. C'est moi qui l'ai mis, ça. C'est moi qui l'ai mis. Bah c'était c'est vraiment ça, quoi. Les mecs maintenant ils ont plus rien à battre, quoi. Vas-y, continue Spectre, excuse-moi. Et donc voilà, donc c'était très très dommage de scénariser pour Capullo un numéro comme ça, de lui laisser dessiner une baston de robot face à un Mr. Bloom géant. Voilà, c'était très très mauvais, très très très mauvais, et du coup je suis un peu totalement refroidi là sur tout le run de Snyder, où finalement je pense que je garderai en tête surtout la cour des hiboux et c'est tout. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ouais, j'ai le même avis, je suis un peu moins méchant sur l'ensemble du run, parce que Death in the Family, sans être génial, ça se lisait encore bien, le Zero Year aussi, mais là, Super Heavy se termine tellement mal. Zero Year, c'est sérieux? Zero Year, c'était pourri. Bah, Zero Year, il y avait 10 issues, les 5 premières, j'avais vraiment bien aimé, c'était la deuxième partie que j'avais trouvée plus faible. Par contre, là, Super Heavy, le numéro 50, c'est le pire numéro de Batman de tout le run de Snyder. C'est atroce, atroce. Et encore, les deux numéros d'avant étaient déjà mauvais, mais alors celui-ci, il a touché le fond. Hein. Il n'y a rien. C'est des batailles de robots. J'étais d'accord avec toi. The Six of Family, ça se lisait encore, mais après, non. Bref. Snyder, quoi. Mais bon, enfin, Snyder, il a fait le tour depuis un bon moment maintenant sur Batman. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'étais pas vraiment emballé par le fait qu'il reprenne encore une série Batman, même si c'est centré sur les méchants. Je pense vraiment qu'il a fait le tour. Il n'y a plus rien à dire sur Batman et sur cet univers-là, quoi. Ok. Ben poursuis, hein, c'est à toi toujours, Cédric. Ouais. Détective Comics 50, au scénario Peter Tomasi, mise en dessin par Fernando Passarin. Mise en dessin, putain. Eh ben, ouais. Oui, Non, j'ai appris qu'on disait comme ça. On dit comme ça. Donc là, on a la fin de l'arc centré sur le tueur au masque qu'on a depuis trois issues déjà. C'est une fin d'arc franchement très décevante. J'étais emballé par cet arc de Tomasi qui était le meilleur de tous les arcs qu'il avait fait sur Detective Comics. Et il finit très rapidement dans une grosse bagarre. Donc Tomasi nous avait vendu le retour de Batman au détective. C'est expédié en une page et après t'as 15 pages de bagarre sans intérêt. Plutôt bien mis en dessin, mais sinon, enfin, ouais, voilà. Et en fait, l'histoire a dû se terminer à l'issue d'avant. Et tu sens que ça a été rallongé pour arriver aux 50, faire un numéro un peu spécial. Et donc en plus de ça, donc vu qu'il y avait vraiment plus rien à raconter, l'histoire se termine en 20 pages, mais il fallait faire 20 pages de plus parce que c'était l'issue 50. Et il te rajoute une petite histoire avec juste un dessin par page, donc avec juste un petit dialogue qui est absolument sans intérêt et qui te montre un peu les couvertures mythiques de Batman mais redessinées par divers auteurs. Voilà, tout ça pour te faire un numéro à 5$ plutôt qu'à 3. Enfin, voilà, c'est très déçu par ce numéro-là. Tomasi, moi, j'entends partout que c'est génial qu'il arrive sur Superman. Quand je vois ce qu'il a fait sur Detective Comics, j'attends de voir. C'était mieux sur Batman et Robin. Hein. Ah oui, Batman et Robin, même Green Lantern Corps, elle a fait du bon boulot. Mais là, sur Detective Comics, c'est vraiment, ça sent que c'est du boulot de commande, qu'il a rien à dire. Et il est en. Et voilà, ah oui, et en fait, je me demande jusqu'où c'est la responsabilité de Tomasi, en fait, étant donné que l'univers partagé, l'éditeur in chief, et puis le fait que Snyder décide de faire tel ou tel événement dans la série Batman, je sais pas en fait s'il est vraiment responsable de ce qu'il écrit. Ouais, c'est pas impossible, c'est vrai qu'il est responsable des crimes qu'il est en train de commettre, tu vois. En tout cas, nous, on a rien demandé, on n'est pas responsable. Bah, c'est ça, au bout d'un moment, personne n'oblige d'essayer à sortir le titre, quoi. Et c'est même pas le fait que ce soit Gordon en Batman, parce que ce soit Gordon ou Bruce Wayne sous le costume, franchement, on verrait pas de différence. C'est pas du tout approfondi ce côté-là. Non, c'est juste les histoires qu'il essaie de développer sont mauvaises. Mais bon. Ouais, mais faudrait voir la marge de manœuvre qu'il a. Enfin, je sais pas, moi ça m'intéresserait d'avoir son avis déjà à Peter Tomasi. Après, Tomasi, c'est le bon soldat. Hein. Il est toujours prêt à, comment dire. Il fait toujours avec la continuité qu'on lui donne. Il faisait ça avec Green Lantern Corps, avec Jeff Jones. Là, il fait ça sur Batman. Et Batman et Robin, ils s'en sortaient très bien. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a toujours appliqué la continuité, alors que Snyder, il s'en battait un peu les couilles. Lui, à chaque fois, il fait le taf, quoi. Ouais. Mais là, il s'est complètement planté. Hein. Il y a rien à sauver de tout son run. Celui-là, c'est le moins pire de tous et il est pas bon. Donc. Ok, ensuite on a Green Lantern 50. Tu vois, on sent qu'il est motivé. Vivement Rebirth. Hein. Et en plus, il coûtait 5€, quoi. Et genre, tu l'as payé Tu l'as payé vraiment? Ah, je l'ai payé, ouais, je l'ai en physique, ouais. Oh là. Ah ouais, non, c'était. T'as payé où en physique? Ouais. Enfin, il y en a qui sont. Pas tout. Oh, on va faire un petit concours sur le blog, là. Tout ce que t'aimes pas, on va essayer de les donner à des gens, non? Tu sais que du coup, c'est à cause de gens comme toi qu'ils continuent de faire des séries de merde parce qu'ils disent que ça marche bien. Ah, mais attends, DC était dans la merde. Moi, je les aide, hein, je suis comme ça, hein, mais bien mal m'en a pris. Hein. Je me ferai pas avoir la prochaine fois. Non, mais ceci dit, là, alors le run de Venditti avait plutôt bien commencé. Je connaissais pas l'univers de Green Lantern, les personnages m'intéressaient pas trop. Je me suis dit, je vais tenter, c'est le moment avec le DCU. Et là, non, ce numéro 50, c'est vraiment une catastrophe. Donc, c'est la confrontation entre Hal Jordan et le Hal Jordan Parallax. Qui se foutent sur la gueule, mais alors de manière mais totalement gratuite, pendant l'anniversaire du neveu d'Al Jordan, donc des New 52. Et les mecs se foutent la gueule façon baston de banlieue, quoi, en dessous de l'appart, et voilà, c'est ça tout le numéro. Et avec un petit dénouement que je vous ne spoilerai pas, car je vous invite à l'acheter. Mais non, c'était merdique. Ok. Ensuite, toujours Green Lantern, mais là, Green Lantern Corps, Edge of Oblivion 3, je vais y arriver. Ouais, c'est ça. Écrit par Tom Taylor et mis en dessin par Ethan Vancevère. Alors là, pour le coup, c'est du bon Green Lantern. C'est une mini en 6, donc on est en plein milieu de la mini, donc où l'ensemble du corps, enfin pas l'ensemble justement, mais donc une partie du corps, elle se retrouve bloquée dans un univers parallèle et ne peut plus en sortir. Pourquoi tu te marres? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de craquer, c'est nerveux, ne vous inquiétez pas. Ok. Ça, il m'a envoyé un lapin sur Skype avec un petit cœur sur le cul. J'ai pas compris. Vas-y, continue. Je sais pas s'il se moque de moi ou. Non, du tout. Ok, pardon. Donc là, on a vraiment un épisode de transition où Guy Gardner, un peu comme d'habitude, est vraiment très en colère parce que certains membres du corps ont été tués par une menace inconnue et Guy Gardner décide de prendre les choses en main et de s'attaquer à cette menace inconnue qu'on va découvrir dans cet issue. Encore un plutôt bon numéro, très bien écrit. Les dessins de Vancevère, par contre, on sent qu'il est fatigué, le garçon, ou alors il était déjà en train de bosser sur Rebirth parce que c'est pas à son niveau habituel. Ma seule déception, c'est que Tom Taylor n'a pas été annoncé sur les nouveaux titres Rebirth, et je pense qu'il aurait fait un bon remplaçant à Venditti sur l'univers Green Lantern. Il connaît tous les personnages, il les écrit bien. C'est dommage qu'il continue pas. Mais voilà, je recommande cette série. Ça fera un beau TP. Ok, ensuite on va passer à Grayson 14. Grayson 14 qui était plutôt sympa, je vais pas trop m'étendre dessus pour pas spoiler le numéro. En tout cas, une équipe menée par Grifter donc décide de buter Elena Bertellini. Donc du coup ils attaquent l'école Encore? Santa Demens. Eh ouais. Normal. Et ben voilà, vous m'avez coupé, je ne sais plus quoi Ah, dire. désolé, Non, excuse. Non mais en fait voilà non mais voilà c'est une bonne baston tout le long avec son lot de retournements de situation. Le numéro est vraiment sympathique. Le seul problème que j'ai avec Grayson en ce moment, c'est qu'il n'y a que des dessinateurs un peu pourris quoi. Enfin en tout cas c'est pas du niveau de Janin ou de Mooney, donc voilà c'est très décevant au niveau graphique. Sinon Qui est-ce ça qui reste dessine toujours. maintenant? Alors, c'est un dessinateur différent là depuis le dernier numéro. Pour ce mois-ci, c'était il s'appelle Kelly Lansing. Ah, c'est dommage parce que c'est vrai que un des grands atouts de la série Grayson, c'était le dessin de Ranin, quoi. Là, Même Mooney faisait du bon boulot d'ailleurs. Non, je dis n'importe quoi même. Le numéro a été écrit par Jackson Lansing et Colin Kelly. Et les artistes sont Roger Antonio et Geraldo Ah ouais, c'est même plus Borges. Tom King, quoi. Ouais, non, c'est même plus Tom King, mais alors tu vois, pour te dire, sur ce numéro, ça ne m'a pas tellement perturbé, quoi. Bon, tant mieux au moins si on sent pas la différence. C'était plus gênant sur le numéro précédent. Là, franchement, ça passe. Alors ensuite, on va passer sur Aquaman 50, qui était bien apparemment. Ouais, très sympa. Dan Abnett, c'est son deuxième numéro et Brett Booth au dessin. Donc, je vais commencer par les dessins. C'est moche, mais bon, c'est pas Trevor McCarthy, hein. Mais c'est Oui, mais Mérin a un tour de poitrine peut-être un peu non, plus. justement, Ah, Mera ressemble plus à une femme un peu normale. Elle n'est pas hyper sexualisée comme elle l'était avant par Cifuentes. Mais c'est surtout les visages qui sont très cartoony. J'ai un peu de mal avec ce style de dessin-là. Quand je dis que c'est moche, je veux bien dire que c'est moi je n'aime pas. L'histoire, en fait, Abnett a l'air de vouloir Alors, un peu comme Detective Comics, et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec Green Lantern, c'est que c'est les numéros 50 qui sont un petit peu oversize et qui devraient peut-être pas l'être. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils les ont mis plus longs parce que c'est le numéro 50, mais qu'il n'y avait pas forcément matière à faire un numéro plus long. Et Dan Abnett a l'air de vouloir faire une série assez politique, avec où on voit les relations entre le monde sous-marin et le monde des humains. Donc on a un peu vu ça 1000 fois dans Aquaman, mais pour une fois, c'est bien écrit. D'accord. Et il a une très bonne idée, je trouve, c'est que pour faire le lien entre le monde sous-marin et le monde humain, plutôt que ce soit le boulot d'Aquaman, il donne ça à Mera qui est très joli, qui s'exprime très bien et qui est très drôle. Et donc, du coup, on voit le côté un petit peu la réaction des médias à cette au fait que ce soit Mera donc qui soit un peu le porte-parole du monde souterrain. Et c'est un petit peu une critique du monde des médias américains qui est assez intéressante. Et ce que je disais donc pour le fait que ce soit un numéro un peu trop long, c'est que du coup ils ont rajouté un espèce d'ennemi un peu improbable qui arrive à se matérialiser dans n'importe quelle goutte d'eau, et donc ça nous rajoute des scènes de bagarre qui n'apportent rien à l'histoire, voilà. Mais bon, c'est un numéro plaisant. Et je continuerai à suivre Aquaman après Rebirth. Dan Amnett a l'air de savoir où il veut aller. Voilà. Mais sinon, un petit défaut, oui, j'ai noté un petit défaut. Il veut instaurer pas mal d'humour avec des personnages secondaires, et cet humour, souvent, en tout cas, il marchait pas avec moi. Donc, après, il faut qu'il trouve ses marques aussi, je pense, sur le titre. Le numéro était un peu lourd par moment parce qu'il y avait trop d'humour qui passait pas. Mais voilà, sinon, voilà, c'est un numéro solide. Ok, ensuite, Midnighter 10. Spectra. Ah, on a perdu Spectra. Spectra. Oui. On t'entend mal. Sors de tes toilettes. Ouais. Bon, on entend plus Thomas. Ouais. Perdu Spectra. Toilette. Bon, on va passer à. Je vais enchaîner avec Superman, ouais. Puis on verra si Spectre est de retour pour Midnighter après coup. Donc, Superman, American Alien. Marien, tu disais que tu l'avais lu, toi ? Oui. Ok, donc on va pouvoir en discuter, sympa. Alors, bon, moi, c'est mon. Je l'ai lu. Ouais, je l'ai lu il y a quelques temps déjà, donc il va falloir que tu me le remettes un peu en mémoire. Ok. Déjà. Comme d'habitude, comme tous les mois, c'est mon coup de cœur du mois. Alors, c'est le scénario toujours Max Landis, mais au dessin, pour cette issue-là, mise en dessin par Manapul. Manapul, voilà, comme d'habitude, très très joli. Alors, ce numéro se passe à Metropolis, et il faut le préciser, parce qu'avec cette série, au départ, on était beaucoup à Smallville. Donc là, maintenant, on est vraiment à Metropolis. Et Clark a décidé d'utiliser ses pouvoirs pour commencer à aider les plus faibles et empêcher les crimes. Donc on en est vraiment au début de Superman. Oui, c'est son arrivée à la métropole, ouais. Non, ça c'était le numéro d'avant. Là, il est là depuis quelque temps et il décide enfin d'utiliser ses pouvoirs. Donc il a un costume, il a un premier costume. D'accord. Et on va avoir je sais pas si tu as lu ce numéro-là. Et on va avoir une première grosse menace. Un niveau tel que seul Superman peut aider. On n'a plus affaire à des braqueurs de banque. Là, on a affaire à un gros, gros monstre. Et on apprendra dans ce numéro quelle est l'origine de ce monstre. Je ne sais pas si je vais le révéler. Non, spoil-le pas, parce que c'est tout l'intérêt du numéro, en fait. Voilà. Et après, bon, je voulais parler un petit peu d'un autre personnage intéressant de l'univers de Superman, que je ne vais pas citer, mais qui est très très très bien, très très bien décrit, qui montre tout son côté fourbe et machiavélique. Vous aurez deviné de qui s'agit, mais on voit une première vraie confrontation entre les deux, entre Clark et ce personnage-là, et c'est voilà, très très bien. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il n'avait pas l'air de se mettre très bon, pas. Pardon ? C'est la première fois qu'ils se rencontrent, hein, dans ce tome, je crois. Non, ils s'étaient rencontrés dans l'issue d'avant déjà, mais très rapidement. Oui, c'était assez sûr. Clark avait rencontré Luthor, Bruce Wayne et Oliver Queen, et là, c'est centré sur un seul de ceux-là. Je te rejoins là-dessus, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une des sorties que j'attends avec Lewis et Clark. Ça fait partie des seuls titres VO que je suis encore, parce que déjà c'est des mini, donc c'est vrai que tu t'impliques pas sur 52 numéros, tu vois. Ce qui est bien aussi, c'est que chaque issue est en standalone, quoi. T'as pas besoin d'avoir un numéro avant ou après. Tu as une petite histoire, 20 pages plus loin, t'as une chute. C'est souvent, c'est très poétique, c'est bien amené, les dessins sont magnifiques. Et on sent que. Tu vois, t'as pas besoin de mettre du gros monstre ou de faire du super blockbuster où tout est éclaté pour faire du vrai bon Superman. Donc, c'est cool, quoi. Ah ouais, mais alors en l'occurrence, c'est même pas vraiment une série Superman, c'est vraiment une série Clark Kent. Oui, enfin, quand je dis Parce Superman, qu'on a toujours, on a toujours pas Superman à la fin de cet issue 5. Je pense qu'on la verra dans l'issue 6. Et on verra le costume qu'on connaît. Mais c'est vrai qu'on voit une vraie progression du perso. Vraiment super je trouve intéressante. ça, c'est On voit vraiment aussi. le côté poétique, le côté très bien, vraiment bien amené et léger et pas, tu vois, c'est pas cru, c'est pas violent, c'est tout en délicatesse, en finesse, en douceur. J'aime vraiment beaucoup cette série-là avec Lois et Clark, mais pour d'autres raisons. C'est vraiment ce que j'attends moi d'une BD sur Clark Kent ou Superman, parce que je trouve que ça manque cruellement. Superman, ça a toujours été un personnage qui a été mal exploité, ou ce qui avait été écrit dessus avait été souvent très moyen. Et je trouve que là, vraiment, la barre a été remontée d'un cran depuis. Ah ouais, depuis 5 ans, ces deux séries-là, c'est clairement le haut du panier. Donc voilà, c'est un numéro fabuleux pour une série fabuleuse. Donc voilà, faut. Mais on approche de la fin, c'est dommage. Est-ce qu'on a récupéré Spectra? Ouais, Spectra, t'es là? Vous m'entendez là ou pas? Ouais, on t'entend, ouais. Bien. Ouais, vas-y, c'est à toi, donc Midnighter 10. Ben non, j'ai plus envie du coup. Non, Midnighter 10, donc le Midnighter, toujours écrit par Steve Orlando et avec au dessin Akko et Petrus. Donc le Midnighter qui est toujours qui a été dans le numéro précédent du coup capturé par la Suicide Squad et qui va les affronter à nouveau dans celui-ci. Donc comme beaucoup de numéros de Midnighter, en fait c'est quand même beaucoup beaucoup beaucoup de baston et voilà, je peux toujours en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler le numéro et ce serait dommage. Alors moi j'ai lu le premier TP de Midnighter que j'ai beaucoup aimé. Tu dirais que tu dis souvent que c'est des numéros où il n'y a que de la baston, mais c'est de la baston narrative. Oui, C'est qu'il oui, se passe oui. beaucoup de choses. C'est pas comme la baston que j'ai vue dans TTT Comics ce mois-ci où il se passe rien, alors que là le dessin de Akko, je pense que c'est aussi lié au scénario de Orlando, fait qu'il se passe beaucoup de choses pendant ces pages de baston. Hein. Ah ouais, non, mais Ça je dis pas qu'il se passe rien, mais je trouve que c'est difficile à chroniquer le Midnighter comme personnage, enfin la série telle qu'elle est écrite et tout, et ça reste quand même très visuel. Effectivement, il se passe beaucoup de choses dans une baston, mais c'est compliqué à retranscrire en fait. J'avoue, ça a été une des seules sorties VO aussi que j'ai lues ce mois-ci. En fait, c'est dur à expliquer parce que c'est très, surtout ce numéro-là, ça fait très James Bond, tu vois. C'est pas parce que ça combat qu'il se passe rien, et inversement, c'est pas parce que ça parle que vraiment ça fait avancer l'histoire, tu vois. Et Ouais. j'ai trouvé ça cool. Même la façon dont les bulles sont mises en page, c'est souvent très original, bien amené et souvent au service en fait des capacités un petit peu surhumaines du personnage. Donc forcément, comme il détecte plus facilement les faiblesses, etc., bah, c'est très visuel, c'est dur à expliquer. Ah ouais, Akko, il fait un super travail là-dessus, c'est clair. Et Akko, Mais il est c'est vrai pas. qu'il faut. Il faut prendre son temps sur chaque page pour bien voir justement tous les détails visuels qu'il a cachés dans la page. Comme tu dis, et notamment les faiblesses de ses adversaires. C'est souvent très bien mis en image, mais faut fouiller un peu la page. Il n'a pas été crédité, lui, Akko, là encore, sur les nouvelles séries Rebirth. Non, pas encore, je crois. On verra bien. Ce que j'aime bien aussi dans cette série, c'est la façon dont les choses sont mises en valeur, mais souvent tu vas avoir une page complète avec une scène vue de très loin, très photographique en fait, avec le Midnighter en action. Et après, c'est plein de une série de plein de gros plans en fait. À chaque fois, c'est souvent dans des plans cadrés très serrés, etc., pour te donner vraiment une impression de mouvement, de vitesse, t'as pas le temps de comprendre ce qui se passe. Et je trouve que ça, c'est bien retranscrit du coup. Ouais, non, Très bonne c'est série. ouais. On va. La comparaison avec Deadshot, elle est vraiment vraiment énorme quoi. La mise en page et tout, elle est irréprochable. Ok, on va passer à GLA8, Cédric. Donc apparemment, c'est plus Ah. ce que c'était. C'est une catastrophe. Donc, le scénario est mis en dessin de Ryan Hitch. Donc, dans le numéro précédent, on avait un. Alors, pour le coup, c'est l'anti-Minator. Numéro précédent, on avait un numéro où il y avait presque que de la bagarre. Où il se passait pas grand-chose, on tournait les pages et on en finissait le numéro en 3 minutes. Et ben, le numéro là, c'est pareil. Il recommence. Donc en fait, il a fini son scénario il y a 3 issues, puis là, il fait de la bagarre. Donc on tourne les pages, on regarde les dessins. Des fois, c'est joli, des fois, c'est pas joli, mais on s'en fout. Et puis, voilà. Alors, le truc qui est bien avec ce numéro, c'est que ça conclut l'arc qui était commencé au numéro 1 sur les dieux kryptoniens. Donc voilà, donc c'est la bagarre, ça conclut l'arc. Donc je te laisse déduire ce qui se passe. Ouais. L'inconvénient de ce numéro, c'est qu'on sait maintenant. Maintenant, on en est sûr. Hein, Hitch n'est pas un scénariste. Et d'accord. Voilà. Donc c'est lui qui va scénariser Justice League. Donc ça n'augure rien de bon pour Rebirth. Voilà. Et c'est lui qui dessine là quand même ou pas? Ouais, il dessine. Ouais. D'accord. Donc t'as des pages vraiment jolies. Hein. Pour le coup, ouais, t'as des pages rushées. Ouais. Et puis, ouais, puis t'as des pages un peu rushées, mais il y a des pages vraiment belles. Hein. Hitch, il est fort hein, au dessin. Mais... Voilà. Passez votre chemin. Ok. Ensuite, Black Canary 9, Spectra. Oui, Black Canary 9. Ouais, c'est vrai que j'avais suivi, que j'ai jamais trop chroniqué parce que j'avais trouvé ça plutôt moyen. L'équipe a changé pour le coup, c'est écrit par Matthew Rosenberg et dessiné par Morita. Le numéro est plutôt sympathique, ça s'éloigne complètement de l'intrigue habituelle qui était à base de groupes de rock et d'extraterrestres. Voilà, ah ouais, j'avais lu la première issue, c'était nul. Oh là là. Ouais, c'était vraiment, vraiment pas terrible. Et là, le numéro est plutôt sympa en fait. C'est Dina et son groupe sont recrutés en fait pour faire un concert pour la petite fille de Falcone à Gotham. Et du coup, voilà, c'est plutôt marrant. Tu croises pas mal de vilains de Gotham qui sont là, mais dans un tout autre contexte. Et c'est franchement sympa quoi. D'accord. C'est pas la lecture du siècle, hein. Allez pas l'acheter, hein. Mais quand tu t'es tapé huit numéros de guitare électrique et d'extraterrestres et de voyages temporels, là ça faisait du bien quoi. Et Black Canary, ça, y en aura pas de, y a rien de prévu après Rebirth, hein. Non, parce que on la reverra dans la série Green Arrow et puis. Ouais, même dans Bird of Prey, non? Bird of Prey là, elle va y être sûrement à tous les coups, non? Ça sera dans les oiseaux de proie certainement. D'accord. Ouais, dans la série Batgirl and Bird of Prey, il y a moyen. Ok, et ensuite donc il en reste plus que deux, Cédric, Titan N6. Ouais. Alors je crois pas qu'on ait déjà parlé de cette série et c'est dommage parce que elle est très bonne. Donc au scénario d'Alan Abnett et au dessin Steven Segovia. Et pour moi c'est le titre. Quand on est fan de continuité pré-New 52, il y a deux titres à lire. C'est Superman Lois et Clark et Titans Hunt. Donc en fait, dans ce numéro, on assiste aux retrouvailles des anciens Titans, donc Don Troy, Nightwing, Hawk, Dave, et la liste continue. Mais vraiment les anciens Titans, pas les Titans qu'on a, pas les New Titans quoi. Et leur mémoire a été effacée. Ils commencent à se rappeler petit à petit avoir fait partie ensemble d'une équipe. Donc ils s'affrontent au début parce qu'ils savent pas trop ce qui leur arrive. Ils sont persuadés d'être les ennemis les uns des autres. Et dans ce numéro-là, ils se retrouvent pour faire face à un ennemi commun. Donc c'est assez classique ce que je raconte, mais c'est beaucoup mieux écrit que ça n'en a l'air. Et c'est vraiment une série pour les vieux lecteurs qui aiment ces personnages. Voilà, donc je la recommande. Si vous aimez Superman, Lois et Clark, lisez Titan Hunt. Et notamment, ça vaut le coup peut-être de rattraper le retard parce qu'il n'y a eu que 6 issues pour le moment. Et il y aura une série de Titans, toujours écrite par Dan Abnett, dans Rebirth. Donc je pense que ce sera la suite directe de cette série-là. Donc voilà, très solide, très sympa. Ok, et bah, vas-y, conclue. Il reste Legends of Tomorrow numéro 1. Alors. Legends of Tomorrow numéro 1, donc je vais en parler cette fois-ci, j'en parlerai plus jamais. donc c'est une série à $8 en fait qui comprend 4 séries de 20 pages. Donc il fait 80 pages le bordel, ouais. Le truc. Et d'accord. En fait, ils ont mis ensemble des séries dont ils savaient très bien qu'elles se vendraient pas. Ah mais oui, c'est pas le je croyais qu'on parlait des Legends of Tomorrow mais non, la série, mais non, c'est le truc avec tous les petits personnages fond de placard qui s'est occasé ailleurs. C'est enfin, ça. C'est ça, je l'ai pas lu. Merci d'en faire la critique parce que comme ça je vais pas avoir besoin de le lire. Alors je vais faire la critique vite fait des 4 issues mais vraiment vite fait. Hein. Alors Firestorm écrit par Jerry Conway hein, qui a 94 ans je pense et dessiné par Eduardo Pansica. Alors Jerry Conway, c'est le monsieur qui a créé Firestorm, donc il revient dessus et il nous refait une origin story. Alors c'est un petit peu un numéro comme si on était au jour 1 des New 52, sauf qu'on est à la toute fin des New 52. Donc ils nous introduisent Firestorm dans les New 52, qu'on verra plus, qu'on n'a pas vu nulle part, hein, Donc c'est sans intérêt. C'est pas trop mal dessiné. L'histoire est pas si mal, mais quand tu te mets dans le contexte d'essai du moment, ça sert à rien. Ensuite, on a Metal Man par Len Wein, qui je crois qu'il a un an de moins ou un an de plus que Jerry Conway. Donc, alors lui, autant Jerry Conway, il arrive encore à écrire des comics, que Len Wein, il est cramé de chez cramé. C'est pour ça qu'il s'appelle Legends. C'est pour ça qu'il s'appelle Legends of Tomorrow, le truc, c'est parce qu'ils sont tous à deux doigts de claquer. Donc ce sont les légendes de demain. Ah ouais, mais c'était légende, c'était des légendes. Len Wein, c'est je sais pas si c'est lui qui a créé les Metal Men pour le coup, c'est possible, mais c'est le monsieur qui a créé Swamp Thing. Vous voyez, ça remonte, hein, c'est début des années 70. Pardon. Et alors Metal Men, j'ai rien d'autre à dire que c'est nul à chier. C'est, ne lisez pas ce truc, c'est atroce. C'est d'un autre temps ce comics. Donc ensuite on a Métamorpho au scénario et au dessin, Aaron Lopestri. Alors là c'est mieux. Il est mort lui ou pas encore? Non. Aaron Lopez, je ne sais pas quel âge il a, mais pour le coup, Métamorpho, c'est un peu mieux. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier du personnage de Métamorpho. C'est dommage. En fait, tout ce que tu décris, c'est des personnages qu'on ne voit pas souvent et qui méritent d'être exploités. C'est pour ça que je suis allé voir, parce que c'est des personnages moi, que j'aime. À part les Metal Men, c'est des personnages que j'aime bien. Et j'étais content de les revoir parce qu'on ne les a pas du tout vus dans les New 52. Et si les Metal Men, on les a vus un petit peu dans la Justice League. Firestorm, on l'a vu aussi. Firestorm, il avait une série qui a été annulée. Ah ouais, tu vois, j'étais même passé à côté, quoi. Au début des New 52, je crois qu'il y avait une série Firestorm. Ouais. Ouais. Je me souviens de Firestorm dans Brightest Day. Mais alors, il y a aussi dans Futures End. Ah ok, ouais, bah, j'ai pas lu Futures End. Ouais. Et donc, Métamorpho, on assiste au début de la romance entre Métamorpho et la fille du savant fou Simon Stagg. Donc c'est ça pareil pour les vieux lecteurs, ça a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Pareil, c'est quasiment origin story ça. Ben ouais, c'est ça. Donc c'est pas mal, écrit, mais c'est un peu la même chose que pour Firestorm, c'est une origin story qu'on aurait dû voir en début. Si t'as vu le, tu sais l'épisode, il y avait une série animée où ils faisaient un épisode là-dessus sur la création de Métamorpho. C'était pas la série animée des justiciers justement. Je peux pas. Je crois qu'il était vachement bien fait. Je pense que si t'as lu ça, t'es bon quoi. T'as pas besoin de te faire chier lire ça. Mais même pas. En fait, il y a encore plus simple parce que là, on en a parlé en début d'émission. Il y a la Justice League internationale qui sort en septembre, je crois. Allez lire ça. Hein, vous verrez du bon Métamorpho. Alors, il sera peut-être pas dès le tome 1, mais il arrivera plus tard dans la série. Et puis voilà, ce sera une fois mieux que ça. Hein. Et enfin, on a une dernière série, donc Sugar and Spike. Alors ça, c'est des personnages que je connaissais pas. C'est écrit par Keith Giffen. Et là, c'est la bonne surprise du tome. Alors c'est presque pour cette série-là, ça vaudrait presque le coup de lire le tome. Mais bon, c'est 8$, donc c'est pas de déconner. Mais c'est de loin le meilleur titre des quatre. Et ça aurait, pour le coup, je pense, mérité sa propre série. Parce qu'on a, c'est une histoire de deux détectives privés chargés de s'occuper de nettoyer les problèmes embarrassants des super-héros d'essai. Et ça, je trouve, c'est vraiment une bonne idée. Marvel avait une série dans ce style-là il y a quelques temps. Mais donc dans ce numéro-là, donc c'est un numéro one-shot, ils sont à la recherche d'un super vilain. Non, c'est un vilain tout pourri. Hein. Killer Moth. Killer Moth, donc c'est en gros, c'est la mythe tueuse qui a volé les costumes de Batman et s'est mis à bouffer les costumes de Batman. Donc, voilà, c'est une série humoristique vraiment pas mal. Je pense que s'ils sortent un tome juste avec Sugar and Spike en TPB, ça vaudra le coup. Mais ils mangent les vêtements de Batman. Ah, c'est une mythe, c'est une mythe, quoi. Non, tu déconnes, c'est vraiment ça. Ah, ah ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, c'est humoristique. Hein, ok. Donc voilà, Legends of Tomorrow, c'était la fausse bonne idée. J'étais content quand j'ai vu ça, mais en fait, non. Ok, vous avez autre chose à rajouter ou non, il y a pas mal de petites sorties VO qui sont sympas, mais que je voudrais bien chroniquer éventuellement plus tard, mais faut attendre la fin des mini-séries. Tu vois, j'ai lu par exemple Poison Ivy. Poison Ivy, c'était pas bon. Swamp Thing, je crois que c'est en train de me dégoûter du personnage de Swamp Thing. Ouais, pareil, j'avais bien aimé la première issue, puis après ça part. Mais c'est Len Wein qui écrit ça, il a 95 ans. Hein. Et puis c'est moche. Ah ouais, puis c'est colorisé avec les pieds, quoi. Enfin, il y a des trucs qu'il faut, il faudra à mon avis attendre ouais, la fin des mini-séries pour faire une review complète de la mini, voilà, pour dispenser en fait ce genre de lecture. Hein. Ok, on va passer à ce que vous avez fait autre que DC ce mois-ci. Alors je sais pas qui veut commencer. Bah moi parce que j'ai pas fait grand chose. Vas-y. Banshee, voilà, ce matin que j'ai vu. Ça faisait bien plaisir de retrouver. Pourquoi ça a repris? Bah ouais, ouais, ouais. Arrête. Ouais. Oh putain, tu m'as sauvé la soirée là, tu te dis. Ah, mais je sais que tu t'es dessus déjà. Ah, bah trop bien, j'ai maté ça ce soir. Tu vas t'envoyer un message, on te l'a dit cette semaine. Ouais, mais j'ai oublié, j'ai pas de mémoire. Tu sais quoi, je vais laisser tomber Star Wars, je vais mater Banshee. Direct. Bah ouais, vas-y. Carrément. Et c'est tout, et t'as même pas fait Daredevil saison 2? Si, j'ai fait Daredevil saison 2, mais je l'ai terminé hier, j'ai vu Banshee ce matin, donc du coup ça a été bien vite éclipsé. Non, la saison 2 de Daredevil était vraiment, vraiment sympa. Le final un peu décevant, quoi, mais globalement j'ai trouvé la saison 2 quand même bien, bien cool. Ok, ouais, je suis en train de la faire. Vas-y, Vivien. Moi, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Bah, la saison 2 de Daredevil, forcément. Ah, pareil, ouais. D'ailleurs, j'ai pu discuter avec l'artiste Mast, que vous connaissez peut-être, qui a travaillé sur, bah, qui travaille pour Marvel. Ah, sur le Turbo Media, non? C'est pas lui qui s'occupe de ça? Ouais, c'est tout à fait, ouais. D'accord. J'ai discuté avec lui en me rendant à la FACTS hier, enfin ce week-end. Je l'avais en covoite même, donc c'était assez sympa. Et ouais, bah une première moitié de saison avec le Punisher qui est énorme, et une deuxième avec Elektra qui est bien mauvaise. Sinon, à part du DC, en matière de série, qu'est-ce que j'ai pu regarder? La série The Alien, série anglaise qui a débuté, qui va faire 8 épisodes, il me semble, pour la première saison, et qui est plutôt pas mal, que je peux vous conseiller. C'est assez fun, marrant. Et puis ça, c'est certains disent que c'est la nouvelle Misfits. Donc si vous avez aimé, allez-y. D'accord. Vince, il est parti. Marien, à ton tour. Bah moi en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas fini la saison 1 de Daredevil, donc je me suis enquillé les deux qui me restaient, et j'étais tellement à fond que sur ma lancée, je me suis bouffé la saison 2. quasiment là 2 jours, je crois je dois en être à l'épisode 12, donc c'est pareil, bah, je suis en train de bien kiffer. Le Punisher, il est énorme dans cette saison, je crois que c'est ce qui est en train de sauver la saison, parce que la Elektra, je la trouve à chier. Ouais, mais elle est très mauvaise actrice. Ben... Ouais, puis le fil rouge de la série est pas terrible, hormis quand tu retires le Punisher. Il y avait moyen de faire tellement mieux avec elle, il suffisait de relire le run de Miller, quoi, et ils ont trop épuré. Ils ont fait un personnage plus lisse qu'elle ne l'est dans le comic, j'ai trouvé. Moi, honnêtement, j'ai jamais lu rien lu du Punisher, jamais rien lu d'Electra. Le seul truc de Daredevil que j'ai lu, c'était le tome 1 de Sous l'aile du diable. C'était pas Palmiotti ou un truc comme ça? Non, c'était... Ça vous dit quelque chose, ce truc, ou pas? Sous l'aile du diable. Putain, je sais plus qui c'est qui faisait ça. Enfin bref, et j'ai maté la saison 2, j'ai kiffé du premier au dernier épisode, j'ai trouvé ça génial, quoi. L'univers, il est bien développé par rapport à la saison 1, avec les gars de la main, tout ça, je trouve ça rajoute encore un truc en plus. Comment il s'appelle, le mec aveugle? Styx? Ouais. Voilà, c'est pareil, lui, bah pareil, comme je connaissais pas en BD, bah là c'est pareil, il gagne de l'épaisseur, t'apprends un tas de trucs. J'ai trouvé ça vraiment. C'est bien parce qu'en ce moment, comme je suis en train de lire les Tortues Ninja, d'un côté j'ai le clan de la main, de l'autre côté j'ai le clan du pied, donc c'est bon. Je me dis que plus que 4 ou 5 clans, j'aurai un humain en entier, quoi. Moi j'ai trouvé ça génial, en plus je trouve que les photos, la photo elle est super belle. J'ai parlé comme un expert, mais les couleurs et tout sur tous les plans à chaque fois, c'est magnifique. Les bastons, elles sont bien chorégraphiées. Le seul souci que je dirais, c'est que des fois, c'est quand même bien sombre. Vous trouvez pas que l'image est très très sombre? Que des fois, pendant les combats, on ne distingue rien. Je suis souvent obligé de fermer mes fenêtres. Déjà ça, je regarde sur Netflix. Mais moi, tout fermé, les volets fermés, tout fermé. Les combats, des fois, je vois presque rien. Tout est dans l'ombre. C'est un peu gênant des fois, je trouve. C'est un peu le côté, la côté de facilité pour pas qu'on voit que c'est pas l'acteur qui fait les combats, quoi. Ouais, pour le budget aussi, chorégraphie, ouais, pour tout, quoi. C'est clair. Mais et c'est aussi un moyen de dire, ouais. Voilà, l'acteur est aveugle. Enfin, l'acteur est aveugle. Le personnage est aveugle. Vous aussi, vous voyez rien. Démerdez-vous. Non, mais sinon, à part ça, j'avais trouvé la saison 1 géniale. La 2, pour moi, elle est culte. C'est une tuerie. De ce que j'ai vu en 2016, pour moi, en série, Ouais. c'est le meilleur truc que j'ai vu, quoi. Alors en ce moment, en même temps, comme j'ai du temps à tuer parce que je fais pas grand-chose pendant que je suis en train de crafter mes costumes, Parce que je vais t'es peut-être me cosplayer remettre aussi, ouais. à... T'es cosplayer aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Là, je suis en train de finir mon flash pour l'Appareil Comics Expo. Donc pour ceux qui seront là à l'Appareil Comics Expo, le samedi, je serai là en civil. Et le dimanche, je serai là en costume pour le concours. Donc venez faire péter votre corde vocale, venez me faire gagner le concours. En vous remerciant, bande de... Hein? voilà, et du coup, pendant que je suis en train de peindre mon costume ou de le vernir ou de coudre un petit peu, ben, je sais pas trop quoi regarder en ce moment. Alors j'ai entendu dire que House of Cards, c'était pas trop mal, je vais peut-être commencer la série. Ah, South Park, ça tue quoi. La Parce saison 4, que... Oui, ça oui. tourne. Tu l'as fait la saison 4, Cédric, ou pas encore? Ouais, j'ai vu toute la saison 4. Moi, je l'ai vu en 3 jours, la saison Ouais, 4. moi j'ai fait pareil. Ça tourne un peu en rond quand même. Hein. La saison 4, ça Ah, tourne la en rond. saison 4 est bien mieux que la saison 3. Ah, Ouais, j'ai adoré la saison 4. moi je trouve que ça tourne en rond quand même. Début, Voilà, c'est bien. éventuellement, je vais peut-être rattraper mon retard dans les Non, séries mais et après, puis. c'est. Ouais. Mais alors, ce c'est cool, c'est une bonne saison, c'est une bonne série, mais je trouve que la saison 4, elle met beaucoup de temps à démarrer et à la fin, il. Je sais pas, il. C'est à cause de toi hein, que je vais m'y mettre, c'est parce que tu me l'as vendu. Enfin, je regarde. Non, mais sinon, si tu veux pas réfléchir, tu mets Banshee. Hein. Banshee, tu réfléchis pas, c'est génial. Ouais, mais non, c'est. Non, j'ai pas envie d'un truc comme ça. J'ai plus envie d'un truc, tu vois, justement, où il y a un complot, où il y a une histoire. C'est. Ouais, mais c'est sûr que House of Cards, c'est prenant, ouais. C'est bien. Voilà, et puis sinon en ce moment je suis dans les comics VO, les trucs pas DC. Chez IDW en ce moment je suis en train de dépenser tout mon salaire. Donc là les Tortues Ninja, la série de chez IDW, je l'ai prise. Elle est excellente. Ouais, elle est vraiment excellente, elle est vraiment terrible. Et là j'ai craqué mon slip, sinon ce mois-ci j'ai pris les deux crossovers Star Trek Planète des Singes et Star Trek Green Lantern. Voilà. Je les ai D'accord. commandés, je vais me lire ça dans mon canapé, ça sera tranquille. Le crossover entre Star Trek et Green Lantern, je pense que ça va être terrible. Ah, les critiques sont plutôt bonnes, ouais. Il paraît qu'il est sympa. Ouais. Toi, Cédric, on t'a pas entendu encore? Alors moi j'ai, alors je me suis mis à Banshee, donc saison 1, j'ai vu 3 épisodes. Alors? Eh ben j'aime bien, je m'attendais pas à aimer. Et t'arrêtais pas d'en parler, donc je me suis dit, j'essaye au moins le pilote et j'ai bien kiffé. Alors l'épisode 3 m'a un peu refroidi dans le côté ultra violent, Ouais. qui n'est pas trop là dans les 2 premiers épisodes, mais alors là putain, ils envoient grave dans le troisième. C'est quoi l'épisode Mais 3? comme C'est avec qui se bat? l'épisode 3, c'est avec un boxeur, un mec qui vient à Banshee pour faire un combat de boxe et Ouais, qui viole une mais. fille, Et du coup il est pas content. je vois ce que c'est. Et le mec, c'est le combat qui t'a choqué? T'as trouvé que c'était violent? Ah, putain, il prend cher. Oh putain, bah t'es pas prêt Tu alors. fais gaffe pour la suite, T'es ouais. pas prêt alors. Peut-être. Ouais, ça c'est de la gnognotte, tu vas voir après, laisse tomber, hein. Il y a un combat à un moment donné entre un mec et une meuf dans une voiture. Enfin, c'est dans la saison 3, tu verras, mais. Ah là, c'est de la gnognotte encore. Mais après, je trouve que tu es un peu injuste avec la série quand tu dis tu débranches ton cerveau. Parce qu'il y a quand même une histoire qui est prenante. C'est bien écrit, relativement bien joué. Je m'attendais à bien pire. Hein. Ouais, mais le scénario, Disais il n'y a rien de aussi. révolutionnaire, c'est du déjà vu en fait. C'est pour ça que je Ouais, te bien dis ça. sûr, mais c'est pas mal fait. Voilà, ça se regarde bien, hein, franchement. C'est pas une série de la CW. Hein. Et puis avec les Mormons au milieu, enfin, je trouve ça. Ouais, les Mormons, ils sont énormes. Non mais c'est bien Non, parce que maintenant la nuit quand je vais craft pour pas réveiller ma copine, je vais me mettre des petites séries et puis je vais essayer de taper un petit peu dans tout ce que vous citez là. Je vais me faire une petite ouais. work, puis je choisirai celle qui me plaît le plus et je la regarderai quoi. Ah, Sauvegarde, faut être minimum concentré, on va dire, mais Banshee, tu peux mettre ça comme ça tranquillement pendant que tu fais autre chose à côté, ça passe crème, quoi. Ouais, par contre faut pas manger devant quoi. Ouais, non, Banshee, c'est hard, Sauf hein. Daredevil et des fois. Ah ouais, non, si tu trouves Daredevil violent, regarde pas Ah Banshee. non, Banshee, mon gars, c'est surréaliste. Dès qu'il voit une meuf, il la baise. Dès qu'il voit un mec, il le tue. C'est un truc de fou, quoi. Et t'as des Mon cap, quoi. c'est Hannibal. Hannibal, je pense que je pourrais pas bouffer devant, tu vois. Et là, j'ai Ah encore ouais. la saison 1 de taper. Mais Hannibal, c'est très beau, c'est très, très stylisé. Alors que Banshee, c'est crade. Non, mais si je pourrais comparer, c'est le Punisher en comics, quoi. C'est Ouais. crado. Putain, ça me donne envie de me refaire Punisher Warzone, tout ça. Le 2, il était cool. Le 1, c'était de la merde, mais Warzone, il était chouette. Ben moi sinon qu'est-ce que j'ai fait? Ben donc Daredevil, j'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé ça ultra génial. Je suis allé voir The Revenant. J'étais déçu. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah non, je l'ai vu, j'ai C'est bien vraiment de aimé, la mais c'est merde. trop long. Ben moi j'ai pas compris. 2 heures et demie, il aurait pu durer 1 heure et demie le film. Ouais, c'est ça. L'histoire vue déjà vue, redéjà vue. Donc Il est à combien celui-là sur Rotten Tomatoes, juste pour rire? ah, ils ont dû lui ficer la bite parce qu'il a eu des Oscars celui-là, non? Ah Donc bah, ouais. il doit avoir au moins 80% lui, je pense. Mais non, ouais, en fait, Après, ouais. enfin, tu peux pas nier que c'est quand même sacrément bien mis en scène, c'est très bien joué, la lumière est somptueuse. Ouais, après, oui. Tu t'ennuies un peu par moment, mais quand même, la scène du début, elle est Ouais, incroyable. la première scène, le plan séquence, c'est classe. Et le combat avec l'ours, c'est classe. Mais après, c'est plus. Enfin, si je veux voir un documentaire avec des ours, je mets National Geographic, tu vois. Là, en fait, l'histoire, sans spoiler, c'est que. Quoi qu'en plus, le truc il démarre à un moment donné dans le film, pas dès le début. C'est un trappeur et son fils il se fait tuer, donc il veut venger son fils. Mais après toute l'histoire, je sais pas, ça a rien de passionnant. Il y a pas d'émotion, il y a rien quoi. Alors ouais, c'est beau, mais il y a rien d'autre quoi. Donc Ouais, c'est Inaratu. Ouais. Ouais. si tu veux voir un film où un mec il limite il meurt et il se reconstruit, regarde Le Dernier Samouraï. Hein. Pour moi c'est sans faux au-dessus quoi. Vous l'avez vu Le Oh, Dernier avec Samouraï Tom avec Tom Cruise. Cruise? Ouais. Oh la vache, non, mais tu plaisantes ou quoi? C'est une tuerie ce film. Là, attends, je vais faire une attaque cardiaque Mais quoi. c'est une tuerie ce film. T'as pas Non, aimé? bah, Non, c'est un franchement, pavé. C'est non, un mais pavé à côté de du Revenant. Mais t'es un malade. C'est une tuerie le Dernier Samouraï. En plus, c'est inspiré Dernier d'une Samouraï, histoire c'est un vraie. très bon film. Hein. Mais il est génial. En plus, c'est que les Américains ils l'ont remasterisé. Mais en vrai, le Samouraï, c'est un Français en fait. Et c'est un français, oui. On a étudié ça à la fac. T'as pas aimé sérieux Cédric, le Dernier Samouraï? Alors. Enfin, c'est même pas que j'ai pas aimé. Ah, si, c'est pas, il est pas, c'est pas une daube. Mais The Revenant est quand même largement au-dessus. Écoute, même mon prof de civilisation japonaise, il disait que le film, il n'était pas si mauvais. Franchement, il y avait des trucs à sauver, quoi. Mais moi je m'assume totalement, Il est bien, hein. le dernier samouraï c'est au-dessus de Revenant dans tous les sens quoi. Enfin moi j'ai trouvé hein. Ah, le seul point noir du Dernier Samouraï, c'est Tom Cruise. Ah, C'est qu'est-ce que vous avez le contre Tom? plafond. Il est pas. Il joue pas super bien, honnêtement. C'est pas un bon acteur, Tom Cruise. Mais t'es jaloux parce que c'est un beau gosse. Mais moi je trouve qu'il joue bien Tom Cruise, moi je trouve que c'est un solide acteur. Il est. Non, disons que il est. C'est un petit peu. Tu vois, c'est plus ou moins le même rôle. Alors il y va, mais pas à fond. D'accord. Et c'est que quand tu le prends à contre-courant que là il devient bon, tu vois, quand il joue Tom Speedman là, dans Tonnerre sous les tropiques, il est génial. Pas vu celui-là. Là, il n'est pas du tout le même genre de rôle que d'habitude, il est bon, mais dans le Dernier Même Samouraï, chose j'adore le film. dans Tom Cruise, Magnolia, il est excellent. pas vu. Shot aussi. Pas vu. Ouais. En fait, à part Top Gun, t'as vu aucun film de Tom Cruise. Et limite, ouais. Hein. Franchement, limite, ouais. Non, j'avais vu Mais un dans film. Tonnerre sous les tropiques, il est énormissime, quoi. Ah ouais, c'est le cas de le dire. Oui, c'est vrai. Ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté Watch Dogs sur Play 3. Toutes les J'aurais pas dû. ouais, bah, toutes les 5 minutes, le jeu est freeze. Faut que j'éteigne ma console et que je la rallume. C'est même C'est le con jeu qui parce fait qu'il ça. est plutôt sympa comme jeu, Watch Dogs. Ah, j'ai pas À aimé, l'envers, moi. avec ses joints, On avec l'a ses offert, prises. je l'ai revendu. Vas-y, Marine, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, on me l'a offert le jeu, je l'ai revendu. J'ai vraiment pas accroché. J'ai trouvé qu'il n'était pas économique, que l'histoire, on me l'avait vendu comme un truc de ouf. Bah, c'était un petit peu l'habitude de lire des romans, des comics et de voir des films. Bah, tu vois le truc arriver. Enfin, je sais pas. Je l'ai revendu et ça me manque pas, tu vois. Toi, t'as aimé Spectra? Non, je me suis planté en fait. J'ai confondu avec Sleeping Dogs. Non, Watch Dogs, j'ai pas accroché. Ouais, ben moi je peux pas jouer, si je dis 5 minutes ça freeze. Donc ça m'a saoulé et j'ai pris Arkham City, je l'ai refini là. Par contre, ça c'est monstrueux. Ouais, il est bien Arkham City, ouais. Bah, si t'aimes Arkham City, on en parle de la PCE ou pas? On en parle. Bah, ouais, dans les trucs à venir quand même, non? Cette fois-ci, qui va, qui va pas. Bah, je crois que t'es tout seul, hein. Qui c'est qui va à la PCE? Alors, moi, Ah! j'ai demandé une accréditation. Enfin, j'ai demandé ça quand? Vendredi dernier. Donc, ils sont encore en train de tout préparer. Donc, je vois si j'ai mon accréditation, mais je pense y aller tout de même, au moins en tant que visiteur du samedi. Après, si j'ai la crête, je ferai samedi-dimanche. Le vendredi, ça va être assez compliqué, mais je ferai le samedi-dimanche, si la crête, sinon que le samedi en visiteur. Vivien, toi, donc tu es les 2 jours, samedi, dimanche aussi? Vivien, Marien, pardon. Samedi dimanche, ouais. Ouais, comme j'ai dit, samedi en civil et dimanche en cosplay, flash. Et Thomas et Cédric, vous y allez? Non, Cédric, je pense pas, t'es en Norvège. Ah oui, moi j'habite loin. C'est quand déjà la PCE? 15, 16, 17 avril. Je serai au travail. Ah, et pour la Lyon Comics Gun, je dors toujours chez toi, Thomas, ou quoi? Tu m'héberges toujours? Ouais, t'inquiète, il y a de la place dans le lit. Ah, voilà. Ouais, bah, on voilà. Lira du Midnighter en amoureux, tu vois. Bah, vas-y, Spectre et moi, on sera la Lyon Comics Gun. Hein. Je sais même pas c'est quand, c'est au mois de juin, mais je sais plus c'est quand. Oui, bah du coup, il faudra que je regarde les dates pour poser mes vacances, ouais, effectivement. Ouais. Mais il n'y a pas ouais, de soucis. Éventuellement. T'es où, toi? Peut-être que je viendrai par curiosité. Hein. T'es où, toi, Marien? T'es sur quelle ville? Je suis à Troyes, moi, dans l'Aube. Ah ouais, merde. Ah putain, désolé. Ouais. Et toi, Vivien? Non, merde. Vivien, toi, t'es où? Attends, déjà il a des magasins pour acheter des vêtements pas chers. C'est bien, déjà. Ouais, c'est ça. Ça marque. Ah là là. Vivien, toi, t'es à Lille, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, tu peux me redonner pour la Comic Gun les dates, s'il te plaît? Ah, je crois que c'est, je sais pas, hein, c'est pas le premier week-end elles de ont pas été, elles ont pas été annoncées, je crois, encore, si. Ah, elles ont pas été annoncées? Ah, j'en sais rien. Ouais. Tout dépendra de mon calendrier. Franchement, si c'est pas encore annoncé, je peux pas m'y projeter. D'accord. Ah bon, quand même, pour les éditeurs qui écoutent et qui savent pas encore, ont plus entre deux chaises pour savoir s'ils vont à la PC ou pas, cette année, quand même, il y a des putains de grands noms qui sont invités par Urban. Il y a Bruce Timm, déjà. Bruce Timm et Paul Dini, le combo, pas quoi. Pas si vous avez... sur le même stand. Hein. Pardon pas, désolé de t'avoir coupé, mais pas sur le même stand. Hein. Alors, je sais plus lequel. Si, et... sur Groupon pour les conférences et pour faire des doubles dédicaces, ça a été dit. Ah ouais. Mais sinon, de base, ouais, ils sont pas sur le même stand. Parce que Bruce Timm, il est invité PCE et Paul Dini, il est invité Urban. Voilà. Et ils se regroupent pour faire des dédicaces communes. Et si jamais vous avez les nouvelles aventures de Batman ou genre un Mad Love à faire dédicacer, est-ce que c'est le moment? Je vais ramener en invité Urban. Quoi? Je vais ramener toute ma collection, je vais arriver avec un carton. Tiens, signé ça, bah, c'est clair, et puis ça, et puis ça, et puis ça, merci. Il y a Liber Mero qui sera là, donc ça c'est pareil, on en parlait tout le temps, lui, non? Il passe sa vie en France, lui, non? Non, mais il est souvent. Bah, il n'était pas présent l'année dernière, ni l'année d'avant. Bah, en même temps, l'année Quand? L'année dernière, il n'y avait pas la PCE, donc. Si, il était là il y a 2 ans. Oui. C'était lui qui était invité il y a 2 ans aussi. Et là, je crois pas, j'ai pas souvenir. Et là, c'est lui qui a fait l'affiche en fait pour cette année. Ou alors c'était 3 ans qu'il était. Il y a Greg Tokini donc qui a fait L'eau, la BD dont je parlais tout à l'heure là, que je vous conseille très fortement, qui sera pareil là en dédicace. Il y a Matteo Scalera pour ceux qui font les Black Science comme moi aussi. Bon bah Paul Dini, je l'ai dit. Il y aura Elsa Chartier, notre dessinatrice française Cocorico de chez DC, qui sera là aussi. D'ailleurs, j'ai vu sur son Twitter qu'elle n'a pas de série dans Rebirth, mais qu'elle aura probablement quelque chose un peu plus tard chez DC. Ouais. Apparemment, c'est en cours de négociation. Là. Elle va peut-être avoir une série après à elle. Elle le mérite parce que franchement, elle taffe bien et elle est vraiment hyper douée. Donc, elle ne sera pas sur le stand de Urban, elle sera sur le stand Glena, mais pour ceux qui veulent. Allez, à la PCE, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit coucou, ça y fera plaisir, et puis ça fait vraiment du bien d'avoir des artistes comme ça chez nous aussi. Voilà, c'est les 2-3 noms comme ça pour vous attirer un petit peu à la PCE, parce qu'il y aura vraiment, vraiment du beau monde. Et en plus, il y aura votre serviteur dimanche à faire win le concours cosplay. Donc. Allez, Wally, il faut que tu sortes l'émission avant de... Avant quoi? Ah bah avant la PCE, hein, que tout le ah, monde. Ah mais c'est bon là. En plus, t'inquiète, la mission. Il y aura ma femme en cosplay de Hot Girl aussi, donc viens faire péter les cordes. Oh la vache. Non, mais... Ouais, avec les ailes et tout, elle se fait le steampunk. Ouais, sympa. L'émission c'est bon, elle sera prête d'ici demain là, t'inquiète. Faudra que t'envoies des photos. Hein. Je vais vous envoyer le Facebook de notre association, tu verras déjà des photos de sa Wonder Woman. Ouais, sympa, ouais. Ça roule, ok. Bon bah les gars, on va s'arrêter là après cette émission qui a duré putain, un sacré moment. Hein. C'est un record là, je crois. Hein. Ouais, 3h15 d'émission. Ouais. Un record est battu. Ah, mais c'est ma faute, c'est parce que je parle beaucoup. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'était N'hésitez normal. pas à nous laisser vos commentaires, à vos commentaires, vos impressions sur nos reviews. Ouais. Et nous dire que vous avez aimé Batman aussi. Vous pouvez le lire. Ou pas. Ou pas, mais bon. Si vous ne les avez pas aimés, on ne va pas le savoir. Ok, bon, ben, on vous laisse. Bon, ben, merci à Marien et à Vivien. Et, merci de à tous. Rien, c'était chouette. Ouais, c'était chouette, merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Et on se donne rendez-vous le mois prochain. Salut à tous, ciao. Ciao. Salut. Salut.